En direct des résidences Mallette. Ben oui. Vous écoutez l'épisode 81 de la soirée du podcast, qui est l'épisode 1 de la saison 2018-2019 du Canadien de Montréal. Et l'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 31, Jeff Mallette, et votre animateur, le numéro 75, moi-même, Jeff Cromp. Jeff, salut, ça va? Ben oui, toi? Ben oui, hey, ce soir, soir de festivité, on couvre le draft de la NHL. Ben oui, notre Super Bowl. C'est notre Super Bowl. On couvre le repêchage. Et puis, ben comme à chaque année, c'est de même qu'on débute la saison du Canadien de Montréal. Avant de prendre une grande pause l'été, là, pendant qu'il ne se passera rien pendant deux mois. Ouais. Mais on commence ça en juin, à la fin juin, avec le repêchage. Et puis, ben pour ceux qui ne nous connaîtraient pas et qui nous découvrent ce soir, qui sommes-nous, JF? On est des gens qui parlent de hockey du Canadien de Montréal avec passion et boisson. On vous informe tout en vous divertissant. Oui, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des non, non, pas du tout. On n'est pas dans notre décor habituel. Là, on est en train de se bâtir un studio, mais on est de 2 à 6 chums qui se rencontrent à chaque deux semaines pour jaser du Canadien et débattre de ces sujets-là. En buvant de bière et dans le plaisir, écoute ça. Mais oui. Fait que ce soir, par exemple, on a un gros dossier, t'as même la filière, t'as tout ça avec toi. J'ai étudié pour vous autres, je me sentais à l'université encore une fois, j'ai des notes sur chacune des équipes, j'ai fait une anatomie, c'est ça, anatomie de l'équipe, et puis j'ai des informations pour vous, ces prospects, tout ça pour vous autres, en vous informant aussi en direct pour voir ce qui va se passer, est-ce que Pachu va se faire échanger, c'est quoi les nouvelles sur John Tavares, est-ce que le Canadien va transiger. Ça va être excitant, mon GF. Je pense qu'on va en avoir du stock pour le temps que vous allez être avec nous. Ça devrait être assez bien. Donc, avant de commencer, en fait, le vrai draft, qui est dans une demi-heure, puis on peut peut-être vous montrer notre setup, en fait. Mais on pourra, cette année, vous montrer ici ce que nous, on peut voir également. Ah, avec le bon Claude. Avec le bon Claude. Mais en ce moment, il ne se passe rien, fait qu'on ne vous mettra pas trop le visuel pour l'instant, parce qu'on veut vous parler d'autres choses. Il y a eu plein de choses qui sont passées... Effectivement. Depuis la fin... La fin désastreuse. La fin de la saison 2017-2018 qui était assez désastreuse, merci. Mm. Fait qu'on va enlever le petit Claude, on va revenir, on le reverra tantôt. Je vais aller chercher mes sujets, ce sera pas long. Fait que GF, non, ben, première chose à dire, les Capitals de Washington ont finalement gagné la Coupe Stanley. Ben oui, honnêtement, à finale, je me suis dit que ça me dérangeait pas qu'ils allaient gagner, puis j'étais content que ce soit les Caps, parce qu'à un moment donné... La logique est respectée, mais pour Ovechkin, le gars, il a entertainé le monde pendant quoi, 10-12 ans en Ligue nationale? On va voir ici, je vais mettre à l'écran des images ici de la dernière... Ah, ça, c'est les derniers moments. Ça, le dernier 0.3 secondes, weird, là, que genre le cadran... Ouais, le genre de icing. Ouais. Puis là, Ovechkin, qui j'ai jamais vu un Russe aussi heureux de ma vie, là, sur une glace. Un enfant de 5 ans qui venait de... finir un tableau Mario Bros. Mais ouais, tu vois, en extase ici. Ah, Chris, il regarde le ciel, il dit « Oh my God! » Il est comme « Oh my God! Oh my God! » Enfin! Fait que ouais, mais j'étais bien content que Ovechkin remporte enfin la Coupe Stanley. Là. Ouais, puis ce que j'étais content, puis j'étais amusé de ça, c'est de voir à quel point il fêtait comme un esti de malade pendant peut-être quoi, 4-5 jours en ligne. Ah, ça a été fou, là. Il était comme sur une spree, tu le voyais partout, il était à Jimmy Fallon après ça, il était comme en train de faire des langes dans une flaque d'eau. Ben oui, il est allé voir une game des Nationals de Washington, je pense qu'il a bu avec des fans. Tu le voyais dormir avec la coupe dans l'avion, puis chez eux. Je pense qu'il n'a pas lâché la coupe pendant comme une semaine, pendant que... Ah non, c'est clair que quand ils ont voulu y enlever, pendant que sa femme enceinte était sur le bord d'accoucher. Ah ouais, pauvre madame. Les Russes. Mais non, j'étais bien content. Et puis, il y avait deux affaires, en fait, que je voulais te parler par rapport à ça. Puis, c'est le fun parce que j'ai choisi ce soir des sujets avant de commencer, de toutes des affaires qu'on n'est pas d'accord, fait que ça va être excellent. On peut argumenter là-dessus. Voilà. Première affaire que je voulais qu'on montre ici à l'écran, c'est avant la dernière game, quand ils ont gagné la coupe, entre Ovechkin et Fleury, au début de game... Ovechkin garochait de l'eau de son bar, là. Je ne sais pas si c'est un rituel, puis t'as Fleury qui a garoché du Gatorade un peu pour le narguer. Ok, fait que tu vois qu'il a commencé. Puis là, après ça, pendant qu'il se passait rien, ben Ovechkin t'allait donner un petit coup sur les pads, on va le voir ici, là, à Fleury, juste pour le gosser. T'sais. Puis après ça, Fleury, puis ça, c'est ce que toi, t'as pas aimé. Il est revenu, puis là, finalement, il a rien fait. Puis quand il est repassé, ben il a juste comme... Ben ouais, c'est quoi? Il crée un petit bâton quasiment à sa gueule, là. Ben là, c'est pas sa gueule, il l'a slashé sur les pads. Ben là. Ouais, mais tu sais, c'est un coup de sauvage, moi. Puis en passant, c'est quoi ces cheveux-là, Ovechkin, 32 ans, qui est un peu gris de même? Si, boire. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu te souviens la rumeur qui disait qu'Ovechkin, genre, il avait comme trugué son passeport pour jouer, pour venir en Amérique, puis jouer? Vrai? Ben, ça a l'air que le gars, il a passé 40 ans, selon Martin Leclerc. Là. Ben oui, on a. Ah, sacré Martin, c'est pas pour rien que t'as plus de job, c'est Calice. Ça n'a pas de bon sens. Mais, mais tu sais, regardez la face, par exemple. Il y a la face d'un Russe magané. Là. Le gars, il a du vécu dans la face. Ah, Chris, là. Oui. Hein? Ça n'a pas dû dormir souvent, ça. Mais justement, je voulais savoir, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui considérait que Ovechkin, c'est un choker en playoff. Puis que là, en ce moment, il vient de gagner la coupe. Fait que les gens ils ont commencé à dire, ben là, il vient de prouver que c'est pas un choker puis qu'il est capable de gagner. Puis qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Là, Ben, pour moi, Ovi, ça n'a jamais été vraiment un choker parce qu'il a toujours performé en série. Le gars, juste la dernière game qu'il avait à Montréal, le septième match, là, dans le temps qu'Alak, là, il goulait comme un assis de malade. Ovechkin, je pense qu'il avait comme 10 tirs au but. Fait qu'il est présent pendant les matchs importants. C'est juste que l'ensemble de l'équipe n'arrivait pas à gagner des matchs. Fait que pour moi, Ovechkin, il a toujours été dominant en série. Il n'avait pas eu la chance de se rendre plus loin. Puis là, cette année, ben, regarde, il l'a saisi et il l'a gagné, la coupe, là. Bon, dans le chat, là, on parle là, que la vodka aurait ravagé Ovechkin, là, puis... Ah, je pense qu'il shoot à ça, aussi. Sébastien Hout, de Boulevard Brutal, qui nous demande si on était un peu chaud. Ben, on commence, Seb. Ouais, moi, je suis sur... j'ai une bonne Shawi Beach, ici. Faire une petite pub à Trou du Diable. Moi, j'ai une River Band de... C'est quel pays, ça? C'est du Québec, ça, GF. Ah, River Band. River Band ont déjà commandité Rétro Nouveau. C'est une très bonne bière, une très bonne compagnie de bière. Ah, ben voilà. Mais oui, voilà, on attend ici que le vrai draft commence, puis on se met chaud. Puis on continue avec d'autres sujets. Non, mais c'est ça. Ouais, il a quand même prouvé qu'il pouvait se rendre jusqu'au bout, là, Ovechkin, sauf que je trouve un peu hypocrite de le voir gagner une fois en 13 ans, puis de dire, ben, il a choqué toutes les autres années, là. Check, là, j'ai des stats à vous montrer, là, ici, ça va être magique, ça aussi. Check ça, JF, les stats que j'ai. Où sont-elles, bâtards? Je pense qu'ils sont ici. C'est les stats de Ovechkin. Depuis 2007, en fait, là, en playoff. Il a toujours fait plus de moins, plus, ou presque, dans toutes les saisons, plus de points que les matchs qu'il a joués. Mais tu vois qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais ça veut dire que son équipe s'est sortie assez rapidement quand même. Là. Ah, ben tu vois qu'il n'a pas été plus loin que la deuxième ronde. Mais regarde aussi, c'est plus ou moins, mettons. Là. À part en 2008-2009, il y a eu plus 10, il est tout des moins sinon. Sauf 2015-2017. Ben c'est sûr qu'Ovechkin, Chris, il joue au-dessus de 25 minutes. Là, ah non, quand même, là, je sais. Les coachs ont abusé de lui. Puis là, Barry Trotz, dans le fond, il a commencé à peut-être un peu plus manager le temps d'Ovechkin. Fait que c'était beaucoup moins pire. Probablement. Mais tu sais, pour être dans la colonne des moins, c'est sûr que il était sur la glace la majorité du temps. Puis l'autre équipe a sûrement eu plus d'opportunités de marquer. Tu sais, Ovechkin, dans le fond, avec les jeux, c'était toute l'offensive. Fait qu'un revirement, ça peut mener à un but rapidement. Là. On nous dit, GF aussi, qu'on ne sait pas si on avait vu, mais les Capitals ont échangé le gardien Philip Grubber. Ah, c'est fait. Où est-ce qu'il est parti? Et le défenseur Brooks Orpik à l'Avalanche du Colorado contre un choix de deuxième ronde. Calvaire, 2 à 7 pour un choix de deuxième ronde. Écoute, honnêtement, là, j'avais eu des rumeurs ce matin pour Philip Grubber. Là, ouais, ouais. Ça a l'air que Barry Trotz l'aimait beaucoup puis que Lou Lamoriello aurait tenté d'aller le chercher parce qu'on s'entend qu'avec les Islanders, ils n'ont aucun gardien de but qui a de l'allure. Ah, le bon. Fait que, le bon loup. L'Avalanche en a passé une petite vie. Mais ce qui surprend aussi, c'est Chris, il y a Varlamov, il y a Bernier. Fait que là, il y a un autre gardien de but. Là. À quoi on joue? Est-ce que Varlamov va partir? Est-ce que Bernier, qui est joueur autonome, va crisser son camp? À voir. Seb Brutal nous demande si Pacho sera échangé à Los Angeles ce soir. On peut juste espérer, Seb. Écoute, on prie. on espère fortement. Moi, en tout cas, c'est celui que j'aimerais voir partir. C'est ça, mais c'est pas les Kings, que ce soit ailleurs, je le souhaite. Et j'espère que le retour va être intéressant. Mais justement, là, parlons-en là, d'échanges puis de mouvements. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Canadien depuis qu'on est en vacances, nous la autres, fin de la saison. Depuis la fin de la saison? Ben, quelques moves assez importants quand même. Il y a eu des petits du ménage au niveau du personnel. Tu sais, on a commencé par le congédiement de Sylvain Lefebvre. Lefebvre, il a fait les playoffs une fois depuis qu'il est là en 2012, puis il n'a même pas passé une ronde, puis je pense qu'il n'a même pas gagné une game. Fait que c'était normal à un moment donné qu'il crisse son camp coupé dans le cul. Mais là, ce que je suis content, c'est qu'on a été chercher un gars comme Joël Bouchard. J'ai eu des commentaires sur Joël Bouchard par des jeunes qui ont été coachés par ce gars-là. Ah ouais? Il est dur avec les kids. Il est vraiment dur. Sauf que rendu là, est-ce que les professionnels vont être capables de plus en prendre? t'es mieux de te mettre sur son bord puis t'es mieux de travailler parce que si c'est ton cas, tu risques de payer le prix. Fait que je pense que c'est peut-être ce côté-là qui est tough. C'est comme un mélange de coach old school avec new school, si on peut dire ça de même. Fait que je serais curieux, puis il amène son stade de Blainville en même temps. Ouais, bien ça, il est allé chercher du monde, là, fait que c'est parfait, ouais. Ça. Puis après ça, ben là, une autre bonne nouvelle, c'est qu'on s'est débarrassé de Jean-Jacques Desgnaux enfin. Ah, il était temps que Gigi parte, là. Ah, sacrément Christ. Sa défensive, c'est ça qui était le pire l'année passée. Puis je pense que Jean-Jacques, qui n'a jamais été capable de relancer ce club-là, leur donner de la confiance. Puis l'autre, c'est Daniel Lacroix, que je pense que c'était l'assistant coach qui était le plus inutile de la Ligue nationale. Ce gars-là, il rebobinait des cassettes, puis il n'y en a plus de cassettes aujourd'hui. Fait que je suis bien content de ça. Puis on a engagé un excellent coach pour assister Claude Julien. C'est Claude qui l'a engagé, en fait. C'est Dominique Ducharme. Oui, oui, oui. Ça, c'est une bonne tête de hockey. Écoute, il était souvent avec l'équipe internationale Canada pendant le championnat junior. Fait que d'après moi, ce gars-là pourrait amener une autre dimension puis aussi une nouvelle mentalité au niveau des styles, que ce soit des avantages numériques ou sur le power play. Kirk s'occupe beaucoup du power play, sauf qu'à un moment donné, c'est le fun d'avoir une nouvelle tête avec une nouvelle vision pour pouvoir amener ça à un autre niveau. Puis il manque un coach. Puis Claude, il va chercher un spécialiste en défensive. Ça va être qui, on ne sait pas encore, mais ça pourrait être annoncé au cours de l'été. Là. Seb, il dit dans le chat qu'il faudrait que Bouchard se place parce que la mentalité de Ligue américaine, ça ne marchera pas avec le Canadien. Là. Il connaît très bien Marc Bergevin. Il est vieux de la vieille. Là. C'est ça, mais il sait comment ce qui est. Fait que, il l'a engagé pour une raison, fait que ça reste à voir. Mais c'est un coach qui est reconnu c'est pour être country club, c'est le country club. Les gars sont durs, puis ils se font la belle vie après ça. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas de bon sens. Mais laissons la chance à Joël, puis je pense qu'on va faire une bonne job, puis je pense que même Joël a participé là, à des meetings. Il fallait qu'il y ait du mouvement à Laval, anyway. Là, ça... Ah, ça n'a aucun bon sens. Puis on touche un aspect qui est très important pour le club, c'est l'avenir, les jeunes, style club-école. C'est important parce que c'est ça qui va mener l'équipe à un autre niveau dans quelques années. Ah, puis ouais. La relève, on en a, mais c'est juste qu'on l'a mal travaillé avec les dernières années. Oui, puis ça, on pourra en parler tantôt, d'ailleurs. Ah, on va en avoir long à dire. Ben je l'ai d'ailleurs, c'est ce que je voulais parler justement parce que tu sais là ça vend beaucoup de Timmins là, sur le repêchage puis oui on a fait des bons picks puis tout mais il y a un problème quelque part entre le pick puis le développement puis le moment que le jeune arrive dans la Ligue nationale puis j'ai la liste des 10 dernières années des picks du Canadien puis je vais vous la lire dans le fond puis c'est bien intéressant à partir de 2007 dans le fond fait que j'ai gardé les 10 dernières années avant celui de ce soir là. Fait que en 2007 on a repêché Ryan McDonagh et Max Pacioretty en première ronde puis ça, je pourrais même racheter Subban qui était repêché en deuxième ronde suite après eux autres en plus mais là j'ai juste pris les premières mais tu sais ça c'est une grosse année mettons là, ouais. pour Timmins après ça 2008 on n'a pas eu de choix de première ronde 2009 Louis Leblanc le fiasco Leblanc ouais complètement 2010, Jared Tenordi. On a transigé un choix de première ronde et un choix de deuxième ronde pour avancer de 5-6 rangs pour repêcher Jared Tenordi cette année-là. Jared Tenordi, ça n'a rien fait. Après ça, 2011, Nathan Beaulieu. Ouais, il était côté haut puis on était chanceux de l'avoir à ce moment-là. C'était reconnu comme un défenseur offensif, mais c'est devenu un trou de cul. Nate the Great. Après ça, en 2012, son chum de bras, Alex Galchenyuk, qu'on a tradé. On va en parler après de ça. Ouais. 2013, Michael McCarron, qui d'après moi fera jamais la Ligue nationale ou bien va se faire échanger. Le gars, il se prend pour un marqueur de 50 buts, puis c'est même pas un marqueur. Fait que, m'amener à là, Masti. 2014, Nikita Sherbak, c'est un autre flop. Ben, il commence, là. Il est dans l'équipe présentement. Il va sûrement faire le club encore l'an prochain. C'est un projet. On va voir ce que ça va donner, mais là, il va avoir vraiment sa chance de pouvoir jouer au moins peut-être sur le top 6 ou sa troisième ligne. Là. 2015, Noah Yulson. Yulson qui a joué une bonne partie, de la tiers de la fin de la saison avec Carl Osner, puis il m'a agréablement surpris. Ça, c'est un défenseur qui fait le club l'année prochaine, ça, c'est sûr. 2016, Mikhail Sergachev qui est rendu avec Tampa Bay. Et 2017, Ryan Poling qui toujours à voir, là, ça c'est, il est encore jeune. Écoute, je lisais aujourd'hui, puis il y a beaucoup de monde qui disent que Ryan Poehling a le potentiel de devenir un centre numéro un dans la Ligue nationale. Il n'est pas prêt là, mais ça pourrait être d'ici un an ou deux qu'il va pas faire le club et éventuellement devenir un excellent joueur de centre. Fait que c'est un genre de Patrice Bergeron. Ben cool. Fait que puis Claude Julien adore ces types de joueurs-là, des centres two-way. Fait que écoute, c'est quand même une popée feuille de route. Il y a des affaires que c'est sûr que ça a été dégueulasse, mais il ne faut pas oublier non plus que dans les choix de 2e, 3e, 4e, 5e ronde, il y a eu la chance de repêcher des bons joueurs qui sont présentement avec le club, le Timmins. Là. Mm-hmm. Là, il y a la chance de repêcher un très bon joueur au 3e rang qui va être talentueux. Là, c'est à voir si tu es un centre, si tu es un def ou si tu es un ailier qui va aller chercher. C'est ça qui est intéressant, mais tu peux être sûr que ce ne sera pas un goaler. J'espère pas. Je fais une crise de cœur si ça arrive. Sur Twitch, il y a Montreal Expo 1, on va le dire en anglais, même qui nous dit qu'il y a eu une poignée de main entre Bergevin et Boterli. Ah oui, c'est ça. C'est, ben, ça. Ça, c'est, Mais on l'a vu, c'est parce qu'ils sont parlé et ils sont salaires à la main. Là, ben, ouais, juste pour dire bonne journée. Ben, peut-être qu'ils se trament de quoi à Buffalo. Sait-on, on va le voir tantôt. Ça, écoute, il y a Ryan O'Reilly qui est disponible. Il y a des rumeurs qui disaient peut-être qu'elle allait changer son jeu de première ronde. Ça, je trouve ça épais. Mais Ryan O'Reilly pourrait être une cible pour le Canadien. Pendant qu'en ce moment, on voit qu'il y a des rumeurs d'échange entre les Golden Knights et les Sénateurs. C'est pour ça que je vous mets un petit peu la vidéo en bas. Ouais, puis les rumeurs, c'est Eric Carlson qui pourrait se joindre à Vegas. Eric Carlson a passé proche d'y aller en fin de saison à date limite. Ça n'a pas marché. Mais là, est-ce que Vegas va relancer les discussions peut-être? Écoute, ils ont tellement de choix de première ronde. Ils ont quand même des bons prospects à qu'est-ce qu'on a auparavant. Ça pourrait être possible parce que Carlson, il reste un an. Là, il peut pas coûter genre une fortune au point que tu échanges trois joueurs d'impact, mais tu vas échanger des choix puis des jeunes prospects. Ça pourrait être possible. Pauling, 31 points en 36 matchs l'année passée. Dans la Ligue universitaire, puis c'était sa première grosse saison. Il jouait sa première ligne, puis il était excellent pendant le championnat de la NCAA. Seb fait dire qu'il mesure 6 pieds 2 puis il aime ça. Ah, ben c'est sûr que ça prend quelqu'un qui est au centre. Ça te prend un gros joueur, ça te prend pas des nabos. Non, c'est sûr, ça te prend pas un petit. C'est fini ce temps-là, c'ti. Le fameux temps des nabos. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec le Canadien? Galchenyuk est parti. Ouais. Et on a acquis Max Domi. C'était quoi ta première réaction quand tu as vu ça? Quand je l'ai annoncé? Ma première réaction, même avant rien. Toi, t'étais en spectacle, toi. Hein? Ouais, je suis sorti, puis il y avait comme. J'étais parti voir une affaire juste pour rire. Puis quand je suis sorti, il y avait plein de tweets, puis d'affaires qui déroulaient. Puis j'ai vu juste Galchenyuk échanger, puis j'ai juste fait yes, enfin. Moi, j'étais de ceux qui étaient plus capables de Galchenyuk après 6 ans, de le voir comme talent indéniable, incapable de je sais pas. De se placer, de prendre ça au sérieux. Il arrive au camp, il est pas en shape. Ça, c'est arrivé direct cette année après avoir signé son gros contrat de 3 ans. Là. Parce que oui, t'enlèves un marqueur potentiel à 30 buts. Parce que 30 buts, il a fait quoi? Une saison, ça? Une saison. Fait que potentiel 30 buts, tu l'enlèves, oui, mais tu vas changer la dynamique d'équipe en amenant un gars comme Domi que je suis allé voir après. Je me suis informé avant d'aller crier ses réseaux sociaux que c'est de la crise de merde parce que je connaissais pas assez Domi. Je savais juste que c'était lui qui était diabétique et qui fallait exprimer avec un chien. Fait que ouais. Ça, le marketing du Canadien, ils vont beaucoup aimer ça. Imagine le toutou qu'ils vont vendre. Ça va être fou là, comment ils vont faire du cash avec le chien à Domi. Ça va checker bien ça l'année prochaine. Là. Mais j'ai vu que c'était un joueur quand même assez physique. Là. C'est un grinder, un gars d'énergie. C'est un gars la gueule. C'est plus un playmaker que grinder, je pense. Ouais. Ouais. Ben, c'est un playmaker qui grind. Il aime ça aller dans les coins, il aime ça brasser la cage au monde. C'est comme exactement ce que Gallagher apporte quand il fonce au net et qu'il dérange le gardien de but. C'est juste que Domi est plus talentueux et beaucoup plus rapide que Gallagher. Il est peut-être pas 6 pieds, il est 5 pieds 11 quand même, c'est pas petit. Et puis, il joue comme s'il avait 6 pieds 4. C'est parfait. Parce qu'il pèse 203, 205 livres à peu près, mais le gars, il est solide, c'est une boule de quille, là. Fait qu'il va rentrer dans le monde, il va faire de la place devant le filet. J'ai hâte de le voir. Il va Dans le fond, la différence avec Galchenyuk, c'est que lui. Il trichait, mettons, entre 3-4 chiffres. Là. Mais Domi, là, c'est à chaque fois, il va être intense. Le monde va l'adorer au Centre Bell. Il y a Yves Brouillette dans le chat sur Facebook qui dit que c'est un grindmaker. Ben, j'aime ça. C'est un bon terme. Ça va être un hashtag qu'on va utiliser cette saison. Merci Yves, on va le prendre celle-là. Ouais, ça va être toi qui vas les droits. On va donner des dividendes d'à peu près 10% si jamais ça devient trending puis ça se trouve sur des casquettes, là, ça. Là. Ah, ça serait écœurant. Mais ouais, Galchenyuk, je... Le monde, je comprends le monde d'être frustré, qu'ils ont un peu crié, que t'sais, c'est un autre projet qui a chié Galchenyuk, qu'est-ce que je dis. Ben, puis c'est un choix de première ronde qu'on a encore manqué, mais Domi, c'est un choix de première ronde aussi, est-ce que je cherche? Ouais. Me semble, bon. Lui a été repêché 13e en 2013. Et la différence entre les deux aussi, c'est que Domi a beaucoup plus de passes que Galchenyuk. Domi exactement, a genre parce 30, y a 30 le... passes. C'est ça. Fait ce que ça donne, en tout cas, moi, la manière que je lis ces stats-là, c'est que Domi va rendre le monde avec qui il va jouer meilleur parce que c'est exact. Lui qui va les fider, c'est lui qui va comme préparer les jeux pour faire les buts. Fait que Galchenyuk, c'était un gars que je voyais qui était pas mal plus selfish à la glace, je trouvais. C'est un mangeur de puck. Puis tu sais, c'est un gars qui était pas hyper responsable, c'est pour ça qu'ils l'ont pas laissé au centre beaucoup à Montréal. Puis je trouve ça drôle parce que le Canadien, on a échangé un ailier pour un ailier, mais les Coyotes ont échangé un ailier pour un centre, eux autres. C'est qui le DG de Coyotes, ancien? Je me rappelle plus déjà. Là. C'est John Sheka. Puis qu'est-ce que je disais souvent à John Sheka? Que le gars, c'est un esti d'imbécile. Tu sais, nous autres, on l'avait pendant 6 ans de temps. On n'est pas des experts comme, mettons, les têtes de hockey qui dirigent les équipes, là. Mais on le sait-tu, nous autres, que Galchenyuk n'est pas responsable défensivement? Même, écoute, le nombre de rapports qu'on s'est fait dire, Chris Nyland, même Marc Bergevin qui en a parlé, Galchenyuk, il aime ça, tu sais, aller attaquer. Mais quand il y a trop de responsabilités, il ne trippe pas. il boude. Puis en plus, Galchenyuk a admis en entrevue que ce gars-là, il aime ça avoir le puck. Il a admis que c'est un mangeur de puck. Avec les Coyotes, d'après moi, là, ils vont faire des tests, mais sacrément. Mais ça ne sera pas un centre de 85 points, esti, puis il va scorer 40 par année. Oubliez ça tout de suite. Il y a des affaires à penser aussi avec ce trade-là. C'est que le monde mettait la valeur sur le marché de Galchenyuk beaucoup trop haute. Oui, talent indéniable, mais sa réputation dans la Ligue était faite que c'est un gars qui avait des problèmes d'attitude, puis que c'est un gars que son père le contrôle, puis qu'il l'engueule entre les champs. Ah, Chris, ça a de l'allure. Là. C'est ça. Son père le coachait quand c'était la job du coach de faire la job. Puis l'autre affaire aussi... Voit les sourcils d'Alain Chénier, je pourrais le mettre à l'écran. Il fait peur, lui, Calis. Mais l'affaire avec Galchenyuk, en même temps... les sourcils, Alain on parle de son comportement hors glace. Là, le gars, il pratiquait pas. T'sais, il arrivait dans les pratiques fatigué. Le gars, ça, il tentait pas. Il boudait. Tu sais, Kirk Muller, on s'entend que c'est un gentilhomme. Tu sais, ce gars-là, là, il est doux. Tu pourrais le flatter, esti, puis il est sûr qu'il ferait des pirouettes. C'est pas un chien, esti. Kirk Muller qui engueule tout le temps Galchenyuk, là. Tu le voyais même pendant les games, esti, sur le banc, là. C'est parce qu'à un moment donné, là, il était écœuré du kid. Le kid s'en colissait bien. Surtout quand tu disais que son père qui commençait à l'engueuler puis il textait. Ça a été admis par des journalistes parce qu'il faisait ça dans le corridor, tabarnak. Même son père, des fois, descendait ça, j'en pour lui donner pas. De la merde. J'en ai pas, c'est parce que l'organisation a probablement dit des warnings, mais tu sais, fait de quoi là, si jamais vous voyez qu'il se fait engueuler par son père? C'est quand même votre employé, ce jeune-là. C'est comme... Tu verrais-tu tout un de tes vendeurs qui se fait engueuler par sa mère dans le parking en sortant de ton concessionnaire? Ben non, on pourrait dire tu devrais faire ça de même. Ah, ouais, c'est pas elle, sa bosse. Mais l'affaire aussi qui arrive, il n'a pas le contrôle de son père aussi quand il arrive à la maison. Fait que là, il y a d'autres choses qui se passent. Il a changé d'agent avant de négocier son nouveau contrat. C'était Igor Larionov ou. Ouais, ben là, il était avec Pat Brisson. Là, il était avec Pat Brisson. Ouais. Parce que justement, son père n'était pas d'accord avec la méthode de Larionov. Ils ont pris Pat Brisson. Pat Brisson, c'est un grand chum à Marc Bergevin en plus. Et puis Pat, il a dit, tu choisis. C'est ta carrière ou ton père. Fait que naturellement, il a choisi sa carrière. Mais il y a une tête de cochon, ce calice-là. Fait que ça n'a pas empêché son père d'y dire des affaires puis de faire telle affaire. Oubliez ça, c'est pas un joueur de centre. Il back pas. Puis le problème, quand il back pas, ça fait un esti de trou dans ta zone défensive. Tes défenseurs sont surchargés. Tes ailiers sont supposés de suivre le défenseur sa ligne bleue. Le centre, il est où? Lui attendait à la même place. Fait que Chris, c'était toujours du 3 contre 2 dans la zone. Là. À un moment donné, il faut que le monde le réalise. Galchenyuk, il a du talent, oui. Andrei Kostitsyn, il avait du talent aussi. Qu'est-ce qui est arrivé avec Andrei? On sait tout ce qui est arrivé avec Andrei. L'histoire finit très mal. Galchenyuk, pour moi, c'est le nouveau Andrei Kostitsyn. Puis qu'est-ce que tu dis au monde qui dit qu'il va aller scorer 30-40 buts à Phoenix? Ben, vous me direz, dans le fond, c'est quoi votre nickname dans PlayStation 4, puis je vais aller suivre votre saison. J'aimerais savoir ça dans le virtuel. Un moment donné, Chris. Il ne marquera pas 35-40 buts, là. Oubliez ça tout de suite. Là. Il va jouer avec les Coyotes de Phoenix, tabarnak. C'est pas une équipe qui va gagner la coupe là, dans 2 ans, ça. Là, là. Hey, ils sont loin en arrière. Là. C'est comme s'ils étaient rendus en 1970. Ils n'ont pas la DeLorean pour se rendre en 18. Là. Oubliez ça. Hey, deux autres sujets qui me restaient avant qu'on commence vraiment le draft dans quelques instants, JF. C'est vrai. Premièrement, il y a eu un tweet du Canadien pour annoncer le tournoi de golf qui a fait jaser. Ouais. Et t'étais pas d'accord sur le tweet, toi, puis moi, je trouvais ça très drôle. Donc, on va le remettre pour remettre en contexte, en fait. C'était le tweet pour dire, sans nommer personne, on rappelle qu'il est déconseillé de licher sur un terrain de golf également. Puis c'était comme juste pour plugger que le tournoi de golf du Canadien allait commencer. Puis t'as Brad Marchand qui s'est, je sais pas pourquoi, senti visé, a répondu, « Funny throwing shades when you were out of the playoff race since October. » Genre comme... En disant, c'est un peu épais de m'écœurer quand que vous autres n'êtes même pas dans les playoffs depuis le mois d'octobre. Ouais. Puis toi, t'as trouvé que le tweet du Canadien, ça nuit au Canadien, à la brand ou je sais pas quoi. Là. Ce que j'ai pas aimé, j'ai rien contre le fait qu'on tweet des affaires drôles, mais il faut que ça soit drôle. Là, ce qui arrive, c'est que dans le fond, on a connu une saison de merde, une DP de l'histoire du Canadien de Montréal. T'as pas d'affaires à commencer à bâcher sur les autres. Je sais pas, c'est pas... Il y a quand même le fait que Marchand a liché quelqu'un dans les playoffs dans la face. Là. Je sais, mais c'est pas... Deux fois! Je sais, mais ça, c'est pas à nous de lui reprocher. Ça serait plus, mettons, à Tampa Bay, à Ryan Callahan, parce qu'on connaît toute la photo. Ouais, mais t'as suivi les Golden Knights sur Twitter pendant les playoffs? Oui, mais les Golden Knights, pouvaient se le permettre. Oui, mais non, mais ça, je le comprends. Puis c'était peut-être maladroit, puis surtout que tu t'attaques pas à Marchand, parce que tu sais que Marchand, c'est le gars qui va te répondre, là, fait... Mais moi, je pense pas que... Tu sais, c'était-tu un mauvais tweet? Probablement. Le gag était un peu raté. La réponse était comme plus drôle que le gag. Je pense que ça a juste été bon pour les deux côtés, moi. Je pense que ça a juste fait de la pub générale. Ça a fait parler, mais c'est parce que dans le fond, je pense c'est... pas que ça nuit à la brand en tant que telle. C'est comme... Je pense même pas que la personne aux médias sociaux s'est fait parler. Elle a juste fait comme... OK. C'est clair, que je suis sûr qu'il y a une discussion, c'est certain, dans le bureau, là. Mais ce qui arrive, c'est que c'est comme un peu un rap battle, tu sais. T'as des rappers qui se dissent, et puis la personne qui a gagné ce combat-là d'un diss, c'est Brad Marchand, parce que nous autres, on n'a rien fait par après. C'est pour ça que j'aime pas ça, parce que dans le fond, ça fait juste qu'on okay, on est cave, fait que ta gueule. T'sais, c'est pas comme si on avait gagné cette blague-là. C'est Marchand qui a eu le dernier mot. Ça me fait chier. Ça, je peux le comprendre que tu sois frustré pour cette raison-là. Oui, c'est pour ça que je suis frustré. Mais non, mais c'est correct, cette bonne guerre, là, entre guillemets, là, aussi. Ah, le repêchage, finalement, est dans 15 minutes. 14 minutes, on voit ici le décompte. Je vais vous mettre Renault en bas là, qui fait des 5 de. Ah, là, finalement, on voit plus. Marc, es-tu en train de texter quelqu'un ou. Je pense qu'il est en train de se commander du poulet pour après la game. Là. En fait, pas la game, mais le repêchage. Plus les années passent, plus je trouve que le nez de Marc Mergevin grossit. Ça se peut, ça, c'est la boisson, ça, JF. Ah. Pour le cas de Marchand puis du CH, il y a Dave dans le chat qui dit, il fait dire de ne pas faire ta vierge offensée, JF. Ah, ben, garde, je changerai pas. Ah non, ça, c'est l'émotion à l'état pur. Et voilà. Puis, dernier point que je voulais qu'on parle, JF, puis c'est les commentaires de Stephen Waite. Ah oui. Concernant Carey Price. Je les mets à l'écran ici. Puis, en fait, les commentaires disaient qu'il avait l'air d'être détaché de tout. Il dit, puis je me rappelle plus c'est quand, mais il dit il y avait des larmes à travers son masque. Ça, c'est l'ovation qu'il y a eu à la fin de la saison par les partisans. Tu sais, si on recule en arrière, là, l'affaire Carey Price, puis je pense que beaucoup de monde le devine, c'est que c'est un gars qui est très sensible. Émotif. C'est un sensible. Il est très sensible. Et puis, quand il a commencé sa carrière dans la Ligue nationale, il avait bien commencé. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il avait gagné son premier match à Pittsburgh 3-2. Ouais. Tranquillement, pas vite, il commençait à prendre la place de Christophe Allouet. Puis après ça, quand Carey a commencé à avoir une vraie chance, le Canadien bat Boston en première ronde. Ça, c'était la saison où Kovalev, il a podcast puis il a score un but du revers. Puis après ça, il affronte les Flyers de Philadelphie. Puis les Flyers de Philadelphie n'avaient pas de gardien de but en tant que tel. C'était pas un gros club. Ah non, c'était Martin Biron qui goalait. Excusez, je me mélange d'années. Et puis l'affaire qui arrive avec cette équipe-là, c'est dans le temps, c'était Jeff Carter puis Mike Richards. Ils t'ont tellement intimidé Carey Price pendant la série. Mike Richards disait en indien que sa mère, c'était une pipipipi. Ah ouais? Ah ouais, solide. Puis wow. Même à un moment donné, je me souviens de la séquence, c'est que Jeff Carter, là, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il patinait autour de Carey Price, puis ça lui crissait des coups de poing sa gueule pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Ils l'ont intimidé au bout, ils l'ont brisé, puis on a perdu cette série-là, malheureusement. Mais Carey n'était pas protégé, puis on dirait que dans ce temps-là, les vétérans qu'on avait dans le club, il s'en colle ici, puis c'était du monde qui était surtout selfish. Puis malheureusement, on dirait que ça l'a déteint sur les jeunes qui jouaient au club dans ce temps-là. Pacioretty. Fait que. Puis en plus, tu sais, avec toutes les rumeurs qu'il y a eu sur Price dans les années du centenaire quand ça a dégringolé, puis qu'Alak a pris sa place. Faut excuser. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Et la boisson. Fait que là, cette année, ça a commencé mal la saison. Ben oui. Il y a eu des rumeurs comme quoi que Carey avait violé du monde. Carey était impliqué dans toutes sortes d'histoires. C'était rendu dégueulasse. Merci Claude Poirier de dire de la merde de même à radio quand t'es juste un auditeur et non un employé et journaliste. Fait que c'était malheureux. Puis ça affecte un gars, Chris, à un moment donné. Là. Ben oui. Mais sauf que, tu sais, si Price est sensible puis Price a de la misère à dealer avec tout ça, consulte un psychologue sportif, me semble. Ça t'en prend un à temps plein. T'as les moyens de te payer ça. Ben oui, ça t'en prend un temps plein. Ben même que ça serait même pas à lui de payer à ça. Ça devrait être l'organisation qui lui paye ça. Mais peu importe qui lui paye ça, va en consulter un. Ben oui, c'est sûr. Les plus grands athlètes ont besoin souvent d'avoir un coaching mental. C'est tough, là, les athlètes de pointe de même. Surtout aujourd'hui, je pense plus que ça l'était, mettons, dans le temps. Là. Mais t'as les réseaux sociaux encore, là, que c'est clair que ça vient nuire. Pis... Écoute, c'est sûr que si tu vas là puis t'as des joueurs de hockey, surtout pour le Canadien de Montréal, on s'entend que la majorité du stock se retrouve dans les réseaux sociaux, c'est négatif sur ton sujet. Là. Quand c'est pas le JC Lajoie qui dit des énormités ou que... Ah. Ou Jérémy Filosa aussi qui sort des affaires de quand que Max Domi avait 17 ans et qui bâchait Montréal. Ah, c'était terrible. Sacrement, là. C'est Jérémy. Ça, par contre, je vais t'avouer une chose, là. Jérémy Filosa, là, quel imbécile. Sérieusement. Tu me disais qu'il était barré du Centre Bell pour le Canadien? Le gars, il est barré du Centre Bell. Il n'a pas le droit d'être dans conférence de presse, mettons, de coach ou en fin de saison. Il n'a plus le droit d'aller dans le vestiaire. Il est barré aussi du Stade Saputo. Le gars, il cherche la merde. Il s'est même pogné, je ne sais pas si tu connais Didier Drogba, là, c'était comme un joueur qui joue pour l'Impact. Il s'est pogné avec un moment donné pendant un camp d'entraînement. Puis le monde là, commençait à dire « Chris, ta gueule, Jérémy, le gars à cette heure, tout ce qu'il couvre, là, c'est l'équipe des expos. » Il regarde tout ce qui se passe pour une équipe d'expansion. Là, puis après ça, ben, il va commenter au niveau du soccer. Sauf qu'il n'est pas payé pour aller en Russie. Là. Chris Arcadio de Love Story, il est en Russie présent pendant la Coupe du Monde. Arcadio de Love Story, sacrément. Il est rendu, rendu journaliste. T'as pas le droit de dropper des fait du name drop de même. Ça, non, mais il est bon, par exemple. Puis écoute, il GF... Tu fais-tu un call-out? Avant que ça commence, j'aimerais en profiter parce que Jérémy, je suis plus capable, GF. Attends, tu peux, j'étais pas prêt, tu m'avais pas averti qu'il y a ça, fait que je vais chercher si j'ai la toune quelque part. On a improvisé nous autres pendant la soirée du podcast. Ouais, parce que tu sais, nous autres, Jérémy, là. Et sa bonne réponse est on s'en calisse. Et voilà. Bon, j'aurais peut-être dû chercher la vraie affaire au lieu de. Le voilà ici. I'm calling you out! Jérémy Filosa. T'es pas mannequin, Chris. T'es un. Même, je ne devrais même pas dire que tu es un journaliste, mais tu étais un journaliste. Là, aujourd'hui, on dirait que tu te prends pour le gars qui a la réponse à tout. Tu es juste un nasty calice d'imbécile qui se pense au-dessus de tout le monde puis qui pense à ce moment-là que tu peux t'en sortir avec tout. Écoute, tu es barré de l'Aigle nationale, tu es barré de tout, esti. Tu serais même barré chez nous, tabarnak. Là, ça va faire des niaisages puis de dropper des crises de choses de même puis en plus de commencer à insulter l'organisation puis dire que l'autre, c'est un ci, l'autre, c'est un ça. Fais-moi donc ta gueule, tabarnak. On s'en calisse-tu? On s'en calisse-tu que tu vas dans les balles en blanc, esti, Chris? Ça paraît, tabarnak, que t'as mangé des hot-dogs parce que je vois tout le temps de jaune sur le bord de ta chemise, esti de Chris innocent. T'as tellement d'épais de gel, ça a gueule, là, qu'on dirait que t'achètes ça aux gens coutus en paquet de jaune, esti. T'es dégueulasse, Jérémy Filosa. T'es un esti d'imbécile. Il faut toujours que tu te fasses des crises de selfies. Est-ce que on voit-tu François Gagnon se faire des selfies pendant qu'il prend une bière? Est-ce que au motel? Non! On voit-tu les autres se prendre des photos des bas puis se crisser nu-pieds, est-ce devant l'écran de télévision pour montrer qu'ils sont en vacances? Non! Fait que Jérémy Filosa, prends ta retraite puis décolliste, tu sais. C'est tout. C'est un très bon message d'intérêt public, Jeff. Je suis content que voir que les call-outs sont encore là. Ah, il y a du monde qui réclamait Angry Mallette. Fait que... Je vais l'être, mais pas pour le Canadien. Non, mais t'es très optimiste pour le Canadien. Puis c'est mon club, Chris. C'est admirable et puis c'est un peu troublant aussi à la fois. Mais c'est ça qui fait ton charme pour le hockey. Et voilà, tout a été dit. Seb Brutal qui dit « Des larmes dans mon masque », c'est le titre de sa biographie. En parlant de Carey Price, là... Ah, ben oui. Ça pourrait être un bon livre, par exemple. Il y a quelqu'un qui dit « Good job, Mallette » aussi sur Twitch. Il y a Montréal Expo, donc voilà. Plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment en direct, c'est le fun de vous voir tous. On va vous donner tout ce qu'on peut parce que dans le fond, tant qu'à écouter TVA Sport puis le contenu que TVA Sport peut vous donner, on s'entend que peut-être 1% du staff est crédible. on est là pour vous renseigner puis dire les vraies affaires parce que nous autres, on pense comme vous autres d'une certaine manière. Ouais, pas tout le temps, par exemple. Là. Non, ça dépend de qui, de ça quel groupe. À quoi? Mais je pense que les gens qui sont fins et gentils nous apprécient. Jeff, t'avais-tu comme quelque chose toi, pour commencer avant que le repêchage commence? Ben, on peut parler d'un gros sujet de l'heure en attendant. Ouais, parce que ça va commencer bientôt. Il mais... y a énormément de rumeurs sur Max Pacioretty. Oui, Pierre McGuire a lancé une bombe hier à la radio en voulant dire que Max Pacioretty ne reviendra pas avec le Canadien de Montréal et que les Kings seraient, dans le fond, numéro un pour aller le chercher. Danny Dubé a dit ça aussi, je pense, à la télévision, qu'il n'y reviendrait pas. Dans le fond, il y en a ajouté un petit peu plus par rapport à ce que Martin McGuire ont dit. Les deux travaillent ensemble, fait qu'on s'entend que ça se parle pas mal. Si je peux parler des Kings de Los Angeles un peu, Luc Robitaille a déclaré aussi en entrevue que Max Pacioretty était l'allié idéal dans la Ligue nationale. Fait que c'est comme une espèce de petite lettre d'amour. Quand même. On voit qu'il est bandé dessus. Et puis, tu sais, il y a peut-être un facteur qu'on pense pas qui pourrait affecter l'avenir de Max Pacioretty. Le fait que son bonhomme soit en spécial dans les pharmacies. Ça, c'est intéressant, mais je pense que le gérant il est au courant des rumeurs. Mais dans le fond, c'est Ilya Kovalchuk. Le gars, il a 34-35 ans. Il veut revenir dans la Ligue nationale. Il l'a admis très clairement. Sa femme recherche des boutiques où il va avoir du linge de mode. Les Kings de Los Angeles sont très intéressés à Ilya Kovalchuk. C'est un allié gauche. Pacho, c'est un allié gauche. Fait que j'ai comme l'impression que les teams qui veulent avoir Pacioretty, c'est peut-être aussi les teams qui veulent avoir Ilya Kovalchuk. C'est comme s'il y a quelqu'un qui c'est un plan A puis l'autre c'est un plan B. Écoute, honnêtement, mettons là que tu serais DG dans le national, tu aurais un choix à faire. Tu prends qui? Kovalchuk, qui est rendu gras, qui joue dans KHL puis qui revient dans le national après 5-6 ans, ou Max Pacioretty, qui est peut-être le deuxième, troisième meilleur marqueur de la Ligue nationale dans les 10 dernières années? Ben, c'est clair que Pacio, il y a... le meilleur job à long terme. Là. Kovalchuk, tu sais pas qu'est-ce qu'il va donner en revenant non plus. C'est un peu comme. C'est un très gros guess, les gars qui viennent de la KHL. Fait que le plan A serait. Moi, je dirais que Patio, c'est sûr, là, par-dessus Kovalchuk, mais. C'est ce que je souhaite. Je sais pas comment les équipes pensent, parce que c'est sûr qu'il y a Kovalchuk, il y en a peut-être qui pensent que c'est le même Ilya qu'il y avait dans le temps, ou ce que ça faisait 80-85 points. Je pense que son retour au jeu va faire un peu le même impact que Radulov a eu quand il est venu avec Montréal. Il était bon, mais c'est pas un gars qui va faire 80-85 points. Là. Il va peut-être marquer une vingtaine de buts. Je serais surpris qu'il en marque 30. Il a quand même 34-35 ans. Fait qu'il n'a plus la vitesse qu'il avait comme dans le temps. Là. Écoute, si Haley fait le mot au GF, j'ai regardé un peu ce qu'il aurait pu donner. T'sais, beaucoup de monde pense à Tyler Toffoli, Jake Muzin. Ouais, ouais. Tant qu'à faire, Esti, pourquoi on ne va pas chercher des jeunes avec qui on va pouvoir monter avec le temps quand que tous nos jeunes qu'on va repêcher aujourd'hui vont être prêts à peu près, vont éclore en même temps. Ils ont un joueur de centre qui m'intéresse, qui a été repêché 11e l'année passée, c'est Gabe Vilardi. C'est un joueur ontarien qui mesure 6 pieds 3, extrêmement talentueux, bon coup de patin. C'est un bon toué. Ce gars-là, il est peut-être près de la Ligue nationale même. Là. Il vient de finir son stage dans le junior. Il pourra peut-être aller dans la Ligue américaine ou sinon, il pourra peut-être même faire le club. Moi, j'irais prendre une chance avec ce gars-là. Puis en plus de ça, il y a un autre défenseur, c'est Kale Glagg. C'est un défenseur offensif, un style de Victor Mété, super vite, très bon sens de l'offensive. Son seul point faible, c'est son lancer au filet. Mais ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. Tu vas chercher ces deux gars-là pour Max Pacioretty. GF, là, tu viens de régler deux problèmes à long terme. À voir, pendant qu'on a vu, j'étais distrait par Batman sur stage. Il est après rendre hommage à l'équipe qui a eu un accident d'autobus, les Humboldt Broncos. Ouais, exact. Il y a Alexandre Lavoie qui dit qu'il nous écoute en podcast toute l'année normalement, puis c'est sa première fois avec nous en direct, puis il trouve ça très plaisant, fait qu'on le salue. Ah, bonjour Alexandre. On est bien content d'avoir plein de nouveaux fans ou de gens qui ne nous écoutent pas en vidéo d'habitude. Là, on n'est pas dans le vrai décor non plus. On est, non, c'est ça, on est chez nous. C'est comme un podcast de fortune un peu, là, podcast de pauvre, là, avec de l'équipement de riche parce que j'ai tout avec mon stock. Avec un contenu riche. Oui, puis tu sais, on est quand même content que je sois en train de déménager, fait que tout mon stock est pacté pour t'amener ça ici, puis après ça, on s'en va. Là, exactement. Mais le studio s'en vient. En septembre, on va revenir à une grosse saison qui arrive du Canadien. Beaucoup de changements comme le Canadien de Montréal, peut-être. Peut-être. Pendant qu'on voit les gens qui se lèvent ici. Ah, ça doit être l'intro, là. Mais en fait, ils applaudissent pour l'équipe là, qui s'est. Ah, OK, c'est un hommage. Mais pendant qu'ils font hommage, le gars a des souliers bruns. Il n'y a pas juste les Kings qui seraient dans la course, apparemment, pour Max Pacioretty. Il y a beaucoup de monde qui parlait des Panthers de la Floride. L'affaire avec les Panthers, c'est qu'ils viennent chercher Mike Hoffman. Fait que d'après moi, je pense pas que Max Pacioretty ferait partie des plans parce qu'il me semble qu'ils sont bourrés d'alliés, là, les Panthers. Fait que je vois pas pourquoi que Max irait là. Et puis l'autre équipe, c'est les Blues de Saint-Louis. Le Canadien, il y avait beaucoup de rumeurs sur Robert Thomas, qui est un joueur de centre aussi, qui apparemment, lui, il est NHL ready. Un autre joueur de centre qui a le potentiel d'être un premier, là, tout dépendant, dans le fond, de son développement. Mais ça a l'air que le kid, là, il en a dedans, Nasty. Mais il faut régler ça aussi, le problème de développement avec le Canadien, qu'on ne sait jamais pourquoi ils ne se rendent pas. Là, ben là, c'est pour ça qu'avec Joël Bouchard, au moins, on va avoir une nouvelle tête qui va pouvoir au moins mettre son nez là-dedans puis peut-être corriger les lacunes qu'on avait par le passé. Puis en ayant des prospects de qualité comme ça, mais en même temps, tu améliores le club de Laval. Puis en même temps, mais c'est juste encourageant. T'sais, c'est ça qui arrive avec le Canadien. Là. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont repêcher au troisième rang. Ils vont-tu repêcher un joueur de centre? Ils vont-tu repêcher un défenseur? C'est-tu un ailier? Écoute, il y a plusieurs bons choix. Là, puis là, comme tu dis, on dit le temps, c'est quel est le meilleur joueur disponible à ce niveau-là. Puis là, c'est dur à dire au troisième rang parce que les choix numéro 1, 2 sont lockés à peu près. Là, on est certain. Quasiment, oui. Le choix numéro 1 est locké. Là, ça va être Dallin, c'est ouais. Sûr. Là. Le 2, on verra, là, mais c'est pas mal locké, celui-là aussi. Je sais que Don Waddell est bandé sur Chemnikov, fait que ça a des bonnes chances que ce soit lui qui sorte deuxième. Puis après ça, au troisième rang, écoute, t'as plusieurs joueurs de qualité. T'as Kokaniemi, t'as Quinn Hughes, t'as Zadina, t'as Brady Tkachuk. On ne sait pas qui va partir. C'est les Canadiens de Montréal qui vont dicter le reste du repêchage parce qu'avec leur choix, c'est sûr et certain que c'est que ça va fucker la liste des autres équipes ou sinon les autres équipes vont dire comme « OK, yes, si mon joueur est encore disponible. » Fait que ça risque de brasser autour de là. Puis l'autre point aussi qui est intéressant, c'est est-ce que le Canadien de Montréal vont repêcher un autre choix de première ronde? Ça, on ne sait pas encore. Ça peut être possible aussi. Il peut avoir... Écoute, on a 4 choix de deuxième ronde. Il peut y avoir des transactions. Peut-être que si on échange Pacioretty, ça pourrait chercher un autre choix de première ronde pour aller chercher un gars peut-être dans le top 10. Sinon, dans la vingtaine, écoute, il y en a en esti de profondeur au niveau talent, au repêchage. Là. C'est pas un repêchage pourri comme en 2012, l'année de Galchenyuk. Savais-tu, JF, qu'il y a 3 joueurs dans le top 4 qui ont été échangés? Ah ouais? Yakupov, Galchenyuk puis Griffin Reinhardt. Ouais, Yakupov, c'était un gros flop, ça, avec. Puis le choix de deuxième ronde de cette année, c'est les Blue Jackets qui l'ont, Ryan Murray. Il y a Iotech 12 qui nous salue dans le chat sur Twitch. On le salue. What's up? Salut, salutations. Ça devrait commencer dans quelques instants, j'ai l'impression. Moi, j'ai comme l'impression que si tu me donnerais une petite minute, j'irais nous chercher. Moi, j'irais me chercher une bière. Toi, je sais pas si tu as besoin d'une autre bouteille. Non, mais moi, j'ai encore la mine. C'est une grosse bière. Ça rentre pas tout dans une. J'aurais dû en amener deux. Donc, donne-moi quelques instants. Je reviens. Je vais rester en direct. Et puis, ouais. Les gens, si vous voulez commenter, vas-y, JF, pendant ce temps-là. Moi, je vais jaser au monde devant moi, comme ça, là, qui est. Posez-moi les questions ou bien vous pouvez commenter en direct puis je vais lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que les Canadiens vont faire comme mouvement en ce moment, ce soir, avec le repêchage de la NHL? Donc, pensez-vous qu'il va chercher Code 4 quelque chose, le nom pas prononçable, Quinn Hughes, un défenseur, un ailier, un centre? Qu'est-ce que Marc Bergevin fera ce soir? C'est ce qu'on a hâte de voir. Troisième choix quand même, ça devrait arriver assez rapidement. Là. Surtout compte tenu, comme j'ai dit, qu'on sait déjà qui sont les deux premiers... Ah, il y a Emperor Alpha qui dit on veut juste pas de Kotka. Fait que lui, il est contre ce joueur. Donc, on a un de nos fans qui veut pas. Permuté vers le bas, Laurent Poulin. Écoute, si je peux parler de Kotkaniemi, là, le gars, il est comparé à Anze Kopitar. Il est comparé à. J'en ai une liste qui est ici, là, qui me parle. Il y a beaucoup de monde aussi qui parle que le Canadien va descendre son choix à 5e ou 7e rang, peut-être. Marc, ça pourrait être possible, mais ça dépend. Il faut que leur joueur soit disponible aussi au 5e rang, mais il faut que ça leur donne aussi un asset de plus pour pouvoir descendre. Puis je serais surpris qu'ils le fassent, honnêtement. Bien hâte de voir. Il y a bien du monde qui dit qu'il pourrait permuter avec Arizona ou Détroit. C'est bon, il y a Sébastien et Aude, Mr. Brutal, qui dit que ça va être soit Zadina ou Quinn Hughes. L'affaire qui m'inquiète avec Zadina, c'est que dans le Combine à Buffalo, ça, c'est un événement où ce que les jeunes font des tests physiques. Puis l'affaire qui est surprenante de ça, pour montrer à quel point ça peut être utile, au niveau des tests physiques que le Canadien de Montréal ont fait, eux-mêmes, ils ont découvert un jeune qui a des problèmes de cœur. Ah ouais? Fait que c'est triste parce qu'à cause de ça, le jeune ne sera peut-être pas repêché dans un haut niveau, malheureusement. Ça peut être une balloune, mais tu sais... Ça sert à ça. Les équipes, là, eux autres, c'est un investissement qu'ils font envers le jeune. Ces gars-là vont rentrer au national. Ils vont être payés genre quasiment 1 million par année. Fait que... Sur Twitch, on a Montréal Expo One qui dit Kachuk, Kotka et Zadina seraient dans des top 6, à son avis. David Littleboy qui dit Quinn Hughes. T'en as plein. David Littleboy qui lui aussi dit que Kotkaniemi il fait peur à cette hauteur-là de pic. La bémol de Kotkaniemi, ça c'était dans le fond le McQueen Magazine qui est très haut coté au niveau des drafts. Son point faible, c'est le patin, le coup de patin. C'est un centre qui est lent. Fait que c'est ça qui doit améliorer. Mais pour ce qui est du reste, côté talent, côté fleur offensif, côté hockey IQ, c'est très élevé. C'est son coup de patin. Puis aujourd'hui, c'est une nationale qui est extrêmement rapide. Il me semble que tu pars contre un strike là-dedans. Ouais, t'as un strike contre toi. Pendant que JF, dans 2 minutes, les Sabres de Buffalo vont faire le premier choix. Ils vont repêcher Rasmus Dahlin. Hey, ça commence tout le monde. Êtes-vous excités comme nous autres? On va voir ça. Ben oui. Rasmus Dahlin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un Suédois. Puis le kid est comparé à Victor Hedman qui a gagné le Norris justement cette année. On le voit ici, il a l'air d'un vampire. Ouais, ben oui, le petit look blondinet là, avec les cheveux dans le vent, même quand il n'y a pas de vent. Puis entre les. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le clock au tableau pour montrer qu'ils ont tant de temps pour faire leur choix. Pas que ça niaise aussi, parce que ça passe à TV, ça, là. Ouais. T'as-tu quelque chose à dire? Rick Dudley est rendu où? Rick Dudley est rendu avec la Caroline. Mais avant qu'on parle de la Caroline, mon GF, dans mes notes, justement, là, j'ai fait un. Parce que je m'ennuie de parler de ses cheveux en feutrine. Ah, ben ça va venir dans une 5-6 minutes, crois-moi. Fait que avant que les équipes donnent leur décision. Eux autres, ils ont gagné la loterie, fait que c'est pour ça qu'ils sont premiers à repêcher. Yes. Mais ils ont énormément de problèmes en défense puis devant le filet. Robin Lehner, Calis rien. Ils ont quand même payé un gros prix pour aller le chercher à des Sénateurs d'Ottawa. Puis le gars, écoute, il est ordinaire, là. Puis à défensive, là, c'est dégueulasse. Si je peux te donner des stats, le fun, à défensive, je sais qu'il y en a qui disaient que c'était un bon défenseur. Nathan Beaulieu. Beaucoup de monde disait que Marc Bergevin était un cas de ne pas l'avoir protégé. Celui qui dit celui qui l'est. De Beaulieu, JF, 59 games qu'il a joué l'an passé. Un but. Qu'est-ce qui se passe avec le bon Nate? 8 passes. 9 points, moins 19. Moins 19. Est-ce que le gars, c'est un défenseur top 4? Non. Est-ce qu'il est pourri parce que Buffalo est pourri? Non. Il est pourri, point. Alors, c'est triste pour ce mec-là. Et puis, parlant de Buffalo, on parlait de Ryan O'Reilly tantôt. Là, il y a une congestion au centre, fait qu'ils peuvent se permettre de s'en départir. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tantôt, on écoutait les nouvelles à TVA. Alors, le... Et puis, ça a l'air que Jack Eichel, qui est déjà un petit trou de cul à son âge, aurait peut-être du bisbille entre lui et Ryan O'Reilly. Qui est cette dame? C'est Yoko Ono, je crois. OK, bon. Qui s'en vient commander. Ah, c'est peut-être la nouvelle propriétaire des Sabres de Buffalo. Ah, tu penses? Non. Je pense que c'est sa femme ou quelqu'un qu'il a rencontré... la veille. Ah, ouais, juste c'est une présentatrice. Présentatrice, lui, le Jason Botterill avec le gros coup. Ça a l'air que lui, c'est un ancien joueur de hockey aussi. Là. J'ai pas vu sa fiche. Mm. Hey, on voit Phil Housley. Hey, Phil Housley, il est moins roux que d'habitude. Puis bon, Botterly, il me fait penser à... Bon, alors qu'on voit qu'ils ont repêché, mais il me faisait penser à Robert Kirkman avec pas de barbe. Ah. Bon, pendant qu'on a repêché, là, voilà. Et voilà. Le jeune Dallin, en première ronde, comme c'était prévu. Ce que ses parents doivent dire, c'est que yes, c'est ça. Ah ouais, ouais, pour la carrière. Sa mère est triste. Écoute, c'est une belle journée pour un kid comme ça. Premier choix repêchage, beaucoup de pression sur ses épaules. C'est un Suisse, genre, lui? Ou... C'est un Suédois. Suédois, c'est pour ça qu'il est blond aux yeux bleus. C'est ça que je m'allais dire, parce que là, tout le monde est blond, même le chien doit être blond aux yeux bleus. Ah non, c'est trippant, là. Écoute, là, le fait d'avoir ce gars-là, Jack Eichel, ça pourrait changer la dynamique des Sabres de Buffalo. Tu sais, cette équipe-là, ils ont quand même des bons prospects. Là. Sam Reinhart, là, c'est un choix, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont eu. Là. C'est un deuxième choix total. Le gars, ça s'en vient. C'est un très bon joueur de centre. L'autre, le kid, Kenzie Mittelstad, là, le gars qui n'était pas fort des tests physiques, mais apparemment, le gars a beaucoup de potentiel, pourrait être même le troisième centre dès cette saison à Buffalo. Là. Fait que moi, je pense qu'ils sont sur le bord de revirer de bord, puis grâce à Ramos Dallin, il va falloir qu'on prenne cette équipe-là au sérieux éventuellement. Là. Hey, juste en partant... Ben, ils se rebâtissent, c'est ça que tu fais quand tu recommences ton équipe comme du monde. Là. Ben, juste en ayant Jack Eichel et Ramos Dallin déjà dans le club, là, en partant, là, excuse-moi, là, je dois être une controverse, ils sont meilleurs que Toronto. Oh! Ils rajoutent un gardien de but, là, ils vont être meilleurs que Toronto. Puis là, il faut que tu entoures cette défensive-là pour le défenseur, mais juste lui peut changer la game. Là. Écoute, c'est un gars qui va pouvoir jouer 25, peut-être même 30 minutes à Buffalo parce qu'ils sont vraiment à chier défensivement. Mais à Toronto, GF, y a-tu un défenseur du calibre de Ramos Dallin? Non. Jack Eichel, Austin Matthews, c'est quand même à faire. Mais après ça, pour ce qui est du reste, là, au centre, Sam Reinhart, là, ça va être un esti de deuxième joueur de centre, ça. Là. Alors qu'on y va de la photo protocolaire ici avec le chandail des Bleus. Tradition. La carte de hockey pour l'année prochaine. Ouais. Fait que ça va, ils vont être à suivre les Sabres. Ramos Dallin, j'ai hâte de voir de quoi il va l'air au camp d'entraînement, mais ce gars-là, il est déjà prêt pour la Ligue nationale. Fait que peut-être un candidat pour le Trophée Calder, je le sais pas. À voir, pendant qu'on voit ici. On voit des petites séquences de Ramos. Des séquences de lui-même, ouais. Ouais, c'est ça, parce que le gars, il bouge la rondelle tout seul. Il joue avec des adultes. Écoute, le gars, il a même, je pense, été aux Olympiques, mais je suis pas certain de cette information-là. Ouais, quel maniement de rondelle pareil, tu sais. Ah, il peut changer un match à lui tout seul, là. Bon, il montre, dans le fond, les Suédois qui ont été repêchés, mais Ramos Dallin, garde, félicitations. J'ai toujours pensé que ce gars-là, c'était le Sidney Crosby des défenseurs pour ce repêchage-là. Fait que ça va être un défenseur qui va être à surveiller d'année en année. Puis c'est un gars qui va même produire offensivement. Fait que félicitations, ça me fait chier. J'aurais aimé savoir ce choix-là. Écoute, c'était stressant aussi, GF, là, pendant le choix repêchage. Là, on avait gagné, puis là, il dévoilait, dans le fond, le gagnant de la loterie plus tard. Ouais, ouais, ouais. Et j'y croyais en tabarnak. Le pire, c'est que la journée que c'était arrivé, là, j'étais allé voir le film Avengers au cinéma. Fait que j'étais comme pas concentré un peu. Là. J'étais claqué les doigts, puis c'était fini. Ouais, mais là, on s'en va avec les Sabres de Buffalo qui vont parler deuxième. Écoute, les Sabres, je pourrais dire que c'est peut-être l'équipe qui a vraiment gagné la loterie, là, parce qu'eux autres auraient dû repêcher 11e si on respecte, mettons, c'est classe. Non, c'est pas les Sabres qui vont parler deuxième, c'est les Hurricanes, excusez-moi. Mais eux autres, ils étaient 11e, puis ils ont gagné la loterie pour le deuxième show total. Fait que, qui vont repêcher? Est-ce que ça va être Chemnikov? Est-ce que ça va être Zadina? Zadina, qui est son compatriote Nekat, joue pour... dans le fond, il a été repêché par les Hurricanes l'année passée. Fait qu'ils vont vouloir faire un duo, je ne sais pas. Ça va être à suivre, mais je sais que Don Weddle est bandé chez Chemnikov, comme je disais tantôt. Parlant de Don Weddle, mais en fait, Ron Francis s'est fait colisser dehors. Don Weddle le remplace. Et puis, il est allé chercher son grand chum, Rick Dudley. Les deux étaient ensemble pour bâtir les Thrashers d'Atlanta, GF. OK. Fait que on va voir ce que ça va donner. Les Thrashers d'Atlanta, d'un côté, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était parti avant pour aller à Winnipeg par la suite. Fait que il y a une base des Jets de Winnipeg qui a été faite par quand même Don Waddell et Rick Dudley. Ils ont juste été... les gars n'ont pas été renouvelés quand l'équipe a déménagé, tout simplement. Et puis, même, on dirait qu'ils veulent vraiment rendre l'équipe compétitive dès maintenant. Tous les joueurs sont à échanger. Il y a des rumeurs qui disaient que Jeff Skinner pourrait partir sous peu. Il y a des équipes qui ont de l'intérêt pour ce gars-là, mais le seul joueur qui était intouchable, c'est Sebastian Yao. Yao. Juste lui. Tout le reste sont disponibles. Fait que... Ah, puis Rob Brad-Amour a été nommé entraîneur. Le coach Bill Peters n'a pas voulu renouveler son pacte. Alors, il a crissé son camp. Et puis, c'est Rob Brad-Amour, le bon Rod qui a gagné la coupe avec les Hurricanes, qui devient coach des Hurricanes. Là, le vrai bon Rod. Là, on voit Don Waddell, qui a l'air de méchant dans Command and Conquer. Ça doit être Chemnikov, j'imagine. On n'a pas le nom en bas pour l'instant. C'est pas marqué. Écoute, on va voir qui va être repêché. On vous rappelle qu'on n'a pas de son, nous autres, en écoutant, ou à peu près pas. Fait que on devine ce qu'ils disent. Là, on fait du voice-over, GF? Ouais, ben on fait du play-by-play, là, un peu. Là. On regarde ce qui se passe, puis on vous commente ça en direct. Là. Nous autres, on a juste besoin de savoir qui va être le choix. Pas tant besoin de savoir qui est dans. Et puis après ça, c'est le Canadien qui repêche, GF. Ouais, puis après ça, on arrête le podcast, tu sais. On va être en crise, on va tout lancer à la terre. Là. Bon, je vais flipper la table, puis tout va revoler. Des hosties de Hurricanes. Mais pourtant, tu sais, ils ont bien fini la saison. Ron Francis a bâti quand même un popé noyau avec tous les jeunes qu'il y a là. Il y a Montréal là, Expo One dans Twitch qui dit « Merci de muter les entrevues avec Renaud Lavoie, c'est apprécié. » Moi, je veux juste vous montrer ce qui se passe au niveau du repêchage. Fait que quand ça va être justement comme là, le pic, on va le mettre en plus gros, puis sinon vous êtes dans le bas en petit ou pas là du tout parce que c'est pas intéressant de voir tout ça. Là. Non, non, non. Pendant que je vais le mettre en plus gros par contre parce qu'on voit le petit nabo Batman. Il faut toujours voir c'est quel joueur qui va oublier de serrement à Gary Batman ou qui va carrément l'ignorer. C'est arrivé, il me semble, quand on l'a fait un moment donné. Je sais pas si c'était passé. On en avait un qui n'a pas voulu donner la main. Là, c'est comme Chris, c'est le commissaire. Alors, pendant ici, le vieux monsieur ici. C'est Don Waddell. Don Waddell qui, bon, on voit qu'il y a des cotons-tiges dans la bouche. Pendant que sa fille de 12 ans vient annoncer le choix. C'est rendu une mode, ça. C'est qui va le faire à Montréal? Ah, je sais pas. Drew Dundon. Fils de Tom. Who the fuck is Tom Dunton? Hey, c'est Chemnikov. Andrei Chemnikov qui vient d'être repêché. Donc, hey, c'est un ailier droit de 18 ans. C'est ça, 40 buts en 44 games dans la ligue de l'Ontario. Quand même. Et puis, son entraîneur, qui est Dale Hawerchuk, lui a dit que c'était le meilleur joueur qu'il a vu depuis Glenn Anderson. Fait que Glenn Anderson, c'est pas un 2 de pique. Alors, Chemnikov, qui, selon les experts, est un Marianne Ossa. Marianne Ossa connaît une bonne carrière qui... Pendant qu'on demande dans le chat, est-ce que c'est sa mère ou sa blonde? C'est souvent une question qu'on se pose pour les jeunes. Parce qu'il faut oublier que c'est des jeunes quand même de 17-18 ans là, qui sont là. C'est ça. Puis, tu sais, ça se peut que sa mère a juste 38 là aussi. Puis c'est des Russes, j'imagine, qui ont des bonnes gènes. On voit Vladimir Poutine qui fait souvent du cheval en chess. Ça se peut aussi, là. Peut-être. Écoute, ça peut avoir des enfants à 14 ans, eux autres. Fait que ça pourrait être possible que sa sœur ait sa... Non, c'est pas ça que je voulais dire. En tout cas... Quoi? Ouais, c'est une belle famille! Hey, hey. J'aime sa cravate. Ça sert à une cravate en laine. Ouais, elle est tricotée par la grand-mère du côté paternel. Écoute, moi, je me demandais si Chemnikov serait un grand joueur. Evgeny, son frère, a été repêché par les Red Wings en 2015, qu'on voit maintenant. Ah, tu vois, ça, c'est une information que je ne le savais pas. Ça ne doit pas être un grand joueur parce qu'on n'a pas tant d'y parler. Pas très. Mais, ouais, c'était, écoute, on salue d'ailleurs notre auditeur Mathieu Gilnop, qui est un fan des Red Wings. Silence. Ouais. Ça n'en presse. Silence et son de boisson ici dans ton. Ouais, bar. Ça fait un blocks. Ouais, ouais. Pendant que le kid va aller mettre le chandail pendant qu'il sort la main à tout le monde de façon un peu molle. Ah, tu vois, qu'est-ce que je disais tantôt que sur Robin Lehner, les Sabres ont dit qu'il ne sera pas de retour avec l'équipe, donc il n'y aura pas d'offre qualitative pour Robin Lehner. Alors, décalisse, les Sabres sont sur le marché pour chercher un gardien de but. Alors, rendu là, on peut dire que le Canadien n'échangera pas son choix de troisième ronde. Ceux qui pensaient qu'il le ferait pour chercher un joueur d'impact, si ça arrive, est-ce qu'il y a comme, genre, il pèse un piton, puis il y a une cloche qui part dans l'aréna, puis là, tout le monde fait comme, il y a un échange! Ben, dans le fond, la cloche, c'est Gary Bettman, parce que c'est lui qui va sur le stage, en marchant comme Vince McMahon. Avec ses épisodes, no chance, puis il se fait aller les épaules de bord, puis là, il a les petites mains, puis... I have a trade to announce! Puis il shake sa tête. Ah, mais ça, c'est le Parkinson qui s'en vient, tu sais. On peut juste souhaiter. Ça pourrait arriver. Mais c'est plaisant. On demande si Pacioretty a été échangé finalement. Non, pas encore. Inquiète pas que ça va arriver. Là, ça... Hey, tu vois, Marc, il a l'air très calme ou nerveux. Jeff, en tant que médecin dans le monde de podcasting, comment tu pourrais décrire l'état de Marc présentement? En ce moment, l'analyse de Dr. Chrome serait que Marc a des ballonnements au niveau de l'estomac. Je pense que son Taco Bell n'a pas passé. Non, puis il boit de l'eau du robinet aussi. Aquafina, c'est de l'eau du robinet, selon ce que j'ai lu. On va enlever un peu l'entrevue de Renault parce que, bon, c'est toujours plaisant de ne pas voir Renault à l'écran. Ouais, puis on s'en fout un peu de Don Waddell et des Hurricanes. Nous autres, c'est le Canadien de Montréal qui nous intéresse. Montréal, on the clock, qu'on nous dit dans le chat. Si je peux te juste donner une impression, là, on échangeait toujours de troisième ronde en Galchenyuk, qu'on a repêché en 2012. Mais savais-tu, JF, qu'en 2013, on se retrouve avec 4 choix de première ronde, finalement? On a Jonathan Drouin qui a été repêché 3e. On a Max Domi qui a été repêché 13e. On a Michael McCarron. Et puis, on a aussi Kirby Reichel, ouais, qui a été cherché dans l'échange de Plekanec. Fait qu'on se retrouve avec 4 choix de première ronde qui ont été repêchés en 2013. C'est-tu pas beau, ça? C'est pas beau, effectivement. Fait que... Non. Écoute, Marc a un plan. On voit que le beau Marc est concerné en ce moment. Là. Il est pas trop sûr de ce qui se passe. Là. Il a enlevé ses lunettes. Il fixe le clock en ce moment. Parce qu'il n'y a personne au téléphone, fait qu'on s'entend. T'sais, le choix, il est déjà fait. Je sais que les caméras essaient de voir si quelqu'un aurait laissé un bout de papier sur la table avec le nom du joueur repêché, parce que c'est arrivé. C'est quand qu'on a repêché Sergachev. Oh! Il est l'or dans les mains. Qu'est-ce qui est arrivé avec Trevor? Là? Ben, il est allé faire un petit pipi nerveux. Fait que là, il vient de se rasseoir avec ses gros guns dans son seau de série. Hey, ça serait-tu écœurant si, mettons, quelqu'un aurait une chaise, que tu peux acheter la taille, puis qu'à un moment donné, il s'assied, puis la chaise, genre, descend en bas tranquillement? OK, Chris, c'est Marc qui a parlé de flip en tout, là. Je pense que Marc est très nerveux parce qu'il joue sa carrière en ce moment. Donnez-y un sac en papier, est-ce-tu? Mais à moins que, dans le fond, il attend juste le signal pour pouvoir se lever de bout, là. Les culturistes on the go. Je vais le caller tout de suite, je sais. Peu importe le choix qu'il va faire, là, je sais qu'il y en a qui vont monde chialer. C'est ce bracelet-là, Marc. OK, on continue, ouais. C'est ça, le monde va chialer en tabarnak. Puis Chris, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a Jeff Monson est là, Claude Julien. C'est une grosse journée pour le Canadien. Là, c'est une grosse journée pour les équipes, ouais. Mais c'est clair, là, mais là, comme tu dis, le Canadien va définir le reste du draft après ça avec leurs choix qu'ils vont faire là. Là, comme tu dis, ça va dépendre. Est-ce que le Canadien va être capable d'aller chercher un joueur comme Tavares ou quoi? Est-ce qu'il va régler le problème de centre en ce moment? Ça va jouer probablement sur le choix de la position. Ça pourrait nous donner une bonne idée de ce qui s'en vient pour la suite des choses. Dans 30 secondes, mon Jeff, c'est quoi ton guess? Moi, je vais y aller sur Quinn Hughes. Moi aussi, je vois avec Quinn Hughes. Ah ouais? Moi, c'est mon choix. Je serais pas fâché si c'est pas lui. Même si c'est un défenseur et qu'on a tout le temps jamais trop de défenseurs. Écoute, avec tout ce que j'ai lu sur lui, tout ce que j'ai regardé sur lui, c'est le défenseur, c'est le meilleur patineur du repêchage. Et puis, c'est le gars le plus talentueux. Le talent lui sort par les oreilles. James Champagne dans le chat. Qui dit, un ancien collègue de Jean Damenet. Oui, qui dit Zadina ou Kotkaniemi. Je serais pas fâché si c'est ces deux. Mettons en Zadina, Kokolaimi ou l'autre, là, Quinn Hughes. Mais Jeff. Moi, là. C'est là, mon GF, ça s'en vient. Enfin, pendant que Gary Bettman serre des mains en regardant tout le monde de bas. Parce qu'il... Ah, faut que je prenne une gorgée, moi. Là. Ah, faut que je me... Ouais. Que va-t-il se passer? On va savoir après la pause! ça, c'est Julie Snyder qui fait ça, hein? C'est tellement de la merde. Calisse. N'importe quoi. Alors qu'on voit quelqu'un avec une petite moustache molle dans le fond. Il y a même des fans qui ont fait le voyage. Hey, si on aurait un Patreon, déjà, parce qu'on pourrait se payer genre un voyage pour aller au prochain draft en 2019. Ben, je fais pas un Patreon, je ferais peut-être une levée de fonds. on va lever des chars. Un one shot là, pour ramasser un GoFundMe. Là. Est-ce que c'est lui qui va annoncer? Bon, mais comme à la tradition, il remercie l'organisation. Ouais. Puis c'est qui ça? Je sais pas, mais il est bâti en tabarnak. C'est lui qui repêche. Shane directeur Drew, de documents amateurs. Il me semble que lui, s'il me dit quelque chose, je l'écouterai. Là. S'il me donne des conseils. Tout. C'est lui qui a repêché. Kasperi Kotkaniemi. Kotkaniemi. Kotkaniemi vient d'être repêché par le Canadien. C'est un joueur de centre de 6 pieds 2, 191 livres. Écoute, je connais beaucoup de monde qui sont bandés dessus. On se le cachera pas, c'est un excellent joueur de centre. Et comparé à Andy Kopitar, c'est un meilleur joueur de centre qui est dans la Ligue nationale de hockey. Je suis pas déçu. J'ai peur. Dans le fond, tu sais, c'est parce que ce qui arrive, c'est que là, on a notre choix, mais ça se peut qu'on fasse un deal pour chercher un autre choix très haut pour aller repêcher un autre joueur qui nous intéresse. Ah, la soirée n'est pas finie là, pour le Canadien en ce moment. Non, c'est long d'être fini, c'est sûr et certain. Là, bon, mais on voit ce que les autres ils disent. Là. Centre numéro 1, pourquoi centre avec un S? J'en ai aucune idée. Ça, c'est TVA. Mais l'affaire qui arrive aussi, ce que j'ai trouvé drôle, JF, puis je me pose encore la question, c'est que Kotkaniemi a joué pour avec des hommes. Dans la ligue en Europe, là, une ligue quelconque. Là. Ouais, ouais. La question que je me demande, c'est que le gars, il fait pas longtemps qu'il a 18 ans, là, mais quand tu joues dans une ligue d'adultes, quand tu prends ta douche dans le vestiaire, c'est-tu considéré comme dangereux? Faudrait poser la question à l'assistant DG des sénateurs d'Ottawa. On va avoir des infos sur lui éventuellement, justement. On tombe ces sénateurs, là. Mais c'est eux autres après ça? Je serais curieux de savoir, est-ce que le monde dans le chat sont contents de Kotkaniemi? Ben, il y en a qui ont dit voilà, il y en a qui ont dit Chris, il y en a deux, trois qui ont dit Chris. On va le voir juste dans 3 ans. Fait que le ouais, mais attention, je sais qu'il y en a qui espéraient voir un joueur être prêt maintenant. Il y en a qui sont contents qu'il l'attendait aussi dans les fans. T'sais, le but, c'est d'avoir le meilleur joueur qui va connaître la plus belle carrière. T'sais, si le gars il est prêt dans 3 ans, mais qu'il devient un excellent joueur de centre, fine. Parce qu'on, est-ce qu'on faut, on le dit-tu là, que le Canadien est en reconstruction? Moi, j'appellerais ça une semi-construction parce que je pense qu'on est en train de faire un gros ménage. Ils se rajeunissent, mais je pense pas que c'est une construction qui va comme prendre 10 ans de temps. Là. Non, mais je pense qu'en 3 ans, ça pourrait le faire. T'as pas besoin de 10 ans là, pour reconstruire. 3 ans, moi, c'est une reconstruction pour moi parce que t'enlèves tout le noyau de ton équipe. T'enlèves Chucky, t'enlèverais, mettons, Patchio. T'as enlevé Plecky, même si Plecky peut-être qu'il va revenir, sait-on jamais. Mmh. Mais tu t'es débarrassé de ton ancien noyau. Tu sais, à la limite, t'as même échangé Subban que t'étais tanné pour son attitude. Puis même si je continue à considérer que c'est pas un bon trade encore, moi, là, celui de Subban, c'est le seul que je regrette encore un peu, mais c'est pas grave. Là, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Là. Ouais. Acheter NHL 2019, si t'es pas content, il va être le cover avec pas de Coupe Stanley dans les mains. Ben, regarde, on peut voir dans le fond TVA, dans le fond, c'est un statement, c'est clair. C'est le meilleur centre de ce repêchage-là. Écoute, on peut-tu prendre un peu la mentalité de la NFL? La NFL, dans le fond, ils peuvent pas aller nécessairement avec le meilleur joueur du repêchage. Les équipes repêchent selon leurs besoins. Fait que quand tu vois que tu as le meilleur corps arrière qui est disponible, mettons, dans le top 4, ça se peut que l'équipe qui a besoin d'un corps arrière va le repêcher promis. Le Canadien de Montréal, présentement, ils ont pas grand-chose au centre. Ils ont Ryan Poehling qui dans le fond, il est pas prêt tout de suite. Là, tu as repêché Kotkaniemi. Tu te retrouves avec deux centres potentiels pour jouer dans ton top 6, c'est une bonne nouvelle. Faut prendre ça avec, dans le fond, de la joie. C'est un gars de 6 pieds 2 aussi. Là. On est allé des nabos, on en voulait un grand centre. C'est pas un petit centre, dans le fond. Écoute, si son coup de patin, c'est vraiment son point faible à ce point-là. Moi, je ne l'ai pas vu en personne de quoi qu'il y a de l'air. C'est quelque chose qui me gêne, qui va se travailler. Puis, d'après moi, il va peut-être même passer l'été à le faire. J'ai hâte de le voir. Hey, tu savais, JF, dans le fond, pour ceux qui sont intéressés, le tournoi des recrues qu'ils vont faire cette année avant le camp d'entraînement des Canadiens, là, ça va se passer à Laval. Fait que les gens qui veulent voir nos prospects assister au tournoi des recrues, mais je vous suggère fortement d'aller checker la vente de billets pour aller voir les games à Laval directement. Fait que ça va être le fun. C'est tous nos prospects qui vont jouer pour le Canadien de Montréal. Ça va se passer début septembre, fin août, quelque chose du genre. Ça se jase entre les fans dans le chat en ce moment. Il y en a qui disent qu'il est très, très jeune. T'en as qui disent qu'il est justement comme toi, qu'il est allé jouer avec des adultes et qu'il dominait. T'as Mathieu Lamar qui dit que, pauvre lui, il va être. J'espère qu'il est fait fort parce qu'il va avoir de la pression énorme à Montréal. Ben, comme n'importe quel jeune qui aurait été repêché à Montréal. C'est clair, là, mais oui, t'as de la pression, mais c'est tes draft numéro 3, faut que tu sois probablement bon. Là. J'imagine qu'ils ont un bon flair là-dessus. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là, c'est là qu'on va voir si le Canadien, on va-tu régler le maudit problème de développement des jeunes? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ben, d'après moi, ce kid-là va encore jouer en Europe l'année prochaine, mais peut-être que dans un an, écoute, le dernier qui a été repêché, qui a joué dans une ligue d'hommes, c'était Arturi Lehkonen. Il a rejoué une autre année en Europe, puis après ça, la saison d'après, il est venu à Montréal. Kotkaniemi, il va sûrement jouer pour l'équipe junior pour le championnat dans le temps des fêtes. Fait que peut-être que dans un an, c'est un gars qui pourrait être prêt. La personne qui a dit qu'il est encore jeune, je rappelle que tous les jeunes qui sont repêchés ont le même âge. Il faut être patient. Il faut vraiment être patient. T'as Louis-William Gagné qui dit que c'est un projet, lui, le Kotkaniemi. Il ne faut pas virer sur ça parce qu'il ne fait pas l'équipe l'année prochaine. Puis d'après moi, il ne fera pas l'équipe l'année prochaine. Il est encore très jeune. C'est normal. C'est un projet sur 2-3 ans, un jeune comme ça. Puis il faut que tu prennes le temps de le développer. Là, il va passer aussi dans le système à Bouchard. Puis à la. C'est quoi l'autre le nom, là? J'ai un blanc, là. Voilà. Le Ducharme, de Dominique Ducharme. Mais Ducharme, lui, c'est dans la NHL. Ouais, mais tu sais, il va quand même passer à travers ces gars-là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va être durant son développement, il devrait être entouré différemment que ce qu'il y a eu pour le CH dans les dernières années avec le Rocket. C'est ça. Puis avant d'aller au club de Laval, il va peut-être faire une année en Europe aussi. Puis on ne sait pas s'il va aller dans la Ligue américaine ou s'il va aller. Parce que c'est pas un gars qui va aller dans la Ligue américaine l'année prochaine. Là. on oublie ça tout de suite. C'est un gars qui va jouer en Europe. Puis après ça, peut-être qu'à l'année prochaine, il va aller joindre le Canadien. Peut-être qu'il ne fera même pas l'équipe dans la Ligue américaine, tout dépendant. Alors qu'on voit Pierre Dorion qui est allé tout seul sans son assistant entraîneur, qui est sans un assistant DG. Je t'ai fait une autopsie d'une saison de merde que les Sénateurs d'Ottawa ont eue avant qu'ils fassent leur choix. Écoute, JF, en 11 points rapidement, ça a commencé avec Carlson qui annonce devant les médias qu'il va être payé à sa juste valeur, peu importe où ce qu'il va jouer à la fin de son contrat. Alors que les Sénateurs repêchent Brady Tkachuk qui va jouer dans notre division, qui embrasse sa mère, sa cousine encore une fois, ou on sait pas qui, sa gardienne peut-être. Ce qui me fait rire, c'est que genre l'expert qui avait dit qu'il comparait Brady Tkachuk, finalement, c'est il compare son père, qui est Tkachuk. C'est pas un patineur qui est rapide, mais c'est un gars qui a du caractère, qui frappe puis qui fait de la place devant le net. L'affaire qu'il faut retenir là-dessus, c'est que tout le monde qui voyait Zadina comme un choix sûr en troisième ronde baisse. Et c'était ma prédiction. Ce gars-là va baisser parce que pendant le combine, au niveau physique, il n'a pas été en mesure de performer à la hauteur des attentes des dirigeants de la Ligue. Le gars, il a du talent. C'est juste que peut-être il n'est pas fort physiquement. Fait que c'est peut-être un gars qui est fort dans le junior, mais il n'est peut-être pas nécessairement prêt pour la Ligue. C'est pas un gars qui va scorer 30 buts l'année prochaine tout de suite. Alors qu'on voit son père et son frère. Une belle famille de hockey. Matthew Tkachuk est un excellent joueur aussi pour les Flames de Calgary. Keith Tkachuk, c'est un excellent joueur aussi. Là. C'est ça. C'est tous des power forward de luxe d'un côté. Alors, penses-tu, comme dit Steve Gagné, va nous faire mal, lui, Brady Tkachuk, dans notre division? Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais éventuellement, mettons. Probablement, mais c'est parce que, regarde, laisse-moi finir l'anatomie de Ottawa. Ah, vas-y, excuse-moi, je te couvrirai plus. Moi, je suis là pour critiquer non, le look. Moi, je critique le look des jeunes. Là. C'est correct. Il est frisé dans le dos. Donc, Carlson qui annonce en partant en début de saison qu'il va être payé à sa juste valeur, c'est comme une claque sa gueule aux partisans et à l'équipe. C'était comme, Chris, tu veux-tu jouer avec nous autres ou tu veux pas jouer avec nous autres? Mais dans le fond, c'était le début de la merde. Le propriétaire voulait absolument avoir Matt Duchene, fait que Dorion a payé le gros prix pour Matt Duchene, puis c'est là que la merde a commencé. Il a échangé Carl Turris, et non seulement ça, ils ont aussi donné un choix de première ronde. Il y avait le choix de le donner celui de cette année ou l'année prochaine. Cette année, c'était le quatrième, on dit on le garde. Sauf que la manière que Ottawa s'enlisse, ça se peut que leur choix de l'année prochaine soit encore plus haut que celui de cette année. Fait que Pierre Dorion, là, est un esti imbécile. Après de ça, le propriétaire, il dit pendant le match, la classique hivernale à l'extérieur, là, il avait dit que « Ah, si je n'ai pas mon aréna dans le centre-ville, on va déménager. » Il déclare ça pendant le plus gros party de l'année à Ottawa, crise d'épée. Puis il y a même du monde, il y avait des billboards qui disaient qu'ils voulaient que ce gars-là démissionne, qu'il crisse son camp. C'est le propriétaire du club. Après ça, grosse chute libre au classement, rumeur de transaction. On a Mike Hoffman qui est dans les rumeurs et Eric Carlson. On va en revenir après entre ces deux-là. Puis après ça, mais tu avais aussi Derek Brassard qui s'inquiétait pour son avenir. Et puis Pierre Dorion, il a dit « Inquiète-toi pas, mon petit gars, je ne t'échangerai pas. » Une semaine après, il s'en va à Pittsburgh. Derek Brassard l'a même dit à radio. C'est lui qui l'a admis. Il dit « Je me suis fait dire que je ne bougerai pas. Finalement, je me suis fait bouger. » Pour ceux qui se posent la question « Qui est Pierre Dorion? » Mais c'est l'imbécile qui est devant l'écran présentement. Le gars qui est après détruire les Sénateurs d'Ottawa. Pas à cause qu'il est épais, mais parce qu'il y a un propriétaire qui lui met de la pression inutile sur les épaules. Monsieur Lamar trouve qu'il fait pitié, Pierre Dorion. Ah, c'est sûr, certain. Écoute, ce gars-là, là, c'est pas agréable ce qui se passe présentement. Là. Et puis, en parlant de Derek Brassard qui fait changer, mais comme on disait tantôt, Eric Carlson est passé à un poil de passer à l'équipe de Vegas. Imagine si Carlson serait avec Vegas en finale de coupe. Ça aurait peut-être pu changer la game là. De bord. Oui, oui. Et puis, ensuite, il y a des rumeurs comme quoi que Guy Boucher se ferait crisser dehors à cause de la saison de merde qu'ils ont eu. Pierre Dorion a refusé. Il a préféré garder Guy Boucher parce que, naturellement, c'était pas nécessairement de sa faute que l'équipe était à chier. Et puis, la nouvelle qui a fait mal aux Sénateurs. Ça n'a pas passé trop aux nouvelles. Randy Lee. Ils ont essayé de garder ça un peu. Ouais. Randy Lee, qui est l'adjoint de Pierre Dorion, aurait agressé ou aurait tenté d'agresser un chauffeur d'autobus de 19 ans pendant le combine à Buffalo. Moi, j'aime ajouter le mot sexuel après, mais il a touché les épaules. Il a touché les épaules. Fait que, sexuel, touché les épaules? Ça dépend si tu les as frottés ou caressés ou si tu les as serrés pour pouvoir l'étrangler. Ça dépend si tu avais la main dans le chandail aussi. Là. C'est ça qu'on ne sait pas. On n'a pas tous les détails là-dessus. J'imagine qu'ils veulent garder ça à huis clos. Mais ce qui arrive, c'est que le gars s'est fait arrêter. Fait que ça, c'est comme si, mettons, à Montréal, Rick Dudley se fait arrêter pour pédophilie. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de rumeur, mais là, je sais que les Sénateurs récemment ont décidé de suspendre le bonhomme tout simplement. Il n'est pas là présentement, puis je peux comprendre parce que c'est entouré d'enfants de 18 ans. Alors, malheureusement, Randy Lee, Chris, une controverse que les sénateurs n'avaient vraiment pas de besoin. Puis non seulement ça, mais tabarnak, asti, t'as la blonde de Mike Hoffman qui s'invente des comptes sur Facebook, commençait à dire de la merde sur Eric Carlson. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est parce que quelque chose qui voulait un restaurant, c'était eux autres qui avaient la dernière table. C'est inexplicable. C'est du harcèlement psychologique sur le couple à Carlson, sur les deux. Écoute, ça souhaitait que le bébé meure, que son mari se fasse blesser pendant une game. C'en était complètement ridicule. Comme on peut voir ici, on a. Si vous voulez savoir c'est quoi un gars qui connaît rien au hockey, là, c'est le jeune homme qui va marcher au podium, John Sheka. Je sais qu'il y en a qui l'aiment, là, mais c'est parce que le hockey, les amis, ça ne s'apprend pas dans un livre. Il n'y a pas de hockey for dumb people. Le hockey, là, écoute, tu l'as ou tu l'as pas. Lui, il l'a pas. Ça, c'est-tu le gars qui aime bien le Corsi, ça? C'est un gars qui aime bien le Corsi, puis c'est un gars qui pense que Gatchenok pourrait être un centre numéro un, puis peut-être même avoir une plus belle carrière que Wayne Gretzky, genre. Juste pour revenir à Mike Hoffman, il s'est fait échanger finalement. Le gars s'est fait carrément donner. Alors, il s'est fait trader deux fois, puis les sénateurs se sont tellement fait fourrer. Et puis, dans le fond, si on regarde Mike Hoffman, qui est un meilleur joueur que Galchenyuk, il est plus établi que lui, sa valeur a été plus basse que qu'est-ce que les Canadiens ont eu pour Galchenyuk. Fait qu'à un moment donné, roule les moteurs, là, faut se calmer. Alors, écoute, est-ce que c'est Philippe Zadina qui va aller là? Je suis prêt à parier que oui. News, non? Ils se débarrassent de corps. Je sais pas s'ils vont repêcher un défenseur. Il y a peut-être Evan Thompson qui pourrait être repêché, qui est un défenseur droitier qui joue pour la Cathy Bathurst. Mais regarde-le, GF. Peux-tu croire que ce gars-là va gagner la coupe un moment donné? Non, c'est un prépubère, comme on dit dans le chat. Ben ouais. Il vient de repêcher Barrett Hayton. Barrett Hayton, sacrément. Un gars de 18 ans, 63 matchs, 60 points. Hey, je vais aller voir dans mon mock draft. Il a joué pour Sault Sainte-Marie en 2017-2018. Barrett Hayton. Écoute, je vais aller voir dans mon mock draft pour le fun. Là. J'ai aucune information sur ce gars-là. Dans mon mock draft, GF, il n'est même pas dans le top 10. Je vais aller voir dans la section 11 à 20 pour voir s'il est là. Ah, je l'ai ici. C'est un Canadien. C'est un centre qui tire de la gauche. On le voit ici, oui. Il est comparé à Jonathan Toews et Patrice Bergeron. Jonathan Toews. C'est un bon un centre two-way. Alors, tu vas chercher un jeune joueur de centre. Tu as Dylan Strowman qui est joueur de centre. Tu as Derek Stepan qui est joueur de centre. Tu penses que Gatchenko va être un joueur de centre, puis tu vas chercher un autre joueur de centre. On s'entend que je pense que l'expérience Chucky au centre pour les cas de Phoenix ne durera pas longtemps. C'est à voir. C'est Rick Tocchet qui est entraîneur pour ce club-là. Mais si je peux parler un peu des Sabres de Buffalo. Des sortes de bluffs où Chris me mélange, Chris de Boisson. C'est les Coyotes de Phoenix. Boy, boy. Ils ont connu une bonne fin de saison, il faut l'admettre. 17 victoires, 10 défaites et 3 défaites en prolongation. La question qui tue, je la pose à vous autres. Oui. Sois-tu une équipe dominante, ça, dans un an ou deux, ça? Ça va-tu finir, genre, premier division? Non. Ça va-tu se rendre loin en série? Non. Le centre numéro 1 est Derek Stepan, puis Dylan Strom, qui a connu quand même une bonne fin de saison, qui a fait 8 points en 10 games, pourrait être le deuxième centre. Fait que je vois pas où ce Chucky pourrait fitter. Peut-être troisième centre, peut-être centre du quatrième trio, je penserais pas. Ça va être à suivre. Écoute, ils ont quand même Clayton Keller, qui est un bon jeune attaquant, Braden Perlini, Christian Fischer, Jacob Chychrun, qui est un bon défenseur. Lui puis Ekman Larsson, ça fait deux bons défenseurs dans le top 2. Alors, c'est très intéressant. Mais ce qui reste à voir, c'est est-ce que Olivier Ekman-Larsson va signer son fameux contrat de 8 ans avec les Coyotes de Phoenix dans un an? Écoute, c'est sûr que le gars l'a repêché, mais la question qu'on se pose tous, puis je pense que Tavares la pose aussi, là, t'as 27-28 ans, ton équipe est à chier. Tu vas-tu passer 8 ans encore avec le même club quand tu sais que ça tourne en rond? C'est ça, ta carrière, à un moment donné, va achever. Là. C'est quoi qui est plus important dans ta carrière? Jouer au hockey puis être payé des millions de dollars ou avoir de la gloire au hockey tout en étant payé puis avoir des millions? Ah, t'as mieux la gloire, JF, la gloire. La gloire. Donc, c'est ça qui est la question. Pendant qu'on entend, le prochain club qui va repêcher, c'est les Red Wings de Détroit. J'ai comme peur que les Red Wings vont prendre Quinn Hughes. Il y a Montréal Expo One qui demande si Zadina va être le nouveau Esposito. Écoute, je serais surpris pour être honnête. Là. Écoute, il y a des experts qui me disent que lui, c'est le prochain David Pastrnak. On s'attend que ce gars-là il est excellent pour les Bruins de Boston. C'est vraiment dur à dire. Écoute, les gars n'ont pas trippé sur sa forme physique. Ça a baissé un peu. Je ne sais pas s'il va se rendre en top 10, mais écoute, il y a même quelqu'un qui commençait à oser dire qu'il pourrait être un choix entre le 10e et le 20e rang. Ça serait une méchante drop pour un gars qui était classé troisième au total, GF. Ben oui, c'est clair. Puis même que l'autre jeune que les Coyotes ont repêché, là, dans mon mock draft, il était 11e. Écoute, là, GF, ça dit qu'il reste pas mal de joueurs de disponibles. Est-ce que ça va inciter un club peut-être à faire une transaction parce que leur joueur qui convoite est disponible? Peut-être. C'est là que ça va être intéressant. Là, je sais pas pourquoi, mais on nous montre la table des sorts de Buffalo. Puis, parce qu'on fait juste nous remontrer l'ordre en général à la télévision en ce moment. Ah, OK. Ah, parce que Ramos Dallin est en entrevue. Je le mettre en bas ici un petit pendant qu'on va parler d'autres choses, nous autres. Là. Oui. Si vous voulez voir ce jeune prépubère-là. Alors, c'est ça qu'on va voir entre-temps. Là, si, mettons, je peux parler tranquillement, pas vite. On va prendre un petit peu d'avance sur les Red Wings de Détroit. Une autre équipe en reconstruction qui a connu quand même des moments de gloire. T'sais, ils ont gagné une Coupe Stanley. Ah ouais, non, mais ça a déjà été une puissance pendant des années, les Red Wings. Ce qui leur a fait mal, c'est la retraite de Lidstrom. Après ça, tu as Datsyuk qui est parti. Puis tu as Zetterberg qui est quand même très, très vieux à un moment donné. T'sais, ça a fait son temps, malheureusement. Fait qu'on repart à zéro. Ken Olin qui était sans contrat, finalement, a décidé de rester avec les Red Wings pour continuer le travail qu'il a débuté. Le problème, c'est qu'en défensive, ça fait extrêmement dur, puis ils n'ont pas de gardien de but. Jimmy Howard, GF, il est rendu vieux, il a 34 ans. Il peut être gros de numéro 1, mais ça en prend un solide pour les prochaines années. Ouais, ouais. Ça serait dur à voir qu'est-ce qui va se passer. Écoute, ton top 4 en défense, GF, là, on chiale beaucoup à Montréal, là, mais c'est Dan DeKeyser, Trevor Daley, Jonathan Erickson et Nick Jansen. C'est bon. Tu sais, c'est pour ça que d'après moi, ils vont repêcher un défenseur. Là, ils n'ont comme pas le choix, là. Et puis aussi, ils ont deux choix de première ronde. Ils ont le 30e au total aussi pour les Red Wings. Là, on peut voir Ken Olin. Il n'a pas l'air vieux pour son âge, ce Kevin-là. Non. Pas ce Kevin, mais ce Ken-là. C'est Kenny Holland. Fait que, écoute, j'ai comme l'impression que le joueur que je rêvais tant dans ma soupe pourrait être repêché par les Red Wings de Détroit présentement, Quinn Hughes. C'est à voir. Moins que le joueur qui pourrait être repêché soit Noah Dobson qui jouait pour l'île du Prince-Édouard. Ça pourrait très bien être Zadina aussi, tu sais pas. Là. Ça pourrait être Zadina, mais je serais surpris. Je pense que les Red Wings cherchent un défenseur. Là. Écoute, comme je t'ai montré tantôt, ils sont dans la merde défensivement. Fait que d'après moi, ça va être un défenseur qu'ils vont aller rechercher. On va voir. Dans mon mock draft, tu vois, Quinn Hughes sortait 6e pour eux autres. Puis en plus, il étudie. Alors qu'on voit monsieur avec les grosses oreilles qui vient parler au micro avec les mains dans le dos croisées. Ken Holland. Ken Olin, vice-président exécutif et directeur général. Il mène tout, cest il se gratte un peu sur le côté, voilà. Ouais. Petit sourire en coin, il a l'air content de son coup. Ça me fait un pincement au cœur de voir Quinn Hughes être repêché par les Red Wings parce que je sais que c'est un gars-là. Non, Philippe Zadina, repêche. Ah, ben, calice. Chris, vous n'avez pas de défenseur, gang d'épais, qu'est-ce que vous faites là? Ça, là, mon GF, là, ça m'excite un petit peu parce que ça dit qu'on a encore de l'espoir de faire un échange et d'aller chercher notre Quinn Hughes. Ah, ça à voir. C'est possible. Tu penses que Marc, mettons, attendrait de voir s'il est encore disponible avant de faire le trade pour aller chercher. Les Oilers repêchent 10e, puis ils ont clairement dit qu'ils cherchent à se départir de leur choix de première ronde. Puis tu as les Islanders de New York qui ont le choix de 11e et 12e ronde. Tout est possible! Écoute, je prie le Seigneur, il y a un gars qui fait une petite grosse ballonne avec sa gomme. Là. Ouais, mais il y avait une bubble issue, fait qu'il y a le droit. Là. Alors, comme je disais tantôt, Philippe Zadina est considéré comme le Pasternak du repêchage. On va voir si ça va marcher à Détroit. Mais je suis comme surpris parce que tabarnak, il n'y a pas un défenseur qui a été repêché encore. Puis il y a des hosties de bons défenseurs disponibles à l'heure actuelle, mon Julien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est surprenant. Qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que Marc a bousillé les plans de tout le monde? Ou bien il y a quelque chose qui se prépare? Mais Philippe Zadina. Il y a Steve Gagné qui demande si on s'est prêt à échanger genre Price contre genre Malkin. Non. Non? Parce qu'il dit que ça pourrait être de la magie. Bergevin fait tout le temps un move weird que personne ne voit venir, mais je pense pas. Non, je pense pas qu'il va le faire. Parce que, écoute, dans toutes les équipes que je suis en train de nommer présentement, là, il y en a beaucoup qui n'ont pas de gardien de but. Écoute, les prochains qui vont repêcher, c'est les Canucks de Vancouver, que eux autres aussi, ils n'ont pas de défense. Puis, ils n'ont pas de gardien de but. Mais par contre, à l'attaque, ça acaba quand même bien. Le Bo Horvat, Brock Boeser, Sven Bratvenchitsi. Il y a les jumelles Cédine aussi qui ont pris leur retraite. GF, c'est un air qui se termine. Oui, c'est vrai. Les jumelles Cédine sont... C'est un nouvel air à Vancouver avec leur Jim Basile, je pense qu'il s'appelle, ou je ne sais pas trop, là, le DG. Jim Benning, le gars qui avait dit que Subban était disponible sur le marché puis qu'il y a eu une amende 3 jours après. Puis une semaine après, Subban s'est échangé finalement. Le gars, il voulait être honnête. Puis il a payé le prix. Il a payé le prix. Dans le chat, qu'est-ce qui se passe? On dit mauvais choix des Red Wings. On dit On dit que Tavares, faut oublier ça, que Bergevin a perdu son plan. Pourquoi que Tavares faudrait qu'on oublie ça? Je sais pas, c'est ce que Steve Gagné dit. Il y a Mathieu Lamarre qui dit que Quinn Hughes avec les Oilers, ça serait malade. Écoute, les Oilers ont grandement besoin de défenseurs. Peut-être qu'au lieu de faire un échange, vont repêcher un défenseur. Ça peut être possible, ça aussi. Il n'y a rien d'interdit, mais je sais que Peter Chiarelli, c'est un esti d'imbécile lui aussi. Écoute, tantôt, je vais parler des Oilers, là, mais ce gars-là a fait des décisions là, qui sont impardonnables. Puis nous autres, on a dit que Marc Bergevin est imbécile. Mais j'en ai trouvé un qui l'est plus. Marc n'est pas imbécile. Marc joue souvent très gros, je trouve. Il prend souvent des risques, des paris, puis... L'année passée, il a tout perdu ses paris. C'est ça qui est arrivé. La seule affaire qui a marché au cours de l'été, qui selon moi, dans le fond, ça a marché, c'est Drouin. Mais le reste, ça a été un échec total. Drouin n'a pas performé, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a juste 23 ans. Fait que j'espère, j'ose espérer que Drouin va faire mieux que fait la saison passée. J'ai de l'espoir pour ça. Là, je commence à être semi-nerveux. Ah oui? Je vais aller voir sur Twitter qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Je sais pas s'il va avoir de quoi qui se trame, mais parce que d'habitude, là, sont vides les caméramans. Mais j'avoue qu'on l'écoute à TVA Sport présentement. Y a-t-il quelqu'un au téléphone? Y a-t-il quelqu'un qui est sur la table de quelqu'un? Ça s'échange-tu des lettres? Ça serait à déterminer. Laisse-moi mettre ma liste qui s'appelle Hockey. Ils nous ont tellement hypé pour nous dire que ça va bouger, il va y avoir plein de transactions. Puis présentement, c'est le statu quo. Il n'y a rien qui se passe. Jeff Skinner n'est pas échangé. Pacioretty est toujours à Montréal. Écoute, quoique c'est pas la date limite des transactions aujourd'hui, le monde se concentre sur le repêchage. Mais s'il y a des joueurs qui veulent repêcher encore au premier rang, ou repêcher tout court au premier rang parce qu'ils n'ont pas de choix de première ronde, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe présentement. Là. Il faut qu'il y ait une transaction qui arrive. Puis en ce moment, Pacioretty est toujours membre du Canadien Montréal. C'est rien passé. Fait que c'est rien passé. Fait que si Pacioretty n'est pas échangé, ça veut dire qu'on n'a pas eu ce fameux choix de première ronde qu'on espérait avoir avec Pacioretty pour pouvoir repêcher un deuxième choix. Check ça. Ouais. C'est une madame qui est en crise. C'est une madame qui est dans la foule qui capote parce qu'ils ont repêché lui. Là. Ben, es-tu contente ou es-tu déçue? Non, elle n'est pas contente, je pense, de madame. Ah, elle espérait que ce soit un Québécois. Ben oui, mais c'est ça que le fan moyen souhaite tout le temps, un Québécois. Ouais, c'est ça. C'est lui, Jim Benning, GF, des gros joues. C'est comme demander un francophone comme coach, là, c'est à un moment donné, là, décrocher là-dessus. Là. Ah, ben regarde, d'après moi, ça ne changera jamais. Il y a même quelqu'un qui osait dire que c'est pas nécessairement ça le problème à Montréal. Ça dépend du coach. Mais Jim Benning s'emmène... pour faire son choix. GF, on a des rumeurs en direct de Twitch qui nous disent que Pacioretty serait allé porter son char chez GM et serait reparti en taxi. Bon, on fait ce qu'on veut avec ces rumeurs-là. C'est parce que ça ne change rien. C'est pas comme s'il y avait une game demain matin. Puis le concernant à qui fait affaire, je les connais très bien. Puis croyez-moi, son escalade, il roule encore avec. Fait que non, c'est pas vrai. T'aurais eu un texto pour te dire « Hey, ils ont ramené le... » J'aurais eu quelque chose qui serait passé, c'est sûr et certain. Mais l'affaire qui arrive avec Pacioretty... selon les rumeurs, c'est qu'apparemment, il va aller rencontrer les Kings pour aller voir ses possibilités de signer un prochain contrat dès la saison prochaine. Parce qu'il devient joueur autonome l'été prochain, Pacioretty. Puis j'imagine que l'équipe qui va l'acquérir espère au moins le signer à long terme. Oui, alors que là, Vancouver, Jim Benning est sur le stage avec ses grosses belles joues. Hey, ça se teint les cheveux, ça, là. Hein? Et Quinn Hughes qui est repêché pour Vancouver. Ah, les GF. Tabarnak. Je suis désolé de t'apprendre que ton choix numéro 1 est parti. Ça, c'est triste. Alors, défenseur de 5 pieds 10, 173 livres qui a joué pour l'équipe du Michigan l'année passée, Quinn Hughes qui s'en va avec les Canucks de Vancouver. Ça, c'est... Écoute, je suis content pour eux autres parce qu'ils vont avoir un esti de joueur entre les mains. Là. J'espère juste qu'ils ne vont pas le scraper au cours de ce repêchage. Mais Quinn Hughes, mettons son compare avec les joueurs de hockey actuels, est comparé beaucoup à Morgan Rielly. Écoute, le gars, il a un talent offensif incroyable. Il n'est pas gros. Mais est-ce qu'il patine bien, est-ce qu'il fait des feintes comme jamais. Puis il a fait des coups de bâton à la tête comme Maurice Richard. Ouais, ben mon prochain espoir, JF, j'avais un plan B, si jamais Quinn Hughes ne fasse pas repêcher. C'est Nicolas Beaudin, un Québécois. Bon. Défenseur gaucher aussi, très talentueux. Lui, ça se peut qu'il sorte premier, ça se peut qu'il sorte deuxième. C'est comme... pas clair. Okay. Fait que si on repêche ce gars-là, pour moi, ça va être une compensation. Je serais content quand même. Rien n'empêche que même si on n'a pas Quinn Hughes, puis on n'a toujours pas de défenseur pour jouer à côté de Shea Weber, qu'on fasse une transaction avec Mathieu Pacioretty pour patcher le trou qui nous manque à gauche. Ça peut être possible, ça aussi. Weber, qu'est-ce qui se passe avec lui? Sa blessure guérit-tu? Il est supposé être prêt pour le camp d'entraînement, selon ce qu'ils disent. Il s'est-tu fait poser de la céramique dans le sol pour sa salle de lavage? Hein? T'as pas un gars qui est allé le voir pour avoir des rumeurs là-dessus? Non, la job était finie chez eux, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en rétablissement et que ça a l'air de bien aller. Là. Fait que Quinn Hughes, qui s'en va en couvert, qui sont les prochains qui vont repêcher les Blackhawks de Chicago, GF? Oh, les Hawks maintenant, les bons amis du bon Marc, justement. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe avec les Hawks? C'est la fin d'un règne, GF. Ouais? Ça a été une équipe qui a été dans le top jusqu'au lockout, là, qui ont gagné quand même 3 Coupes Stanley entre-temps. Oui, oui, oui. Ah, c'est une bonne dynastie quand même, eux autres. Là, ben, le noyau commence à vieillir en défensive. Là. T'as Duncan Keith et Brett Seabrook. Là. Ça commence à être pas loin de 34-35 ans, là, ces gars-là. Là. Ça commence à être vieux. Faut voir qu'on pense à une relève. Et puis, la transaction de Panarin et San les a fait mal pareil parce que San a été quand même un gars de 30 buts pour Chicago puis il a très bien fait avec Patrick Kane. Puis l'affaire qui me fait rire, justement, si on peut parler un peu de Panarin deux secondes, là, c'est que le gars devient un joueur autonome dans un an. Et puis, là, finalement, il n'a pas le goût de signer un contrat à long terme avec Columbus. Fait que les Blue Jackets étudient le marché pour échanger Panarin. C'est triste parce que Chris, les Blue Jackets sont une bonne équipe, mais Panarin s'en calisse. Il veut être payé à sa juste valeur, puis il veut peut-être même gagner à quatre parts d'eau. Fait que ça va être à suivre dans ce cas-ci. Mais aussi, pour ceux qui ne savaient pas, Marianne a ça. Il a finalement pris sa retraite. Le gars a une maladie de peau là, avec les doigts, là, une affaire avec ses gars. Ouais. Fait que finalement, là, il n'y a pas le choix. C'est la retraite, c'était soit ça ou. Je pensais qu'il y avait une année de traitement pour voir s'il allait être correct. Puis ou finalement, quelque chose. Ça. Ah ouais, ça c'est triste. Fait qu'il a annoncé ça en fin de saison. Et puis, comme je disais tantôt, l'équipe doit rajeunir leur défensive. Alors, je m'attends qu'un défenseur soit repêché. Et puis, la possibilité de défenseur qui pourrait être repêché, GF. Il y avait Evan Bouchard qui pourrait être repêché. Et puis l'autre que j'ai nommé tantôt, là, mon iPad lag, c'est Noah Dobson. Deux défenseurs droitiers. Fait que ça pourrait peut-être être le cas. Même que, si je ne me trompe pas, je pense que Brent Seabrook est un défenseur droitier. Fait que ça serait juste parfait pour eux autres. Là. Pendant qu'on voit Quinn Hughes à l'écran. Non, excuse-moi, pas Quinn Hughes, c'est... Philippe Zadina. Philippe Zadina, oui, qu'on voit à l'écran. Ah, lui, son idole, c'est Thomas Plekanec. Fait que, juste en partant en entrevue, si tu poses la question au joueur qui est ton idole, puis tu réponds Thomas Plekanec, moi, si j'aurais été Trevor Timmons, là, ça aurait été un petit crayon rouge, un petit crush à côté. Non, Yannick Lampron, ça n'a pas le scorbut, malheureusement. De quoi? On demandait si Ossa avait le scorbut. Non, c'est une affaire de je sais pas quoi. Là. C'est comme un produit nettoyant, puis ça y faisait des. C'est des bouts. Écoute, c'est cancérigène, ça, je pense. C'est intense. Ah, oh, peut-être. Hey, Jeff, avant que je t'ai, puis qu'il se passe rien parce que les Blackhawks feront leur choix dans 40 secondes. On a une vingtaine de personnes qui nous écoutent live sur chaque plateforme en ce moment. Là. Oh, shit. Donc, on a environ une quarantaine de personnes live. C'est rare que ça arrive, donc on salue tout le monde et on espère qu'on vous donne le show que vous voulez avoir cette année. Et puis, Ah, puis si vous avez des questions, posez-les, ça va nous faire plaisir de répondre. Ouais. Moi, j'ai les deux chats de Twitch et de Facebook ouverts sur l'ordi à côté de moi que vous ne voyez pas à l'écran. On opère, on vous met le visuel quand c'est le temps puis qu'on n'a pas Renault à l'écran au moins pour pas avoir le mal de cœur. Alors que les Blackhawks se dirigent vers le stage, je vous mets le gameplay comme ça. Stan Bowman qui ressemble incroyablement à toi. Trop habitué à faire rétro nouveau, je parle de gameplay, là, mais non, c'est... Fait qu'on voit un Bowman qui... Stan Bowman. C'est comme, dans le fond... Je pense qu'il a attaché le mauvais bouton avec le mauvais trou sur sa veste. Ah, c'est serré pas mal, hein? Ouais, donc c'est ça, on dit qu'il y avait... C'est quoi déjà? C'est Scotty Bowman. Ouais, c'est son père. C'est son père. Son père? C'est son père. Il est consultant pour les Blackhawks, son père. Lui, ouais, on voit ses cheveux ici. Il est moins gros que son père. Ouais, un petit peu. Derrière faire les autres de patinoire comme Barry Trotz. Tu savais que ce gars-là travaillait avec Marc Bergevin aussi? Ah oui? Ouais. Ben, tout le monde travaille avec Marc Bergevin chez les Blackhawks. Tout le monde connaît Marc. Pour c'est... C'est un chic type. Oui, mais c'est un gars à la mode aussi. Adam Bockvist, un défenseur, si je ne me trompe pas ça, mon GF. Dans mon mock draft, ce gars-là, il était classé. Donc, quoi? C'est un défenseur de 17 ans, a joué 25 matchs, a fait 24 points l'année passée. Donc, l'équipe en Suède, qui s'appelle l'équipe de Brynäs. Je ne sais pas si c'est ça la bonne prononciation. Je vais réessayer, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça, c'est un Suédois. Puis, il était classé 10e dans le mock draft. Fait que je suis surpris que les deux autres défenseurs qui étaient classés très haut n'ont pas été repêchés. Écoute, c'est un addon là, pour les Oilers. Là, ils ont la chance carrément de mettre la main sur un excellent défenseur. Là, les prochains à venir parler, c'est les Rangers de New York. Les Rangers de New York, dans le fond, là, malheureusement, Alain Vigneault a perdu sa job, puis ils l'ont remplacé par David Quinn, qui est un prof universitaire, dans le fond, un coach qui n'a aucune expérience avec nationale. Moi, je suis moins chaud à l'idée de ça. Là. Il me semble que ça n'a jamais vraiment marché, des coachs qui n'ont aucune expérience avec nationale puis qui font ça universitaire directement. Là. Mais si je peux parler des Rangers, dans le fond, ces gars-là sont en reconstruction solide. Ils l'ont admis en écrivant une belle lettre aux partisans. Et puis là, dans le fond, c'est à savoir qui va être échangé d'un vétéran qui reste. Chris Kreider, Eric Staal, plutôt Mark Staal, ou bien Matt Zuccarello. Hey, Mark Staal, JF, là, c'est quasiment 5 millions par année, si c'est pas plus. Là. Ah ouais? 8 points la saison passée. 6 points. 8 crises de points. Et puis, si on peut parler des anciens du Canadien de Montréal, mais David Desharnais, mon JF, c'est un KHL pour lui. C'est terminé. Oui, j'ai vu ça. C'est terminé pour Desharnais. Ça va-t-il avec sa mère de son fils? Je ne crois pas. Ça me surprendrait énormément parce qu'elle, maintenant, il faut qu'elle travaille. Ben, et pas puis, nécessairement. Tu sais, tu veux faire de quoi après Musique Plus? Non. On espère qu'elle nous écoute. Mais écoute, je sais pas si elle va la suivre jusque-là. Il y en a, je pense, des familles où ce que des femmes suivent leurs joueurs en Europe, mais je pense que la majorité des gars sont tout seuls. Puis, écoute, elle est habituée au grand luxe à Brossard au quartier du 30. Penses-tu qu'elle aurait le goût de jouer, genre, mettons que ça serait Napierville, mais en Russie? J'aurais peur. Il me semble qu'il y a des produits toxiques qui pourraient traîner dans les poubelles, puis peut-être même, je sais pas, je pense qu'il y a du monde qui meurt dans les ruelles. C'est dangereux pour une famille, ça. Ah, on nous dit sur Twitter, sur Twitch qu'elle est avec Babu à Rock 24-7. J'ai aucune idée c'est quoi. Mais C'est quoi ça? C'est un show de télé ou... Je sais pas si c'est un show de télé ou de radio probablement. Là. Babu, je sais même plus qu'il faisait encore de quoi, lui. Là, le c'est gars une personne, je pensais que c'était un show, ça. Mais non, c'est le gars qui était à 98.5 avant que ça devienne le show. Un poste d'information, c'était de la musique. Le genre, il passait du système of a Down puis la musique qui bûchait. Là. C'était comme le, ah, la le version... Buzz? Ben, c'était la version francophone de Buzz que je considérais. C'était... Le 98.5, c'était ça? Dans le temps, oui, ça a commencé comme ça. Ah, ouais, je savais pas. Ouais. J'avais bien ça dans le temps à l'époque parce que je trouvais que c'était une bonne... On n'avait pas de ce genre de radio-là au Québec, puis ça n'a pas duré très longtemps, mais Babu était un des animateurs. Ah, OK, fait que là, c'est comme une renaissance pour Babu, puis il fait affaire avec Madame Desjardins, c'est ça? C'est quoi son prénom, elle? C'est Isabelle Desjardins. Donc, Isabelle. On nous dit que c'est une web radio rock, donc c'est un podcast. Ah! Ou une web radio divise une lettre. Fait que dedans. Madame travaille. Ben au moins. Est-ce que... C'est correct. C'est important, ça. Elle s'en apprend du travail, JF. Aujourd'hui, oui. Mais alors là, je regarde moi j'appelle ça quasiment une salle de guerre. Que se passe-t-il? Ouais, on a... Il y a quelqu'un qui est sur le téléphone. Je serais surpris que les Rangers cool échangent leur choix. Ça me surprendrait énormément parce que l'équipe est en reconstruction, fait que ça ferait juste aucun sens. Qu'est-ce que le gars qui est là, il ressemble à quelqu'un qu'on aurait connu? Ben, je sais pas, il se tape les doigts, là, tu sais. Il a l'air d'être fier. Il y a des petits rapports de gorge, là, tu vois ici que... C'est peut-être le DG aussi des Rangers de New York. Je pense que la sauce à poutine, elle passait pas. Pour ceux qui se posent la question, là, ben, Adam Bonquist était comparé à Eric Carlson. Qui est là? C'est Joel Quenneville. Joel Quenneville. Avec Renault. Hey, comment tu te sens de ne pas avoir fait des séries l'année passée, malgré le fait que tu es payé 5 millions par année? Ah, tu sais, moi, ma moustache, elle est vraie, au moins. Pis, ça, c'est un des coachs les mieux payés dans la Ligue nationale. Plus que Babcock. Babcock, c'est le summon. Lui, c'est le deuxième. Après ça, tu as Claude Julien. L'affaire qui est intéressante, c'est que les Blackhawks, vu qu'ils sont comme en genre de reconstruction, ils veulent garder Joanne Kellville à la barre de l'équipe pour repartir l'équipe à zéro. Ça, c'est parle-moi de ça, de la loyauté, toi. Bon, ben c'est ça. Des fois, ça en prend, tu sais. Il aurait pu perdre sa job, mais... J'ai comme l'impression que ça va bien pour lui et qu'il ne sera pas congédié dès demain matin. Là. Alors, les Rangers qui vont choisir dans 15 secondes le prochain choix pendant qu'on voit un Renault qui a tout le temps l'air de comme pas être sûr d'avoir fermé ses portes de char. Mais ben, on dirait qu'il fait du théâtre. Attends, il parle beaucoup avec ses mains. Non, mais il était la face un peu crispée en disant comme, tu sais, j'ai tué vraiment fermé les fenêtres pendant qu'il pleut. Mais c'est parce qu'il parle, il force ses yeux. C'est comme, là, à défense, ça n'a pas bien été. Ah, il était émotif. Écoutez, à un moment donné, c'était qui? C'était Brandon Hobey, là. Regardez-le. Il prend des grandes respirations entre les périodes. C'est comme tabarnak. C'est... Alors qu'on voit Gordy Clark, directeur personnel des joueurs des Rangers. Okay, fait que c'est lui qui a l'air d'un mafieux. Ouais, qui introduit un autre qui a l'air d'un mafieux ici. Il ressemble à un des frères Wahlberg. En fait, ou un gars qui joue dans la dynastie. Gordy Clark. Ben, je pense que c'était l'autre Gordy Clark, moi. Alors qu'on va en repêcher Vitali Krasvtsov. What the fuck? C'est qui? Quoi? Il est pas dans mon top 10, lui. Un ailier droit de 18 ans, 7 points en 35 matchs. a joué pour le Shell Yabinsk. Le Shell, la compagnie d'essence, là? Ouais, le Shell. Non, Shell avec un C, GF. Villery? Ouais, Vitaly. Vitaly Kravtsov. Vitaly Kravtsov. OK, je vais aller voir vite qu'est-ce que ça dit. Tu l'avais en 16e dans ton mock draft pour l'Avalanche. Il est sorti 9e. Oui. La première chose que je lis dans mon mock draft, c'est écrit que ses statistiques n'étaient pas impressionnantes. Ben, 7 points en 35 matchs, là, c'est pas reluisant. Là. Ben, c'est parce que dans le fond, c'est d'une ligue. Il joue pour les adultes, lui, avec. Mais c'est un ailier droit, ouais, mais ouais. Il n'a pas brûlé la ligue comparé à l'autre tantôt. Là. Ben, puis apparemment, ça a l'air que le gars, il est proche de la Ligue nationale. Ben, c'est une surprise de le voir sortir aussi haut que ça, lui-là. Là. Ben, pour moi, oui, parce que, écoute, j'ai pas vu de rapport proche de ce gars-là. C'était sa mère ou sa sœur, ça? Ah, ben non, c'est une bonne question. On dit dans le chat tantôt que toutes les mères sont des MILF ou à peu près, là, des jeunes joueurs. Hein. Écoute. Y a-t-il un profil type de parents pour les joueurs de hockey? Ben, dans le fond, c'est parce que nous autres. Papa riche et maman MILF et puis. Ben, comme toi puis moi, à l'âge qu'on a, JF. On là, est vieux, on est passé cet âge-là. Une MILF pour nous, c'est genre 50, 60 ans. Ouais, il y a ça que je comprends pas parce qu'ils doivent être quand même assez jeunes. Probablement que les auditeurs qu'on a sont plus jeunes que nous parce que. T'sais, si on 40, 45, mettons. C'est notre âge. Mais de la fond, c'est pas comme si on avait des enfants de 18 ans. Hein. Non plus, mais tu sais, toi, dans 10 ans, mettons, ton gars va avoir 15, 17 dans ce coin-là. Fait que t'es sur le bord de ça. Mais c'est des femmes dans la quarantaine. C'est comme la Aunt May de Spider-Man Homecoming. Là. Excusez, on vous laisse taper. On voulait vraiment vous laisser à ça, là, du tout. Mais c'est ça. Écoute, d'après moi, c'est la moyenne d'âge des parents. Ils sont sûrement dans la quarantaine. Hey, t'as Exactitude dans Twitch qui dit que MILF, c'est trentaine. C'est bol. Ça en est quoi, nous autres, des DILF? Des DILF. Puis on dit Cougar 40-50 ans. Ça a changé? Cougar à 40 ans, c'est pas... Ben, dans le fond, c'est les termes qu'on utilisait quand on était jeune. On l'a dit à Jean-Zette tantôt. 40 is the new 20. Ouais, c'est ça. Ok, voilà. Mais oui, c'est les termes qu'on disait qu'on avait, 12 ans, 18 ans, nous autres même. Parce que dans le fond, une cougar, c'est quasiment quelqu'un de notre âge. Là. Ben, je sais pas, tu sais. C'est insultant. Ou... Ça peut pas être une cougar pour l'âge que t'as, tu sais, si t'as le même âge. Là. Puis. C'est des excellentes discussions. Filth. Mathieu Lamar qui dit filth. Filth, c'est quelqu'un qui est sale, non? Non, ben ouais, mais c'est smurté, mais lui, au lieu d'être MILF, c'est filth, c'est father, I'd like to F. Ah, ben toi, ça, j'aime ça, mais ça dépend. Tu sais, quand tu le dis vite, des fois, ça peut être le mauvais message que tu transmets au monde. Là. Hey, toi, le filth! On demande si Dobson s'en va à Edmonton. Ben écoute, depuis tantôt qu'on dit que les Oilers ont besoin d'un défenseur, ça pourrait être fort possible que ce gars-là soit repêché. On verra, là. Parce que là, écoute, malheureusement. Ou heureusement pour certains clubs, il n'y a pas eu de transaction pour chercher un autre choix de première ronde dans le top 10. Ça ne brasse pas tout, là, il se passe rien du tout. L'année passée, GF, il y a eu une transaction pendant le choix du repêchage, puis c'était le deal de Brendan Chen aux Blues de Saint-Louis contre un choix de première ronde, puis Vitry Philpoula. Non, c'est pas ça, excuse-moi, c'est Yori Lehterä. C'est la seule transaction qu'il y a eu pendant le draft. Là, je regarde bien gros qu'est-ce qui se passe avec le Canadien. Chris, on est en train de souper, esti. Qui ça? Il mange du Saint-Hubert? Quelqu'un mangeait quelque chose, mais je pourrais pas dire c'est quoi. Ah ben, là, on a Peter Cirelli qui s'est poussé le pinch. Puis, OK, ben, regarde, si je peux en profiter de parler un peu des Oilers d'Edmonton, mon GF. S'il y aurait un titre à donner au pire DG, c'est l'homme qu'on voit à l'écran présentement. C'est extrêmement terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, les Oilers étaient vus comme une des puissances de l'Ouest pour la saison passée. Ouais. Avec McDavid et Drysdale, on disait « Ah, Chris, c'est Crosby, Malkin, nanana, c'est Kuznetsov, Backstrom. » Mais sacrément, ils n'ont pas fait les séries. Et puis, si on regarde les grosses transactions que Peter Chiarelli a faites, il a échangé Adam Larson, Griffin... il a échangé Taylor Hall, un choix de première ronde et Jordan Eberle. Ce choix de première ronde est devenu Matthew Barzal. Et en retour, il a eu Adam Larson, Griffin Reinhardt et Ryan Strome. L'affaire qui me ferait là-dedans, c'est que Ryan Strome a à peu près le même nombre de points que Eberle a eu avec les Oilers la saison d'avant. C'est juste qu'après ça, Eberle a frôlé 60 points. Je pense qu'il a fait 59 points l'an passé. Okay. Et puis, c'est juste terrible qu'est-ce qui se passe. L'autre affaire qui est surprenante, c'est que Todd McLennan, l'entraîneur-chef, il n'a pas été congédié, mais ils ont crissé dehors tous ses adjoints, sauf lui. Tu sais, c'est comme, faut que tu recommences le processus d'engagement du monde à qui tu as travaillé. Fait que c'est comme surprenant comme mot, c'était louche. Il y a beaucoup de rumeurs d'échanges avec Milan Lucic. Il y a du monde qui disait peut-être qu'il pourrait aller à Montréal. On ne veut pas de Milan Lucic. Ah non, oubliez ça. Ça a été démenti, les rumeurs. C'est en voie de disparition des joueurs de même. Il est extrêmement lent. Puis 6 millions par année, c'est ben trop. Jesse Puljujärvi, il a 2 ans, repêché 4e au total. C'est un flop, on ne sait pas. Puis, il n'y a pas de défense. Mais on va voir qu'est-ce que Peter Cirelli nous réserve dans sa soupe. Pendant que dans Twitch, on dit que Leroux aurait tweeté qu'il pense que le CH aura un autre draft pick en première ronde entre 20 et 30. Ben, on parlait beaucoup des Leafs de Toronto. Alors, qui est ce mec? Evan Bouchard. Bon, ben Evan Bouchard, c'est un défenseur, des très bons défenseurs de 18 ans. Oui, et il était côté haut dans le top 10, Evan. Il a quand même 87 points en 67 matchs. Donc, c'est une machine offensive. Il a joué pour London dans la OHL. C'est un Canadien. Et, il est comparé 6 pieds 2, 196 livres. Et puis, il est comparé à John Carlson qui vient de gagner la Coupe avec les Capitals de Washington. John Carlson qui est un défenseur de 50-60 points par saison. Fait que chapeau aux Oilers. Ça, ça devrait être un bon choix pour eux autres. C'est un Canadien en plus. Fait qu'il va jouer au Canada avec les Oilers. Écoute, le gars, il doit être content. Il a été repêché puis il va se dire, Chris, je vais jouer avec McDavid. Fait que c'est sûr et certain que pour aujourd'hui, cet enfant-là, il est excité au bout. Là. C'est clair, là. Puis, je me demande ce que Marc Bergevin en penserait. Marc, écoute, je vais dire. Ouais, voilà. Okay. Il fait couper la ligne au téléphone. Ouais, il n'y avait pas moyen de payer l'interurbain pour plus que 2 secondes. Là. Fait que si je regarde mon mock draft GF à date dans le top 10. C'est pour ça que j'ai pas entendu celle-là, je l'avais oublié. Faut bien rappeler au monde qu'on a un soundboard parce qu'on le prend pas beaucoup pour le... Ah, il y a joué avec Victor Mété ici qu'on a comme information complémentaire avec les Knights de London. Ah, ben voilà. Et voilà. Pendant que sa mère ou encore une fois sa soeur ou sa cousine pleure dans les estrades. Dans les joueurs qui sont encore disponibles dans mon top 10 du mock draft, il y a Noah Dobson qui est un défenseur qui est disponible. Ensuite, si je regarde ça, Olivier Wallstrom qui est un ailier droit qui n'a pas été repêché encore. Ça, c'est des joueurs qui sont encore disponibles dans le top 10. As-tu vu le friser à gauche? Calisse. Hein? Des belles bouclettes. le boucle d'or. Ça doit se mettre des élastiques. là, c'est Jeff, c'est les Islanders qui parlent. Hein, c'est émotif. Là. Ah, il y a de l'émotion dans l'air. Tu dois être heureuse pour ton fils et non avoir de la peine. Je me dis que c'est émotionnel. C'est ça. Oh shit, attends, faut jamais mettre ça, la face de Lou ici. Lou, l'amour et Lou. Le vieux calice pour elle. Le gars qui a le nez croche parce qu'il se fouille dans le nez solide entre les périodes. Ah, j'aurais dû le mettre comme image ça, pour ce choix-là, j'ai pas pensé. Ben écoute, dans le fond, si je peux la montrer rapidement, je vais la mettre au téléphone. C'est-tu là? Ouais, c'est là. On va faire ça pour vous autres. Ça, c'est faut que je garde ça pour des mèmes. Ouais, moi, Jeff, on a des folders de mèmes de Lou. Là. La prochaine, vraiment approche peut-être de la caméra, on va peut-être la voir. Là. Si t'es capable de t'élever un peu plus, là. Pendant que Lou qui se fout dans le nez, on le voit bien. Ça, c'était en direct, là, à TV, Calis. Écoute, Sonny 15 ans, le gars, selon du monde naïf, pense qu'il va relancer les Islanders de New York. Mais c'est à voir s'il va être capable de signer aussi rapidement Tavares ou Tavares va aller ailleurs. Ça, c'est il y avait un rapport qui est sorti tantôt au GF, je ne l'ai pas dit, je vais le garder pour tantôt, là. John Tavares va annoncer demain si oui ou non il va aller à une période d'entrevue. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les joueurs autonomes, à peu près, mettons d'ici mercredi, là, ils ont le droit de négocier avec des équipes pour parler de contrat, pour voir c'est quoi les options qui s'offrent à lui d'ici le 1er juillet. C'est juste pour accélérer le processus. Comme ça, le 1er juillet, quand il y a des choses spéciales, mais ça ne brette pas. Ça a commencé avant, fait que les équipes peuvent annoncer tout de suite les signatures. Fait que John Tavares a rencontré des équipes. Combien ils vont en rencontrer? Habituellement, ces gars-là en rencontrent à peu près 5. La question qui tue, est-ce que le Canadien de Montréal va faire partie de ces 5 équipes-là? Il y a les Sharks de San Jose qui commencent dangereusement à faire de la place sur leur masse salariale. Ils ont échangé Michael Booker au sénateur d'Ottawa. Ils vont racheter le contrat de Paul Martin. Alors, ils font de la place. Écoute, ils ont donné un contrat par rapport aussi à Evander Kane. Fait que ça serait curieux à voir, mais je pense que Lou Lamoriello, il a déclaré aussi aujourd'hui que c'est sûr et certain qu'il ne signe pas Tavares puis qu'il l'échange. Fait que c'est soit qu'il laisse partir ou qu'il signe. C'est un ou l'autre. Puis c'est pas parce que Barry Trotz s'est joint aux Islanders de New York qu'il va convaincre Tavares. Rendu là, là écoute, t'es à 4-5 jours là, de l'autonomie complète pour peut-être la seule fois de ta carrière. Ouais, ouais. Va donc voir ce qui s'offre à toi. Viens te faire séduire par le monde à Montréal. Ouais, j'ai peur de voir ça. On est capable, mais écoute, les Islanders, ils savent même pas où ce qu'ils vont jouer dans 2-3 ans. Ils n'ont pas de défenseur, ils n'ont pas de goaler, ils ont une belle relève à la Ouais, mais je suis pas inquiet qu'ils sont capables de le séduire. C'est juste qu'il y a-tu d'autres équipes qui peuvent le séduire plus que le Canadien? Ben, c'est ça. Tu sais, avec les Islanders, où tu penses que tu aurais peut-être une meilleure chance de gagner quelque chose ailleurs. Puis je pense que s'il vient à Montréal, il devient centre numéro 1. Ça va changer la dynamique de l'équipe. Là. D'après moi, là, ça, écoute, avec les jeunes qu'on va avoir tout ça, là, avec Tavares en plus, ça ne peut pas nuire. Ben, Lou a de l'air sénile au bout. Là. Mathieu Gélina qui dit Lou, l'homme, peanut. Oui, effectivement. Ah, Chris, oui. Hein. Ben, le monsieur, un petit dumpty. Bon, pendant qu'on est ici. Tu sais, Lou, là, un moment donné, ce gars-là, je pense qu'il va mourir dans l'aréna. Ah, il va mourir pendant une game. Dans l'avion, aussi. Ou pendant une game. Lou Lamoriello qui quitte les Leafs de Toronto pour suivre. Monsieur Lamar qui dit que t'es cute de penser que Tavares s'en vient à Montréal. Faut bien, j'ai juste ça à faire, avoir de l'espoir, Mathieu. Ouais, on peut juste ça. On peut juste faire ça. On peut juste se raccrocher à ça. On peut pas me l'enlever. Ça puis la boisson, c'est ça d'affaire. Alors que les Islanders repêchent Olivier Wallstrom. Ah ben tu vois, ça c'est le gars qui faisait partie de mon top 10. Un ailier droit de 18 ans, 51 matchs, 78 points quand même là. Un autre qui brûle la ligue ici. Ouais, puis lui jouait dans la ligue universitaire aux États-Unis. Ouais, USA and top. Ce petit garçon-là. Wallstrom, au niveau du style, je dis pas que ça va devenir ça, là, mais au niveau du style de joueur, c'est un ailier explosif. Il est comparé à Alexander Ovechkin. Oh shit, quand même. Ah, puis. C'est pas un petit statement. Je pensais pas que c'était un Américain avec son nom. Je suis surpris que Trump n'était pas sur son cas, puis il l'a pas collé ici dans son pays. Genre, il l'a séparé de ses parents. Ouais, hein. Il l'a remis dans une cage. Oh, pendant qu'on va faire des tricks avec une rondelle. Ah, ça, c'est, on dirait un tournoi, puis oui, ça. Ouais, ben c'est clair que c'est pas. Ah, tu vois, moi, j'ai redonné un coup de bâton, ça aille. Ouais, mais il a quand même passé de ses jambes, puis il l'a levé, puis il l'a fait jongler comme un petit gringalet ici. Là. Respect, pareil. Ben, fais pas ça avec National parce que ça se peut que tu fasses ramasser. C'est un concours d'habileté, clairement. Ah ouais, j'espère pour lui. Mais bravo, Islanders. Écoute, parti comme c'est là, je pense qu'ils vont repêcher leurs deux choix qu'ils avaient back-à-back, le 12e aussi. Le 12e choix qui a été acquis des Flames de Calgary en retour de Travis Hamonic. Travis Hamonic, malheureusement, n'a pas connu une saison incroyable avec les Flames de Calgary. Le gars, il a genre fait 8 points dans son année, lui, avec. Là, c'est terrible. Olivier Wallstrom, Louis-William Gagné nous dit qu'il est comparé à Phil Kessel, pour ceux qui l'ont vu jouer. Ben c'est ça, c'est un défenseur, pas un défenseur, un ailier qui est explosif avec la rondelle. C'est pour ça que j'imagine qu'ils ont parlé de Ovechkin, parce que le gars, là, vraiment, c'est une balle. Fait que tant mieux pour eux autres. L'affaire qui me surprend encore, c'est que les Islanders ont besoin de défenseurs, puis ils vont chercher un autre attaquant, puis il y avait des défenseurs qui étaient disponibles. C'est sûr que c'est pas mauvais. Tu penses-tu que c'est parce qu'ils pensent qu'ils auront plus Tavares avec eux autres? Je pense plus, parce que là, le fait, c'est que vu qu'ils ont deux choix back-à-back, ils peuvent se permettre de prendre un attaquant là, puis après ça, ils vont prendre un défenseur tout de suite après, qui pourrait être probablement... Écoute, si c'est ça, tant mieux pour eux autres. Ça veut dire que leur repêchage a été bien. Là. J'irai avec Noah Dobson, qui est un défenseur qui tire de la droite. Dobson, qui est comparé beaucoup à Thomas Chabot, qui a été repêché par les Sénateurs d'Ottawa il y a quelques années. Alors, on va voir un peu ce que ça va donner là-dessus, mais tu peux repêcher un attaquant puis tu peux repêcher un défenseur back-à-back. C'est merveilleux tout ça. Alors, Lou semble être heureux. Mais GF... Lou est bronzé du coco quand même. Là. OK, dans le fond, c'est quoi? C'est parce que là, ils repêchent tout de suite après. Fait qu'eux autres, il faut qu'ils se rassent puis qu'ils se relèvent après, genre. Ils repêchent deux fois un back-à-back? Ouais, mais c'est ça. Mais là, ils se sont carrément assis à leur place. Mais là, il faut que tu te relèves, là, Chris. Ouais, mais tu sais, Lou, à son âge, il faut quand même qu'il s'asseoir un peu puis qu'il prenne le temps de respirer profondément. Là. C'est moi qui t'en... C'est encore nous autres! Pas les pour rester sur stage, ce type, là, il remonte. Ah, je suis fatigué, vas-y, t'en prends, est-ce que. Ben, il est en train de mourir, Lou, là, en ce moment, mais bon. Gratte-moi dedans. Voilà, alors qu'on voit des. Je vais remettre un peu de gameplay en vidéo pour les gens, mais on voit des séquences. Ça parle de John, savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui. John Tavares. Écoute, tant qu'à faire de parler de John Tavares, je vais me répéter encore une fois, mais la seule raison pourquoi je vois qu'il pourrait être à Montréal, c'est qu'on a l'argent, sa masse salariale. Pour le faire rentrer. Pour topper les autres offres des autres équipes, mettons. Écoute, même le propriétaire Jeff Monson au tournoi de golf l'été passé, il avait déclaré qu'ils regardaient tous les dossiers de joueurs qui étaient sur le marché présentement ou qui allaient en devenir. Ah, mais moi, que John Tavares faisait partie des projets. Un gars de même, surtout si tu as l'intention de se faire un offre énorme au 1er juillet, c'est pas quelque chose qui se décide en une semaine. Là. À voir. Mais le bon Lou, on sait jamais ce qui peut se passer non plus. C'est ça, mais c'est pas parce que lui est là qu'il va convaincre Tavares de rester avec Nylander. C'est sûr, c'est sûr. Tu peux pas dire au gars, hey, je te le dis, là, je te le promets dans 7 ans sur Ben Ali, parce que Lou, ça se peut qu'il soit même plus là dans 2-3 ans. Le gars, il est vieux, là. Il va peut-être prendre sa retraite de la manière parce que le docteur lui a dit, hey, c'est parce que tes jambes sont finies. Là. Regarde, il marche lentement. Et ça dit dans le chat, ça sent le trade vu que ça va se rasseoir. Hein. Je pense pas, là, finalement. Non, il s'est le relevé de bout. Hey, ont-tu du faux gazon, c'ti? Ben, c'est parce qu'ils pratiquaient leur pot pendant les pauses. Ah, hein. Ben voilà. Fait que Louis, il retourne. Il aime ça, c'est chez Babine. Hein? Ça se peut-tu que ces gens-là, à cet âge-là, manquent de salive à l'occasion? Ah, probablement, où les dents sont lousses un peu. Fait qu'il faut que tu passes ta langue pour recoller le dentier. C'est le partiel, des fois, il peut se lousser, puis tu veux pas ça dans la vie. Fait que ça, c'est le choix des Flames de Calgary. On voit Pat Brisson, qui est l'agent de John Tavares. Mais les Flames de Calgary, qui encore là étaient supposés être une puissance dans l'Ouest, n'ont pas fait les séries. Ils ont congédié leur entraîneur et ils ont engagé Bill Peters, qui était l'ancien entraîneur des Hurricanes de la Caroline. Popé Noyau, mon GF, Sean Monahan, Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk, Mark Giordano, défense, Doug E. Hamilton, TJ Brody et Travis Amonic. Ils ont une bonne équipe. Brian Burke, qui aime ça dire des niaiseries aux médias, a quitté son poste de président des directeurs des opérations. Par exemple, Marc Boilard qui est à l'écran. Brad Trevelling. Et c'est Noah Dobson qui a été repêché par les Islanders. C'est ce que j'aurais pensé. Fait que, bon, ben, on peut dire que les Islanders ont eu un très bon repêchage avec leur 11e et 12e choix. Ouais, quand même. Hein? C'est excellent pour eux autres. Écoute, ils ont cherché un joueur de plus, peut-être le meilleur joueur disponible selon eux côté talent en Wallstrom. Puis ils vont chercher le défenseur, le meilleur disponible présentement. Fait que, écoute, chapeau pour eux autres. Écoute, c'est Gartino qui a fait ce move-là, pareil. Fait qu'il faut rendre à César ce qu'il donne à César. C'est ça, la devise? Ouais, ben, il faut rendre à César sa vinaigrette, je pense. Quelque chose comme ça, là. Ah, c'est ça. Fait que, bravo pour eux autres. Puis, encore là, si on peut parler un peu des Flames. Parce que mais je te dirais, moi, Gilles, de toute façon, que c'est pas ma chaise de thé. Fait que. Ah, ben oui. Allez voir la jasette. Et les Flames n'ont pas de choix de première ronde, de deuxième ronde, ni de troisième ronde. Fait que je me dis peut-être qu'ils vont essayer de faire de quoi, là. Mais aussi, ils n'ont pas réglé le problème de gardien de but. Mike Smith, 36 ans, ouais. Fait pas la job. Fait que tant pis pour les Flames. Bravo pour les Islanders. Oui. Et les prochains qui vont être on the clock, GF, ça va être les Stars de Dallas. Y a-t-il une pause avant, tu penses? Ou... Je sais pas comment ça va être. Ça va dépendre si eux autres ils ont besoin de revoir leurs notes. Mais si on peut parler un peu des Stars de Dallas, là, si je recule en arrière, rendu à peu près au 4 juillet, quand Alexander Radulov a signé avec les Stars de Dallas, me semble que j'avais lu que beaucoup de monde pensait que les Stars seraient une puissance dans l'Ouest. Ouais, ouais. Ils n'ont pas fait des séries, malgré le fait que Radulov a quand même connu une bonne saison, mais c'est pas ça qui a changé la donne. Jeff, j'espère que les fans, je vais aller chercher une bière. Veux-tu une bière? Es-tu correct, toi? J'en prendrai un autre parce que sont vides mes canettes. Je vais aller faire un arrêt au puits, puis je reviens avec des bières. Super. Alors, si je peux parler un peu de Radulov, il est avec les Stars. Écoute, il vieillit, mais quand même, il a connu une bonne saison. Mais la chose à retenir, c'est que Valérie Nichushkin, qui est un Russe, quand même, qui est de talent, c'est juste que ça a tardé un peu son développement. Il était dans le KHL, là, il va revenir. J'ai comme l'impression qu'ils vont faire un genre de country club à Dallas. J'ai jasé avec un ami ce matin, puis je trouve que ça avait pas mal de sens ce qu'il me disait. Ilya Kovalchuk, qui sort de la KHL, pourrait peut-être avoir le goût d'aller rejoindre son ami Radulov et peut-être Nichushkin. Fait que tu aurais trois Russes possibles qui pourraient se dans le top 6 avec Jamie Benn et Tyler Seguin. Il y a Patrick Sharp aussi qui est là à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, moi qui ai été changé, là, j'ai un blanc de mémoire. Mais ça pourrait être intéressant de voir un peu ce que les Stars vont faire. C'est une déception pour eux autres dans l'Ouest. Ils n'ont même pas fait les séries l'année passée. Et puis, écoute, le goaler Ben Bishop, c'est un bon gardien de but. On dirait que c'est plus le gardien de but qui était à Tampa Bay. C'est-tu parce que Tampa Bay a un crise de bon club en avant qui fait que Ben Bishop, ça a masqué ses statistiques? Je ne le sais pas. Défensivement, c'est un peu plus difficile. Il y a John Kleber qui est un excellent défenseur offensif. Mais après ça, il ne reste plus grand-chose. Alors, qu'est-ce que les Stars de Dallas vont faire? Ils vont-tu repêcher un défenseur? Possible. Mais rendu là, dans ce rang-là, écoute, si je fais le choix des joueurs qui sont disponibles à leur rang, on parle du 13e au total. C'est dans quelques instants. Mon iPad lag, fait que des fois, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais le plus haut qui était classé pour moi, c'est un autre défenseur qui tire de la gauche, c'est Ty Smith. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais un autre point aussi qui est intéressant de savoir ce qui va se passer. Écoute, c'est la période des rachats de contrats qui a débuté. Jason Spezza, on se demandait est-ce que le gars, on va racheter son contrat ou pas. Écoute, c'est un centre qui est payé à 7,5 millions puis il a juste fait 26 points l'an passé. C'est extrêmement grave. Ils ont dit qu'il allait le garder. Alors, il va peut-être être échangé à date limite, puis ils vont garder une part de son contrat, puis tout ça, mais je pense que ça sent la fin pour Jason Spezza, puis je doute beaucoup qu'il soit échangeable à cause de son salaire. Et puis, ça va être à suivre, mais écoute, ce directeur général-là, j'ai toujours pensé que c'était un gars qui était voué à un avenir quand même assez incroyable, parce qu'il a quand même été chercher Tyler Seguin à son premier été. Mais après ça, quand tu regardes le reste, là, écoute, ça, c'est un gars qui a sauté des étapes. Puis là, finalement, ces Stars de Dallas-là est tombé d'une équipe de puissance dans l'Ouest à une équipe qui fait même pas les séries. Fait que c'est triste de ce côté-là. Alors, je suis curieux de voir ça serait quoi leur prochain show repêchage. Alors que les Stars vont repêcher dans 15 secondes, on va maintenant le mettre en bas dans l'écran en vignette. Comme ça, voilà, pendant qu'on voit Renault pour vous lever le cœur un peu. Ben comme j'avais comme j'expliquais aux fans, Jeff, juste pour te remettre dedans, là, il y a un country club russe qui pourrait peut-être se former à Dallas parce qu'il y a un joueur qui leur appartient, c'est Valérie Nichushkin qui était joué dans KHL, qui là va revenir avec les Stars de Dallas. Ce qui pourrait être possible, c'est que Ilya Kovalchuk se joint aux Stars. Alors, on parle de la filière russe, là, genre, dans le chat. Là. Dans l'Ouest, avec Radulov. Ça, c'est un petit peu inquiétant, parce que Radulov, avec des chums russes... OK, on a vu Ovechkin de Kokadler quand il est sur le party. Là. Ouais, ouais. Radulov, il est de même 24 heures sur 24. Fait que... on va voir ce que ça va donner, mais... Écoute, ça sent pas bon à Dallas, présentement. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. T'as Ken Hitchcock qui a pris sa retraite. Écoute, cette équipe-là, là, semble aller nulle part pour l'heure actuelle. Ouais, effectivement. C'est une saison déterminante pour eux autres. On va voir où ce que ça s'enligne. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup de Mexicains qui s'excitent. Il y a du monde qui sort à la main. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, là. Chris, il a emmené le capitaine Jordy Benn sur le stage. Ben oui, c'est lui qui va aller faire l'annonce officielle du choix. Jordy Benn? Quand même. Eh ben... Ça me surprend. Ah, Chris, c'est Mike Modano. Ah, voilà, pourquoi? Chris, ce gars-là, tu sais, il vieillit bien. Il n'est pas pillé. Tabane. Ah, OK, c'est parce que son temps d'arrêt, c'est à l'heure actuelle. Fait que voilà pourquoi il y a de l'excitation. Ah, c'est ça, voilà. Fallait mettre 1 et 1 égale 2, Jeff. Ben oui, mais Chris, il n'a pas changé beaucoup. Je me rappelle de Mike Modano qui a eu un petit caméo dans le film Les Mighty Ducks 1. Ah, t'as raison. C'est, je m'en rappelais plus, c'est vrai. Ouais, oui. Mike Modano, qui était peut-être à son époque le meilleur joueur américain. Il a gagné la coupe, Mike, avec Bob Gainey en tant que directeur général, avec le bon controversé Mike. de Beretol contre Dominic Hašek. Mais il n'y a même pas des souvenirs douloureux comme ça. Jamie Benn, qui est le frère talentueux de l'autre qui l'est moins. Que l'autre, il a une plus grosse barbe, par contre. Ah ouais. Puis il est roux en plus. Ouais. Alors, on va voir ce qui va se passer. Choix de cinquième tour. Mantois, c'est un choix de cinquième tour. Est-ce que c'est Jordy Benn? Fait que... Comme quoi, voilà. Alors, je suis curieux de voir qui ont essayé de repêcher leur choix. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu Jordy qui va le faire, Jordy, Jamie? En temps normal, je me serais dit que ça serait peut-être plus le DG à le faire ou mettons le. Mais c'est parce que là, ils sont à Dallas. Ils sont en train de faire un show. Là. C'est qu'on dirait qu'ils sont en train de faire un stand-up comedy. Là, puis là, ça se compte des blagues. Là. C'est comme Dave Chappelle puis, l'autre. Là. John Mayer. Ouais, ouais. Tout un spectacle. Oh, alors là, on va annoncer qui est le choix des Stars de Dallas. Hey. Ah, ben ça me surprend que c'est Jamie qui le fait. Ils l'ont fait juste parce que c'est vraiment les fans de Dallas sont là. Probablement. Parce que dans le fond, t'aurais-tu Max Pacioretty. Et Ty Dellandrea. Ty Dellandrea. On va aller voir dans mon mock draft où ski, il était pas. Il est-tu classé ou si tu calais là? En tout cas, il n'est pas dans mon top 15. Non. Il y a le joueur de centre, Joe. Envoyez vos dons que Jeff achète un nouveau iPad qui va plus vite que ça. Ah oui, il faudrait. Hein? Il est même pas dans le top 20, Jeff. C'est bon, quand même. Hein? C'est un choix audacieux. Il s'agit d'un centre AD, donc un centre allié droit. On les aime, ceux-là. Âgé de 17 ans, 67 matchs, 59 points. A joué dans la OHL pour Flynn. Mais surprise, c'est mesdames, messieurs, c'est un gars qui n'est même pas classé dans mon mock draft dans le top 31. C'est un Canadien en plus, comme je dis. 6 pieds, 184 livres, donc. Eh bien, mais c'est pas... c'est un choix surprise, comme ils disent. Ouais, des fois, t'en as comme ça que tu t'attends pas qu'ils sortent. Pis... Sûrement que lui, justement, il est peut-être même en jogging. Puis s'est dit, Chris, si je repêchais tabarnak, fait qu'il a dû changer rapidement. On voit qu'il porte des souliers de bowling à l'heure actuelle. Ah, mais il venait de se faire un dip-in juste avant ça. Ah. Même que je pense que, tu sais, juste pour venir un peu à Lou Lamoriello, je pense qu'il a passé des tests physiques pour savoir si du monde avait de la difficulté à se faire pousser à la barbe, parce que ça fait partie d'un critère important avec les ananeuses maintenant. Tu n'as plus le droit de te faire pousser des cheveux dans la bouche. Des cheveux dans la bouche. Ouais. J'espère, Carly. c'est pas agréable quand tu manges une soupe. Non. Ah, les Stars de Dallas. Mais, quelle belle équipe. Les prochains, on va avoir la chance de voir Ron Extall, mon GF, qui va aller parler à 14e position. 14e, c'est pas ça. Va-tu slasher du monde avec des coups de bâton dans les jarrets? Je sais pas, il a l'air calme. Il porte des lunettes. Master, le bon Ron. Oh, mais tu sais, il est vieux aussi, là. Ouais, il est pas jeune. Mais c'est ça, le choix que les Flyers qui vont avoir présentement. Tu sais, tantôt, je parlais du seul deal qu'il y a eu l'année passée. Mais ça, c'est le choix de première ronde qu'ont eu des Blues de Saint-Louis en Brendan Chen. Puis malheureusement, les Blues n'ont pas connu une très bonne saison, n'ont pas fait des séries. Fait que ça fait mal quand ton choix que tu perds, c'est ton 14e au total, là. Puis Brendan Chen, il a eu une bonne saison avec les Blues. C'est un jeune joueur de centre. Mais est-ce que le joueur qu'ils vont repêcher aujourd'hui va devenir meilleur que Brendan Chen? Ça reste à voir. Mais écoute, les Flyers de le Philadelphie, là, ça s'en va dans le bon sens. Ils ont repêché deuxième l'an passé. Nolan Patrick, il est déjà avec le team, deuxième centre assuré. Sean Couturier, qui a été repêché en... Tu sais, des fois, quand je te dis, il faut être patient, là. Un choix repêché en 2011, l'éclosion l'année passée. Ouais. 31 buts, 45 passes, 76 points en 82 games. 9 points en série en première ronde contre les Penguins de Pittsburgh. Chris, il y a une game, je pense qu'il a fait 4 points, le jeune Sean Couturier. Fait que des fois, il faut donner la chance aux coureurs. Puis des joueurs, ça prend plus de temps pour se développer. Puis à un moment donné, mais whoop, ils deviennent des joueurs qu'on espérait. Et puis, encore une fois, on se le répète souvent. Même, tu sais, je vois pas pourquoi qu'on échangerait Carey Price, mais encore une fois, les Flyers n'ont pas de gardien de but. Ils ont payé le prix pour chercher Brian Elliott, ça n'a rien donné. Newvert et Peter Mazmarek, ils ont rien collé en tout. Puis il y a Carter Hart qui est un prospect devant le filet. Est-ce qu'il va faire le team cette année? Je ne sais pas. Mais un gros point d'interrogation, puis je pense que c'est surtout ça qui leur a fait mal en première ronde contre les Penguins de Pittsburgh. Ouais. Fait que là, encore les deux mêmes, ces gros spotlights. Pourquoi tu parles à eux autres quand tu aurais pu parler aux jeunes? Parce que dans le fond, d'après moi, c'est parce que toutes les autres chaînes de sport plus mais crédibles. Mais bon, à date, c'est un repêchage, somme toute, très ennuyant parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de comme breaking news de la part de Bettman. C'est tranquille, mais ça pourrait se corser peut-être, Jeff, je t'ai dit, passer le 15e choix. Mais là, on arrive dans le tournant, on est presque à moitié. Là. C'est bon, on va mourir en direct, nous autres. Là. Ça finit plus, ce mot du repêchage-là. Il est rendu quelle heure? Il est rendu 9h. Il est rendu 9h05. Ça fait 2h qu'on est live, nous autres. C'est pour ça que la gorge sèche un peu. Aussi. Bois de l'eau, bois de la bière, let's go. On est dans 1 minute 25. Les Flyers vont faire leur choix de repêchage. Whew! C'est un marathon de podcasting, mon Jeff. On n'arrête pas. N'oublie pas qu'on a fait aussi 1h30, 2h de podcast avant de faire celui-là. On a fait 2 jours avant, là. Tu sais, l'été, c'est tranquille. On n'en fait pas beaucoup, puis on est en déménagement, mais on essaie de toutes les faire d'une shot. Fait qu'on se donne, tu sais... Une journée, après-midi, soirée, là, comme let's go, on podcast, puis on fait votre contenu, puis après ça, on meurt au bout de notre sang. Hey, trouves-tu que Ron Extall a des longs doigts? Quand même, hein. On va le mettre à l'écran ici, un petit. Écoute, j'ai une anecdote à conter sur Ron Extall. Ça, c'était en série de la Coupe Stanley canadien nordique en 93. Ron Extall, dans le fond, là, il aimait ça. T'sais, il n'arrêtait pas de genre se réchauffer en plein centre de la patinoire, puis des fois, il piétinait dans la zone des Canadiens de Montréal. Puis les gars, ça l'écœurait. Puis Mario Robert jouait pour le club dans ce temps-là. Puis il a quasiment pas joué des séries. Mais à un moment donné, il a dit à Jacques Demers, il dit, Jacques, habille-moi. Juste pour le réchauffement. Habille-moi, c'est-tu. Oh oui! Oh oui, oui, allez! Puis c'est même Vincent Danfous qui l'aurait primé. Ah ouais? Fait que il l'a habillé. Puis Mario Robert s'est parqué direct au centre dans le cercle des mises au jeu. Fait que Ron Extall était comme déstabilisé. Puis on sentait que Ron Extall, c'est un gars qui est genre, il est soupe au lit. Ah ouais. Il a comme pause à l'écœurer, puis quand il se réchauffait, il était proche, ben Mario Robert, j'étais là, puis écoute, il a dû se dire des bêtises comme jamais. C'est clair. Et puis comme de fait, mais les Nordiques n'ont plus jamais gagné une game de cette série-là. Je sais pas si c'était un point tournant, là, mais chapeau à Mario Robert et puis Ron Extall, il a joué pour les Nordiques. Qui repêche Joel Farabee. Farabi, who donc, the fuck is that? Âgé de 18 ans, 51 matchs, 60 points. A joué pour l'équipe USA and Top de la USHL l'année passée. Donc, c'est un Américain, un ailier gauche de 6 pieds et 162 livres. Tu vois, il était classé 13e dans mon mock draft. Et puis, c'est encore... Ah, OK, c'est un gars qui est extrêmement maigre. 6 pieds, 162 livres. Fait que faudrait qu'il mange un petit peu plus. Je pourrais lui suggérer peut-être un régime alimentaire qui pourrait l'aider. Mais on parle quand même un joueur de talent. Excusez-moi, j'ai comme des rapports. Ah, mais c'est la boisson. Non, mais c'est la boisson de JF. Tant que tu ne rôtes pas dedans le micro, c'est plaisant pour les oreilles quand même. Mais même moi, ce que je trouve drôle dans le mock draft, c'est qu'au niveau de la description, ils me disent même s'il est encore maigrichon, c'est un jeu dans l'Ouest. Là, maintenant, c'est extrêmement maigre. La dernière chose que tu veux, c'est de te faire plaquer puis te casser en deux. Là. Ah, c'est clair qu'il va se faire défoncer, lui-là. Là. En plus de se faire plaquer. Écoute. Ouais. Puis c'est un allié gauche. Fait que, c'est un projet. Hein? C'est pas prêt de suite. Mais surtout que... Ah non, excuse-moi, c'est dans ma tête, c'est comme si... Ah, ça s'en va pas dans... Ouais, ben non, ça va avec les Flyers. Les Flyers, les Flyers pratiquent un jeu physique. Ben, moins qu'avant, là, mais... Ouais. Hey, les casquettes en ce moment qu'on voit, là, c'est-tu le nouveau style avec des trous en avant? C'est quoi, c'est? Ben, ça dépend des équipes, mais c'est comme celle-là, on dirait une casquette à filet, genre. Je pense pas que c'est une casquette style trucker. Non. Non, ou une casquette genre Beach Club, là, alors qu'on va vous enlever les annonces de peinture que vous voulez pas voir, parce que non, on vous charge pas pour la soirée du podcast, donc vous aurez pas besoin de payer pour vous taper des annonces. Non. Les prochains à parler, écoute, il y avait des rumeurs justement qui entouraient Max Pacioretty, c'est les Panthers de la Floride qui parlent. On va voir, comme je disais tantôt, Mike Hoffman a été échangé aux Panthers, ça me surprendrait bien gros qu'il y ait encore de l'intérêt pour Max, mais sait-on jamais. Ils ont une bête fête de saison, une belle lancée, puis à un moment donné, pouf, c'est quand il n'y a plus d'autres perdre des games, puis ils en ont perdu, puis ça s'est terminé. Sauf qu'ils ont un très bon noyau avec des jeunes en Jonathan Huberdeau, Trocheck, Barkov, qui justement, le jeune qu'on a repêché, Kokainiemi, comparé beaucoup à Alexander Barkov, c'est un. Écoute, c'est des machines à faire des points, ces gars-là, c'est des playmakers, c'est vraiment des joueurs de talent. Fait que, écoute, je suis content de Kokainiemi. Il y a Dan Donov aussi qui complète très bien le noyau avec les Panthers. Puis naturellement, il y a Aaron Ekblad. Keith Yandel, qui est un défenseur offensif, peut-être pas excellent défensivement, mais qui fait la job, qui est quand même là pendant le top 2. Et puis Mathias Mettinson, qui est un Montréalais anglophone qui joue en Floride. Fait que l'équipe n'est pas loin. Écoute, ils ont quand même donné Marchessault et Riley Smith à Vegas. Puis ces gars-là ont fait mal paraître le club parce que Jonathan Marchessault a quand même connu une bonne saison puis il a quand même bien fait en série jusqu'à temps qu'il se rend en finale de la Coupe. Et Riley Smith, c'est un gars qui a scoré quand même, je pense, 25 buts à peu près avec Vegas. C'est-tu des gars qui auraient aidé l'équipe à faire les séries cette année? Je ne sais pas. Mais le gros point d'interrogation avec les Panthers, c'est Roberto Luongo. Hey, Jeff, Roberto, 39 ans. Lui, c'est un Cougar. C'est un Cougar, ouais. Fait qu'on revoit encore la séquence de le jeune Kokainiemi. Pendant qu'on a Mathieu Lamarre sur Facebook, il dit qu'il est allé voir les commentaires sur le jeune Kokainiemi, puis il dit que ça fait pitié sur Facebook. Le monde, ça chiale déjà sur le kid. C'est comme sacrement, là. Ben, c'est pour ça que je me tiens loin des réseaux sociaux d'un côté. Parce mais d'ailleurs, le monde sont imbéciles, puis il dit comme, comment tu peux juger d'un gars que clairement t'as jamais vu jouer, puis t'as pas vu ses stats, puis le monde chiale que ça nous prend des centres numéro 1. On repêche un centre comme qui est classé super haut, puis ça chiale encore. C'est un numéro 1 à devenir. C'est ça, donc arrêtez de chialer. Mais anyway, arrêtez de lire les réseaux sociaux. C'est à Montréal, le monde ne sera jamais content. Puis, c'est parce que tu as tellement de monde à Montréal qui tripe sur le hockey que tu en as pour tous les goûts, puis tu as du monde qui vont chialer, peu importe ce qui va se passer. Fait. T'sais, on va commencer peut-être à refaire le draft. Selon, mettons, dans 5 ans, là, ils vont redire, OK, ben ça, c'est revoici le draft selon la performance des joueurs jusqu'à maintenant. Puis on va voir si Kotkaniemi, dans le fond, va s'avérer être un bon choix. Écoute, si ça devient un flop à Montréal, en voulant dire que c'est un gars, genre un Louis Leblanc ou whatever, ce qui me surprendrait, là. Mais ça va être juste le temps d'aller chez Rona pour s'acheter une corde. Là. Il y a des rumeurs sur Twitch qui disent que Bergeron aurait dit à Friedman qu'il voudrait faire un package de ces deux choix de deuxième ronde pour avoir un choix en fin de première ronde. Ben, la rumeur, c'était à Toronto pour aller chercher le 25e choix au total, si ma mémoire est bonne. Puis tout va dépendre de comment ça va se passer parce que le gars que je vois dans ma soupe présentement qui est québécois, c'est Nicolas Beaudin. Ouais. Nicolas Beaudin qui pourrait devenir un défenseur gaucher dans un avenir proche, pas tout de suite. Puis... Yannick Lambron qui dit qu'on est sur Facebook en ce moment puis de ne pas écouter les commentaires. Effectivement, mais là, vous écoutez la soirée du podcast. Donc, c'est un podcast sur Facebook. C'est différent d'un commentaire sur Facebook. On considère que vous êtes des auditeurs intelligents, vous autres. Là, donc, ouais, vous êtes instruits. C'est pour ça qu'on vous aime. Et vous discutez de bonne façon pendant qu'on voit Dale Talon. Il y a Mark Jazzard dans notre chat qui demande ce qu'on pense de Nash à Montréal. Non, merci. Rick Nash, Mark, Rick Nash, selon moi, c'est un gars, c'est plus le même gars que c'était avant. Je sais même pas s'il va signer un gros contrat cette année. D'après moi, c'est un contrat d'un an pour s'essayer, mais on n'a pas besoin d'avoir un gars comme Rick Nash. On a besoin d'avoir des jeunes joueurs, un bon jeune noyau, puis repartir à neuf. Pas de vétérans qui sont sur le bord du rouleau. Qui va repêcher Dale Talon? Repêche Grigorio, Denisenko. Chris, il n'est même pas dans mon top 30. Un ailier gauche de 17 ans, 31 matchs, 22 points, a joué pour... le Yaroslav de la AMHL. Je pensais que dire un nom de joueur. Le Yaroslav Halak. Ben ça, j'allais dire, mais non, c'est vraiment le nom de l'équipe. Le Yaroslav. Grigorio Denisenko. Un ailier gauche. 5 pieds 11, 172. Jeff, je dois admettre que je trouve que tu prononces bien les noms. Je fais au possible. J'essaie d'être Pierre-Aude quand même. Tu sais, si je peux apporter une mince contribution à l'épisode de ce soir, c'est vraiment de prononcer les noms là, parce que... Ah, ben tu vois, Denisenko était 24e dans mon truc ici, qui disait. Un gars qui a un talent offensif inné. Bon. Fait que ça va être à suivre avec le Wild. Également, une chemise bleue en satin. Ouais. Ah, ben tu vois, bleu, ça a l'air, c'est bien à la mode, le bleu poudre cette année. Là, mais... Ouais, ben c'est ça. Là, c'est ça. Écoute, les Panthers... Ah, il a même serré la main aux jeunes quand même, il faut le faire. Ah, ben c'est de la classe. C'est, parce de la classe. C'est parce que c'est son collègue de classe, c'est pour ça. Ben, en tout cas, c'est pas le genre de nom que tu retiens dessus demain matin. Là. Mais écoute, ils regorgent de talent présentement à l'avant, les Panthers à Floride. On va voir ce que ça va donner. Ça n'a pas besoin d'être prêt tout de suite, ça, là. Ah, c'est un russe! Ah, j'ai pas remarqué, c'était de. Quand c'est blanc, bleu et rouge, là, c'est-tu russe, ça? C'est pas marqué dans ton dossier? Ta casquette est peut-être trop grande, petit bonhomme. Elle est pas attachée, elle s'est défaite en arrière, clairement. Hey, puis le pire, c'est que ça, c'est sa photo qu'il va garder toute sa vie, là. Tu veux bien paraître ta photo que tu as crissé dans ton mur de chambre. On dit qu'il fait bien en Floride parce qu'il a déjà le teint bronzé, donc voilà. C'est vrai qu'il a de sortir de chez lui. On voit qu'il jouait dans Slumdog Millionaire. Richard Parker. Ah. Hey, ça fait 25 ans déjà, les Panthers. Okay, je me souviens encore, dans le temps que c'était sorti, on trippait beaucoup sur le chandail puis on trippait beaucoup sur le masque de John Van Beesbrook. Qui d'ailleurs, Jeff, on discutait qu'on jouait à NHL souvent sur NHL le PC. NHL 97, le premier jeu sur PC, je pense qu'on a joué à NHL avec une vraie manette qui était très plaisant. On pouvait faire des échanges, tabarnak. Ça, c'était, je pense même que c'était une des premières fois où on pouvait faire des transactions dans un jeu d'NHL. Probablement, oui. Ah, Yannick Lambron qui dit que je serais le Pierrot de la podosphère, podcastphère québécoise, podosphère québécoise, comme tu veux appeler ça. La pédosphère québécoise. Alors, ça, c'est si on était à Ottawa, malheureusement. Alors, c'est ça. Ou heureusement, je sais pas comment le dire. Là, mais... Les prochains à parler, c'est l'Avalanche du Colorado. Écoute, la coïncidence, c'est que depuis que Matt Duchesne a quitté... Là, ils sont bons. Ils sont devenus quasiment des meilleurs clubs. Puis l'autre team où ils est allé, ils sont devenus pas très bons. Ouais, les Sénateurs d'Ottawa. Voilà, je ne l'ai pas nommé. Mais Nathan McKinnon, qui a été nominé pour le trophée Hart, 39 buts, 50 passes, 97 games en 74 matchs. Le gars aurait tapé le sang s'il n'aurait pas été blessé légèrement. Là. Légèrement blessé. Ouais. Puis l'année prochaine, il pourrait avoir un choix dans le top 3 si les Sens connaissent une saison de merde encore la saison prochaine. Et puis, il y a Ratanen, Joss, Kerfoot. Il manque juste un petit peu de profondeur à la défensive. Et puis là, c'est ça, on a vu qu'on fait une transaction. Tantôt, on était chercher Bruce Orpik. Et puis l'autre, Grab Brewer, qui... Ce qui me surprend, parce que dans le fond, ça peut-tu dire qu'avec Joe Bernier, c'est terminé? Qu'est-ce qui se passe avec Varlamov? Y a-tu encore battu sa femme? Joe Sakic semble vouloir se poser la question. On le voit, ouais. Sacré Joe, hein? Il est pareil, tabarnak. Ben, ça, c'est un assis de joueur, ça. Ah ouais, ça, c'est un méchant joueur. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? On t'a éliminé. Bon, on se gratte le cou quand même parce que nervosité puis le nerf sciatique. Il y a beaucoup qui de monde jusque-là. Il y a beaucoup de monde. Même moi, je me disais, Chris, Joe, c'est un imbécile. Ce gars-là devrait se faire échanger. Il a été patient avec Matt Duchesne. Il a été chercher le maximum. C'était Noël pour eux autres. Puis le pire, c'est qu'ils n'ont même pas fini de récolter les fruits de cet échange-là à cause du choix de première ronde qu'on aura l'année prochaine. Fait que chapeau à l'Avalanche. Joe est en train de transformer l'équipe. Qui était une risée de la Ligue nationale, qui faisait plusieurs fois qu'il terminait l'année dernière, puis là, whoop, ça change. Écoute, même que Roy, qui était engagé par les Remparts de Québec pour redevenir DG et entraîneur, ils ont posé la question pour lui dire « C'est de quoi tu étais le plus fier quand tu étais à Colorado? » Puis il dit « Nathan MacKinnon, je sais que c'est moi. » Fait que selon Roy, c'est grâce à lui que Colorado a repêché Nathan MacKinnon. Bon, ben c'est bon pour Patrick. Ouais. Ouais, ouais. Ben, je sais, Patrick, on s'entend qu'il était coach en ce temps-là, puis Nathan MacKinnon, il l'avait dans la face quand même plus souvent qu'à son tour. Fait que ça peut être possible. Alors, remercions Patrick pour avoir aidé l'Avalanche à repêcher leur meilleur joueur de la franchise qui, dans le fond, prend la place de son DG qui était Joe Sakic. On demande si Sakic est sur le keto, la diète keto, parce qu'il a l'air maigre un peu, donc on sait pas trop. Là. Ben, il a pas toujours été maigrichon, Joe Sakic. Ben, il était quand même assez slim. Là. C'était jamais un gros... Il a des poches en dessous des yeux, par exemple. Mais ça, c'est la vieillesse. Trouves pas qu'il y a un air de Jean Smith? Un peu, oui. De Red Skull sans son make-up. Là. On dirait qu'il sait qu'on le regarde. C'est Red Skull avec un nez, en fait. Je suis gêné. Hey, j'aime pas ça, les gars. La caméra est sur moi. Faut faire, ah ouais, lève-toi, il faut y aller là tout de suite. Levez-vous, les gars. C'est vous autres qui font le pic. Je sais pas pourquoi c'est long. Son temps de pas. Ah, il y a qui est au téléphone? C'est qui, ça? Va-t-il y avoir un trade? Ah, ça, c'est le tableau des Caps de Washington qui ont le 31e choix au total. Est-ce qu'ils veulent avancer? Est-ce qu'ils veulent donner leur choix? Parce que là, le compteur est à zéro puis il n'y a personne qui s'est avancé. Oh! Sergei Seron Noël, repêché par... Je pense que c'est plus le fait qu'ils présentent des joueurs qui sont bons, qui n'ont pas été repêchés encore. Ah. Parce que là, il ne se passe rien parce que c'était le temps de l'Avalanche, je pense, d'y aller, là. C'est ça, mais là, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui est bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire de quoi. Le Joe est en tabarnak. Joe, il est mal à l'aise. Ma montre vient de sonner. Non, c'est pas une nouvelle qui se passe présentement. Brody Wild, en passant, qui est un défenseur droitier, qui pourrait être une surprise aussi dans ce repêchage. Je ne sais pas s'il se passerait pas de quoi sur Twitter pendant ce temps-là. Non. Il se passe rien de spécial en ce moment. Hey! Ça, écoute, il va-tu se passer? C'est-tu encore une journée où il n'y aura pas de transaction dans la Ligue nationale? Tout est stallé, par exemple, avec Ilya Kovalchuk. Probablement aussi. Kovalchuk et Tavares, je pense qu'ils stallent le marché. Ça stalle le marché, présent, savoir qu'est-ce qui va se passer. Là. La seule affaire qui pourrait bouger, c'est juste uniquement pour avoir un choix de première ronde aujourd'hui. Les Canadiens n'ont rien fait encore, mais est-ce qu'ils vont bouger encore? Ça peut être possible. Bon, toujours pas de trade, là, alors que là, on voit que l'équipe d'Avalanche se dirige avec Joe Sakic. Avec fierté. Chris, le gars, il porte des running, est-ce qu'il? Il a mal aux pieds. L'entraîneur est là. Il n'aurait pas pu donner un chandail de taille à l'enfant qui se promène? Non, c'est fait comme ça. C'est là, comme... ils l'ont pogné sur Kijiji. Ouais. Alors que Joe Sakic, main sur le palier. Il y a un gars en arrière qui a l'air pogné, hein? Ouais, je pense qu'ils ont pris son saut de 2 points trop petit. Alors, Joe qui est... Alors, vice-président et DG de l'Avalanche. On voit souvent ça, hein, que les DG sont vice-présidents aussi. Là. Ça contrôle tout. Ouais, ça va avoir le power. Ah, avec les couleurs de l'Avalanche. Y a-tu déjà donné son choix? T'as pas remercié les Caps? Martin Coot. Martin Coot. Martin Coot. Joueur de 18 c'est ans. C'est un tchèque. Il jouait au pays de Pubis. Parapubis. Pardubis. Martin. Elle est droit, 6 pieds 2. Clout. Je vais aller voir. 176 livres. Et puis, 16 points en 36 matchs. Je vais aller voir si le gars il était dans mon top 10. 38 matchs, en fait, non. Pas dans mon top 10, mais dans mon mock draft. Le voilà, il était classé 20e. Il a monté un peu plus tôt. Et puis... Il descend en enlevant de façon gracieuse sa chemise. Ouais. Ou en fait son veston plutôt, pas sa chemise, s'il vous plaît. On vous rappelle que les sénateurs sont quand même dans l'aréna, donc on se met pas en chest. Ils disent que c'est le joueur qui a eu peut-être la plus belle progression à ce repêchage-là. Mettons, il n'était pas classé haut il y a un an, puis il a montré très vite. Les championnats mondiaux ont montré un autre niveau à ce joueur-là. Fait que seul l'avenir nous le dira si l'Avalanche a repêché encore une fois un bon joueur pour se joindre à leur noyau d'attaquants. À voir. Ça va être à suivre. Les prochains à parler, GF, c'est les Devils du New Jersey. Qu'est-ce qui se passe de bon avec les Devils de ce temps-ci, GF? Écoute, une autre belle progression. Ils ont fait des séries malgré le fait qu'ils ont eu le premier show total au repêchage l'an passé. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les pires, là. Ils étaient dans les pourris. Ouais. Et puis, écoute, Nico Hischier, qui est devenu déjà centre numéro 1, joue avec Taylor Hall, Pavel Zacha. À défense, Sami Vatanen, William Butcher et Damon Severson. Tous des gars jeunes là, en bas de 23 ans. Là. Mais écoute, Taylor Hall, qui a gagné le trophée Hart GF cette année. Écoute, les Oilers, la rumeur, c'était que Taylor Hall avait des problèmes de comportement. OK. Se fait échanger, puis redevient le joueur qui était supposé d'être. Un gars de 80 points quand même, là, quand même Taylor là. Hall. Là. C'est triste pour les Oilers, pareil, parce que je pense que Connor McDavid aurait aimé avoir un gars comme Taylor Hall probablement, dans ouais. son trio. Puis là, finalement, il se retrouve avec Milan Lucic. qui reviendra probablement pas cette année non plus. Ça va être assez, mais écoute, un gars qui reste quoi, peut-être 4-5 ans, 6 millions par année sur son contrat, ça ne se change pas de même. Là. Faut que tu donnes aussi pour donner un gars de même. Ouais, c'est clair, c'est quand même un gros contrat à traîner. Là. Ouais, ouais, ouais. On ne veut pas l'avoir, nous autres, à Montréal. C'est peut-être un gars qui va peut-être se faire racheter son contrat éventuellement, mais je sens que les Oilers n'auront pas le choix de donner de la chance, une dernière chance à ce gars-là. Puis il n'y a pas d'information qui disait que Milan Lucic, s'il se fait échanger, il ne veut pas retourner au Canada? Ouais, ben c'est des rumeurs, ça, je sais pas. C'est Milan. Tantôt, Zadina aurait dit en entrevue qu'il allait faire payer le prix aux Habs et aux Sénateurs de ne pas l'avoir repêché. Il est quand même cocky, le kid, là. Ben, écoute, oui, parce que même en entrevue, il montrait, il se disait qu'il était meilleur que Chamnikov. OK. Écoute, tu viens donc nous faire payer le prix si tu veux. Ouais. À suivre. C'est à toi d'être capable de le faire des pots là, parce que ouais. T'es invité à la soirée du podcast. Ouais. C'est plaqué, genre. Ben, il y a, gars du... de Lando. Mais là, quand tu fais des déclarations de même, il faut que tu livres la marchandise aussi pareil là, après ça. Parce que c'est sûr et certain qu'il va y avoir des gars comme Jérémy Filosa qui va avoir tapé la cassette puis qui va sûrement leur crisser ses réseaux sociaux quand il va se faire ramasser par les... Ben, peut-être pas par les scènes, mais plus par nous autres. Mais tu sais, Gilles demande si on va sortir le Jameson. Non, il faut quand même que je conduise puis je retourne chez nous, moi, là. On a une vie à vivre. Ouais, on reste sur la bière. C'est pas Noël. Hey, c'est pas Noël à tous les jours, JF. Non, non, non, pas tout de suite. Peut-être quand Tavares va signer, ça va être Noël, mais. Ouais, sinon, pour le moment, non. Au studio avec mon bar, peut-être qu'on pourrait se faire quelque chose, là, mais pas pour l'instant. Là, on est responsable et on vous livre du contenu. Ouais, on pourrait peut-être commencer à boire notre peine. Oh, Renaud a l'air. Renaud est tout le temps en quête. Oh, alors qu'on filme Marc Bergevin, je vais le remettre. Oh, et on peut voir Trevor Timmons, présentement, je pense qu'il dort. Ben, où ça, où il texte. Hey, Chris, l'autre gars à côté aussi, il dort. Tout le monde texte, je pense. Ok, il texte. Où il joue à Candy Crush, là. Je pensais qu'il dormait. Non, non, non. Alors, bon, ben, je pensais qu'il allait se passer de quoi, finalement. Non, c'est... Oh, maintenant, Marc est sur son cellulaire. L'affaire que je me demande, c'est que, mettons, là, qu'il négocie de quoi avec un DG, là, penses-tu qu'ils sont sur le téléphone ou ça se passe leur temps à faire des textos? Ça doit être sur texto beaucoup, d'après moi, là. Non. Tu sais, genre, ça répond par oui ou par non. Téléphone, probablement, plus quand c'est officiel. Je serais curieux de savoir c'est quoi la marque de téléphone à Marc. Le gars que tu vois qui est pâle, qui ressemble à un fantôme, là, ouais. C'est le gars qui a bâti les Penguins de Pittsburgh. Je ne sais plus son nom. Là. Mais écoute, le gars qui marche en arrière avec l'espèce de veston carotté. Là. Oui. C'est un ancien joueur, ça. Et je pense que Gretzky veut revoir son look. Il y a des bas rouges, en tout cas. On va voir ce que les Devils vont repêcher. Écoute, dans ce temps-là, tu repêches le meilleur joueur disponible au repêchage. Puis il y a Ty Smith qui n'a pas été repêché encore, qui est quand même classé 12e dans mon mock draft. Barrett Hayton, a-t-il été repêché? Je sais pas. Ty Smith, un défenseur qui tire de la gauche. Bon, il y a du monde qui dit dans le chat que probablement qu'il n'y aura rien d'échange avec le CH, parce que le CH le fait tout le temps quand on s'en attend pas. Donc, ce ne sera pas ce soir. J'ai hâte de voir. Il reste encore quelques positions avant la fin du premier round. Si il ne transige pas, c'est parce que les joueurs qu'il convoie n'ont pas été repêchés. Fait que ça ne donne rien d'essayer de faire un changement pour essayer de s'améliorer son rang. Ça, c'est juste si tu as un doute puis tu penses qu'ils vont repêcher le joueur que tu vas avoir, tu vas essayer de shifter un club puis bouger en avant. Alors que les Ty Smith. Les Devils repêchent Ty Smith, un défenseur âgé de 18 ans qui a 73 points en 69 games. A joué pour Spokane. C'est un Canadien aussi. On dit que c'est un défenseur très bon pour un très bon passeur. Donc, on va voir. Okay, c'est quand même 73 points, est-ce-t-il, pour un def. Alors, les Devils qui repêchent le meilleur joueur disponible, c'était bien Ty Smith. Et puis après ça, je pense que. Il y a Joe Veleno, par contre, qui était classé haut, qui est un... Ouais, on le voit sortir dans les questions c'était... souvent sur nos médias sociaux en ce moment. Mais Veleno était un joueur prodige. Lui a commencé de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec avant tout le monde. Genre, c'est comme s'il avait sauté une année. Il avait toujours eu cette pression-là. Il y a eu une régression au niveau de son développement. Mais quand il a été changé, ça l'a relancé un peu. Puis, sais-tu qui l'a coaché la saison passée? Dominique Ducharme. Ah ouais? Ouais. Fait que, est-ce que les Canadiens vont vouloir aller chercher un autre centre en Joe Veleno? Peut-être. Écoute, on n'a pas assez de centre à Montréal. Fait que ça pourrait être intéressant pour nous. Tu vois, regarde, le défenseur Ty Smith, on le compare à Duncan Keith. À voir ça aussi, mais bon... C'est comme un style de défenseur, dans le fond, tu sais, ça bouge bien la rondelle, c'est un corps arrière. Fait que chapeau pour les Devils, puis je leur souhaite de continuer leur progression. Puis, tu sais, on même un bon gardien de but, ils ont Corey Schneider, fait que ça s'en vient pour eux autres. Là. Tranquillement, pas vite, ils vont pouvoir redevenir compétitifs parce qu'ils sont quand même dans la même division que les Caps de Washington et puis les Penguins de Pittsburgh. Columbus aussi, il ne faut pas nier que c'est un bon club. Fait que ils font leur job. Ils font leur job. Puis le gars, il a l'air d'un gars à gauche. Là. Ouais, il était louche. Hein? Il me fait penser à un genre un Soulon qui jouait dans The Wedding Singer. Alors, on va voir. On est rendu à quelle position, mon GF, maintenant? 18e, puis justement, sacrément, en parlant des... ça finit plus. C'est donc bien long. C'est les Blue Jackets de Columbus. Et moi, j'ai les yeux qui brûlent. Moi aussi, j'ai comme plus de salive. Ça finit plus. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Dan Sweeney confirme qu'il fera un offre à l'attaquant Ilya Kovalchuk. Tant mieux, esti. Alors, les Blue Jackets, grosse déception dans l'Est. C'est une équipe qui se fait sortir en première ronde. Alors, tu sais, on chiale beaucoup que on va jamais loin. Mais tu sais, il y a des gros clubs qui se font sortir en première ronde. C'est jamais évident. C'est triste. Ouais, ouais. Ils ont donné un marqueur de 40 buts en William Carlson à Vegas au repêchage. C'était leur meilleur buteur. Et puis, ils ont été chercher quand même Panarin contre Brendan Saad. Panarin, comme je disais tantôt, malheureusement, veut pas négocier dessus son contrat. Fait que les Blue Jackets se sentent dans l'obligation d'étudier le marché puis voir s'il y a une équipe qui serait preneur pour prendre Panarin. Et puis, Pierre-Luc Dubois, qui est un choix de troisième ronde, qui devait sortir plus loin, genre septième à peu près en 2012. Pas 2012, excuse-moi, 2016. Les Blue Jackets sont faits un peu comme le Canadien de Montréal, puis ils l'ont repêché troisième. Et puis, cette année, il est devenu centre numéro un sous John Tortorella. Il joue quand même avec Panarin. Et puis, l'autre allié, son nom m'échappe, mais quand même, félicitations à Pierre-Luc. Alors, on va voir ce que les Blue Jackets vont faire. Je sais qu'il y a bien du monde qui sont bannés sur leur DG là, finlandais. Là, c'est comme le seul DG européen qui existe dans la Ligue nationale. Qui existe. On dit toujours qu'il y a du flair, mais il fait souvent des... Écoute, il y a des affaires... Il a échappé à la balle une couple de fois. Là, ah ouais? T'sais? Oh, ouais. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Puis pauvre gars, je pense pas que ça soit aussi excitant que ça pour jouer comme Columbus, à Columbus, malgré le fait que l'équipe a un, quand même un bon noyau. Écoute, ils ont d'excellents défenseurs, là. Zach Werenski, Seth Jones. Ils ont les outils pour devenir une puissance de la ligue. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Y a-tu des pommes pourrites dans le vestiaire? J'en ai aucune idée. Alors, eux autres, c'est une équipe qui va être à surveiller puis que leur fenêtre est là. C'est là qu'il faut qu'ils en profitent. Pis surtout là, si Panarin est disponible sur le marché, il faut qu'ils en profitent là. Ah, puis ils vont repêcher dans une minute, alors les Blue Jackets. Ça va venir. Après ça, ça va être encore les Flyers de Philadelphie qui vont aller repêcher. J'en perds mes mots, GF. Je suis sur le bord de l'épuisement professionnel. C'est ici. Ça, c'est Kekalainen. C'est lui, le DG Kekalainen. C'est lui qui s'en vient qu'on va mettre ici en psy là, pendant qu'il marche avec... avec un jeune homme aux cheveux longs. Ouais. De se faire couper les cheveux, ça passerait pas avec Lou, ça. Ah non. T'as pas droit les cheveux au-dessus des oreilles. En dessous des oreilles, je veux dire. Ah, puis Seth Jones, il est là aussi. Ouais, des fois, ça arrive qu'il amène ça. Là, est-ce que le capitaine du club, ça? Bonne question. Je pense que oui. Sinon, ça n'a aucun sens. Pourquoi il serait là? Oh! Marc est au téléphone, esti! Qu'est-ce qui se passe, Marc? Ah, ça n'a pas été long comme conversation. Il dit, ouais, je vais te pas. Ah, tu vois, il a fait une face comme, ce qui mange la merde. Qui mange la merde, il voulait même pas mettre deux poitrines. Qui mange la merde. Il dit, bon, il resterait lui, mais bon. Bon, en fait, on a l'air de voir que Marc n'a pas l'air très intéressé à changer ses choix-là. Écoute, faut que ça vaille la peine. Puis je pense qu'à date, qu'il y a problème quand il regarde ça, c'est que je suis certain que les joueurs qui le convoitent, regarde, Trevor, il est là, puis il est comme, ah, fallait pas, si tu vas l'avoir. Il y a Jeff, il y a Mathieu Gilna qui veut savoir si on va faire d'autres manettes enquête. À suivre. Probablement. Ouais, à suivre. Ce serait le fun. On a un autre quartier, fait que d'autres rumeurs. Puis Mathieu Lamar qui dit donner du café à JF Chrome, pauvre homme, il est brûlé. Je suis brûlé, mais je vais toffer jusqu'au bout du repêchage. Écoute, ah ouais. C'est parce qu'on a fait d'autres podcasts avant, mais je suis dédié. Mais de toute façon, le repêchage, JF, c'est vraiment plus ton chose. C'est toi qui as le dossier préparé. Là. Ah, moi, c'est sûr que, écoute, j'agoche tellement sec que je vais me piqué à l'eau, c'est-tu tantôt? Là. T'es piqué à l'eau, genre de voir. Jésus qui me brûle. Ah, ça lâchera pas. On va finir. On souffre. Ben écoute, on est des warriors. On travaille pour vous autres. On va aller jusqu'au bout. Mais ouais. Ah, pourquoi ils applaudissent? Là? Il avait une belle barbe, lui. Ah, c'est parce que c'est Seth Jones. Son père est un joueur de basketball. Seth Jones, ah ouais, OK. Mais merci, non, on fait ce qu'on peut pour vrai. Là. On est là, puis on fixe la TV depuis tantôt, puis on vous en donne comme on est capable. Là. On va espérer qu'il se passe de quoi. C'était ça notre grand souhait. Écoute, on a des attentes. Les partisans ont des attentes. Alors, repêcher Liam Foudie. Foudie! Un centre ailier gauche de 18 ans. 65 matchs de jouer l'année passée, 40 points. Un jeu pour London dans la OHL. Alors qu'ils font des high-fives et des poignées de main louches. Avec des gars avec des barbes et pas de cheveux. C'est un Canadien, ça, de 6 pieds et 174 livres, mon Jeff. Des grands mecs. C'est l'année des grands mecs. T'as-tu des infos sur Liam Foudie? Je regarde pour voir, c'est dans mon mock draft, dans le top 31, puis il l'est pas. Même pas. Fait que c'est une surprise, d'après ce qu'on peut voir. Mais comme bon, on a toujours eu du flair. On le voit ici, son saut, Bourgogne. Là. Mais Foudie faisait partie de ma liste de genre de prospects qui pourraient être des vols au deuxième rang. Il est sorti en première ronde, finalement, Foudie. Fait qu'on peut retirer son nom de la liste. C'est le seul sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs que j'ai sur la liste de joueurs qui pourraient être susceptibles d'être repêchés au deuxième rang puis qui seraient des vols. Là-dedans, je rappelle que Nicolas Beaudin. Mais Nicolas Beaudin, il y en a qui le voient aussi au premier... Au premier tour. Ah ouais? Fait que ça va être à suivre là-dessus. Lui, c'est mon choix. Écoute, c'est un défenseur, ça nous en prend un. Fait que félicitations, Foudie. Il y a Muffin Kevin qui veut savoir si Bergevin porte des bas cette année. Écoute, il n'a pas osé de montrer la caméra au niveau de ses chaussures. J'ai l'impression, moi, qu'il est tout le temps avec des loafers, pas de bas en cuirette, parce que pour lui, c'est le confort total. Il doit mettre une semelle antipuante. Ben, c'est clair, il doit se sentir des pieds, Marc, là. Surtout quand elle lève ça à l'hôtel puis qu'il se repose, c'est qu'il fait comme John McClane puis qu'il se frotte des orteils sur le tapis. Là. On va enlever l'annonce ici, voilà. On recommence. Et puis les prochains à parler, c'est comme je disais tantôt, c'est les Flyers de Philadelphie qui font le choix des Blues de Saint-Louis. Si je peux parler un petit peu des Blues, mon GF. Le choix numéro 19. On arrive dans le top 20 après ça, dans le dernier 11 qui va rester. Fait que c'est là qu'on va voir si oui ou non, il va y avoir un petit mot. Fait que ça s'en vient, les gars. On va l'avoir, on va l'avoir. Au moins, il lui reste de la bière, on est correct. Tant qu'il reste de la bière. Un des pires clubs dans l'Ouest en deuxième moitié de la saison était les Blues de Saint-Louis. Résultat, ils étaient comme dans le top. Puis ils ont fait un peu comme le Canadien de Montréal là, dans les années passées, dans le temps que Price était blessé. Ils ont droppé ben raide puis ils n'ont pas fait les séries. Ouais, ouais. Fait que tant pis pour eux autres. Et puis aussi, ils ont perdu un joueur de centre en Paul Stastny, je devrais dire plutôt. Ouais, ils ont échangé ça contre un choix de première ronde, mais il y a un joueur de centre, JF, qui serait prête maintenant, qui pourrait peut-être seconder le joueur Brendan Shen au centre. Okay. C'est Robert Thomas, okay, qui faisait partie des rumeurs de la transaction, qui envoyait Pacioretty aux Blues contre Robert Thomas. Robert Thomas, on rappelle. Fait que, écoute, le chien pas mort à Saint-Louis. La seule déception, c'est Jake Allen, un gardien de but, qui devait être un gardien de but numéro un, mais qui n'a pas été à la hauteur en deuxième moitié. Il a connu une saison de merde. Alors, on va voir ce qui se passe avec les Blues. Les Blues, qu'on dirait qu'ils sont en train de faire du surplace, ça avance, ça recule, encore plus bas. Effectivement, là, ouais. Fait qu'on va voir Vladimir Tarasenko. Pendant que TVA nous sert une annonce de Molson qu'on vous présentera pas pour avec vous épargner ça. Des vieilles petites bières. Avec des bières pas de coups. La vraie affaire. Ouais, c'est ça, des petites bouteilles. On dirait que c'était du sirop dans le temps. Ouais, effectivement. Alors, le prochain repêché sera dans 1 minute 30 maintenant. JF, ça avance. Alors, on voit Seth Jones qui est. Alors, encore là, on peut voir à quel point Renault est petit. Puis, tu ne peux pas qu'elle vise sa tête un petit peu plus haut. Puis, il est comme content. Hey, hey, hey, ouais, puis Seth Jones a beaucoup trop de style en ce moment. Là. Natif de Dallas, Texas. Ok, c'est pour ça que le monde, on l'applaudit. Oui. On sort les gens qui sont de la place. OK, fait que c'est pour ça que je me demandais qu'est-ce qu'il calisse là, mais finalement, c'est parce qu'il doit être en vacances chez eux. J'espérais. Kakarinen, tantôt, j'ai vu Jérémy Filosa dire « J'espérais que ce soit un bon choix. » C'est pas plus une bonne carrière pour toi, Jérémy, l'humour. Non. Ce qui est poche. Ça suffit, là. Il a vraiment tweeté ça? Ouais, je pourrais te le montrer. Arc. Je l'ai vu dans mon feed pendant qu'on suit ici ben, l'action en direct. Là, pendant ce temps que je me verse une petite bière de Boucherville, mon GF. Oui, la Ballin. D'ailleurs, on voudrait avoir une commandite, nous autres. Là, on cherche des commanditaires. Ballin, Boucherville, ferait du sens. Y a-t-il quelqu'un sur le chat qui est un membre de Ballin? Je pense pas. De Bowen? Bowen. Baldwin. Fait que voilà, tu pourras tester le produit, puis... Écoute, je les approchais, JF. On a un frigibière maintenant pour le podcast. Fait que des bonnes nouvelles pour nous autres. Faudrait en profiter au moins d'avoir une petite commandite. Ça se paye. Là. OK, fait que les Flyers sont déjà prêtes, eux autres. Là. Eux autres, il reste 13 secondes puis sont déjà sur le stage. Fait que les Flyers de Philadelphie qui... toujours agressif. Qui se disaient ouverts à échanger leur choix. J'aimerais avoir... Pas leur choix. Dans le chat, on aimerait avoir un trade ici, le choix 31. Sinon, ah, croyez-moi qu'on aimerait ça nous autres aussi. Là. On va rester sur notre faim. On ne fait que réagir à ce qui se passe, nous, donc on n'a pas le contrôle, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a repêché Jay O'Brien. Oh, Jay O'Brien, qui était dans ma liste de joueurs qui serait peut-être un vol donc, sur les choix de deuxième ronde, et repêché par les Flyers de Philadelphie. Qui est un centre de 18 ans, a joué 30 matchs, 80 points en 30 matchs? Calvaire. Si, Paul. Il jouait où, Esti? Il jouait dans le Tayer, la USHS. Il jouait dans une ligue de kit de garage. 80 points en 20 matchs. Il a dominé. Alors, 30 matchs. Mais quand même, 80 points, ça n'a aucun bon sens. Là. Chris, c'est plus qu'un point par match. Deux points par match, je dirais ça. Là. Ben, c'est 2,5 points, je pense, là, par match. Pendant qu'il marche avec sa cravate qui est trop longue ici, qui va probablement... L'important, c'est qu'il attache la strap de sa casquette, contrairement à son ami. Ouais, ben ça, c'est la première chose à ne pas oublier. Ce qui va donner la main à Batman, oui, c'est fait. Ben, je pense que Batman s'assure qu'il lui serre la main parce que c'est comme s'il attendait sur le bord des marches puis il avait comme pas le choix. Je pense que Batman voulait éviter une humiliation encore. Ouais. Il y a Yves Brouillette qui dit qu'il jouait pour les Boys avant, lui. Jay O'Brien, donc c'est pour ça qu'il y a autant de points. C'est pas... Ouais, parce que quand même, 80 points, c'est énorme, là, en si peu de matchs. Là. Alors, un gaufien qui va porter le orange. Est-ce que le chandail orange va lui faire avec son teint de jeune prépubère? On va voir. Ça pourrait être possible. Bon, alors, il est pris dans le chandail en ce moment. Porte numéro 18. Ouais, pour vu que c'est un repêchage 2018. Va-t-il attacher sa casquette? Sinon, j'aurais peut-être pensé qu'il y aurait un problème de produit avec les casquettes des Flyers de Philadelphie. Mais et voilà. C'est fait, mon Jeff. Il est content. Il sourit, comme le gars à gauche qui a des dents très, très blanches en ce moment. Alors... le Regis Philbin de la prochaine équipe, on the clock. Ouais. Les Kings de Los Angeles, mon Jeff. La future destination, on de Max Pacioretty. Apparemment, il est à LA pour parler aux Kings. Les Kings qui se sont fait sortir en première ronde par Vegas avaient des rumeurs sur Max Pacioretty en date limite des transactions, ça n'a jamais abouti. On voit que les Kings, soit que le gars genre se demande qu'est-ce qui se passe avec son ordi, ou sinon sont sur le bord de préparer une transaction, ou il est en train de lire sur Twitter que le gars, il y a une rumeur sur lui, ou peut-être la femme de Mike Hoffman a parti une rumeur sur un des messieurs à la table et quelqu'un semble être en désaccord. On voit Luc Robitaille qui n'est plus le Luc qu'on a connu dans le temps avec les cheveux longs dans le film Sudden Death avec Jean-Claude Van Damme. Quel est ce film, ça? Je l'ai cité, le film. JCVD, qui s'en va sur la glace comme gardien de but à la fin. Il fait un kick pour arrêter un puck en prolongation. Ah, il fait des kicks partout. Là. Et puis, ce qu'il faut faire attention au King, c'est que Drew Doughty devient joueur autonome dans un an. Alors, à partir du premier jeu, il va être admissible à renégocier un nouveau contrat. Est-ce qu'il va rester avec les Kings? Je pense que oui. Il y a Kovalchuk qui a beaucoup de rumeurs à l'envoi là parce que ça a l'air que les centres d'achat plaient à sa femme. Et puis, par contre, ce qui fait mal aux Kings de Los Angeles, on peut voir Rob Blake présentement. Qui le bon Rob. Le directeur général des Kings de Los Angeles et Luc est le président. Alors, on s'en prenait avec le contrat de Dion Phaneuf qui est payé 6,5 millions jusqu'en 2021. Et Dustin Brown, qui est payé 5,5 millions jusqu'en 2013. Ça, mon GS, c'est 12 millions de pénalités sur ta masse salaire avec deux gars qui sont au bout du rouleau. C'est pas un bon investissement, on va dire. Non, pas du tout. Ben, fait que pourquoi ils enlèvent le pass, là? Ben, parce qu'ils s'en vont probablement se lever et ils veulent pas avoir ça dans le cou pour passer à la TV. Ah, OK. Fait que quand tu t'en vas parler... Hey! C'est leur incrustation. Si tu regardes bien dans la table des prédateurs de Nashville, il y a quelqu'un qui s'est ouvert un sac de Doritos. Pour vrai? Barbecue. Regarde, check le sac mauve. Ah ben oui. On est jaloux. On aurait dû se rappelle que les Preds n'ont pas de choix de première ronde à l'heure actuelle. Ah non, pas du tout. Okay. Non, ils n'ont pas de choix de première ronde parce qu'ils l'ont donné aux Blackhawks. Ils sont quand même là, pareil, pour en cas qu'il y aurait un trade de choix. Ouais. Oh, il y a un problème de chaise. Là, la caméra, on dirait que la caméra en a carrément. Alors, qu'on nous dit dans le chat que Rob Blake ressemble à Big Bird. C'est vrai. C'est... Bon, les jeunes qui sont tous le SL. Bon, ben, voir les rumeurs. Sont sur leur partie de Fortnite en ce moment. Ah, ça peut être possible. Mais quelqu'un a déjà des bouteilles d'eau. Penses-tu qu'ils les donnent ou qu'ils les vendent 3 piastres chaque? Ah, oh, je veux qu'ils les vendent. Inquiète pas. Là. J'ai aimé voir le jeune qui a pris le temps de mettre son polo dans ses pantalons. Oui. Là, le monde, ils disent « Ah, c'est-tu Joe Veleno, ça? » Peut-être, ouais. Ça se peut. Qu'est-ce qu'on sait? Le monde a dit « Joe Veleno, petite poche! » Qui a de la peine. Qui a joué pour Drummondville. Non, il ressemble pas à Joe Veleno, me semble. Ben, on, je sais pas, il est penché, JF. On voit pas. On sait juste qu'il y a une coupe de cheveux. À gauche, il y a sa il y a un petit peu sur le côté, mettons. Là. Ah, ben, ça, c'est la coupe militaire. Là. Ah. Il y a des grosses mains, par exemple. Ouais, dans 4 secondes, les Kings vont maintenant faire leur choix. Alors, allez-y, mes tabarnak. Ouais. Qu'on sache qu'on embraye ici, qu'il y a un trade ou pas, parce que là, on est en train de boire notre peine solide. Le gars en bas, il est sur le beat, là, il se checkait à la tête, let's go, là, comme dans Stanley ou Roxbury, ouais, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Il écoutait du Katy Perry. Katy Perry qui a tué une religieuse, d'ailleurs. Hein? Ouais, Katy Perry était en cours contre des religieux pour une affaire de terrain, puis il y a une religieuse qui est morte pendant le procès. Ben voyons donc, toi. Ouais. Ben ça, c'est une autre histoire. Regardons ça pour la jasette, peut-être. Là. Je t'en reparlerai à un moment donné. Je confirme que la bière est excellente. Alors, Denis Fugère, recruiter amateur, qui est là. Ah, mais c'est un Québécois? Je sais pas, mais il y a... Alors, repêché, Rasmus Kupari. Kupari! Alors, un centre âgé de 18 ans, 39 matchs et 14 points. On va jouer pour l'équipe de Carpat SM Liga. Carpat! 14 points en 39 matchs, c'est genre moins bon que là, mais il faut pas oublier que les ligues sont différentes. Effectivement, puis faut pas se fier. C'est à... Kupari. Kupari, oui. Il était classé quand même 15e dans mon mock draft. Il est sorti 20e. Kupari. Ça a l'air que c'est un très bon patineur. Là, on peut voir des petites séquences de Kupari présentement. Kupari, qui est un centre qui tire de la droite, des centres droitiers. Ouais, tire de la droite et tire de la ligne bleue aussi. Parce que tous les trucs à l'air qu'on voit, c'est tire de la ligne bleue, là. C'est vrai, mais dans le fond, ils ont carrément juste monté le même jeu. On voit son Instagram qu'on se calisse de lui à la pêche. Ah, c'est parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un portait une casquette du Canadien. Ça avait l'air d'être un fan du Canadien, ce jeune Kupari-là. Ben, ça se peut que Koivu était un de ses idoles. Ah, peut-être, Rasmus Kupari. Ça aurait du sens. Mais merci, TVA, de nous partager le fait que le gars aimait le Canadien de Montréal. Il y a Chris Mahler d'avoir 12 ans, pour vrai, là. Chris, oui, hein, quand tu regardes la photo. Mais voilà, alors qu'il va arborer le chandail des Kings de Los Angeles. Est-ce que tu vas pouvoir jouer avec M. Pingren? Il va finir par tomber dans l'enfer de la drogue. Possible. Ah, tu vois, les points, regarde, là, sont comme pas transparents, sont blancs sur cette casquette-là. Donc, c'est le logo, c'est le design de cette année pour la NHL. OK, fait que c'est genre, mettons, un filet au-dessus de la casquette? Mais ça, c'est un look filet, mais c'est pas filet, c'est juste, ça a l'air d'être juste comme en brodé, là, ou en tissu par-dessus, là. Alors là, on tombe sur une pause de... Et on l'enlève parce qu'on épargne ça tout le monde des pauses de Santa Monica. Et là, on peut aller à l'autre page. Et puis, les prochains à parler sont les Sharks de San Jose. Les Sharks, mon GF, comme je disais tantôt, c'est que l'équipe vieillit. Écoute, on a Patrick Marleau qui est parti. Joe Thornton qui est sur le bord de la retraite. Ouais, avec sa barbe en laine d'acier. Ils ont donné un gros contrat à Evander Kane, 7 millions. Pour un gars comme Evander Kane, je trouve ça exagéré. Là. On s'entend que le gars... Il n'a plus rien cassé à Buffalo. Il avait un bel avenir à Winnipeg. Est-ce qu'il fait la job à San Jose? Voyons, j'ai tout le temps des rapports, Rusty. Ah, c'est ça qui arrive, c'est ça qui arrive. Ça peut être possible. Écoute, il a quand même été relancé à San Jose là, quand il a été échangé à date limite. C'était peut-être la plus belle transaction qu'il y a eu à cette date-là. Alors, on va voir. Puis là, on voit qu'ils font du ménage. Fait que, est-ce que si John Tavares devient joueur autonome, voudra jouer à San Jose? Ça va être à suivre. Penses-tu que le trade de Pacioretty serait en attente de savoir ce que Tavares va faire? Je pense pas que ça ait vraiment de lien parce que c'est deux positions complètement différentes. Non, mais quand même, avec la masse salariale, puis tu sais, t'as peut-être des options qui vont se libérer s'ils signent ailleurs. Il y a juste 4 millions. Il y a ça. Puis les équipes qui auraient de l'intérêt pour Pacioretty ne sont pas nécessairement les équipes qui sont en lice pour aller chercher John Tavares. Les équipes qui sont en lice pour John Tavares, il y avait San Jose. Ensuite, on parlait de Toronto, mais je vois pas le point. Il n'y a pas de cash là-bas. Il parlait aussi des Kings de Los Angeles, mais tabarnak, les Kings sont à côté ben raide. Fait que, il n'y a pas beaucoup de clubs. Peut-être Vegas, mais encore là, tu sais, pourquoi que Tavares irait à Vegas? Là, présentement, on voit Luc Robitaille à la télévision. Chris, il n'y a pas les cheveux noirs, lui, avant? Ben, c'est le Grayson Formula, ça fait ça. Là. Fait que, vas-tu dire que Pacioretty, c'est son allié de rêve? Lucky Luke, comme pour rappel, pour ceux qui ont connu Luc à l'époque, qui jouait au hockey, était surnommé Lucky Luke. Oui, ben oui. Alors, il a transporté quand même l'équipe en 93 des Kings parce que Gretzky, on le rappelle, était blessé pour une grosse partie de la saison, puis il est venu à la fin de la saison se joindre au club pour se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley et se faire éliminer par le Canadien de Montréal. Alors, voilà. Ça résume la carrière de Luc. Il a quand même gagné la Coupe avec les Penguins de Pittsburgh, par exemple. Ouais, quand même. Ah, pauvre Luc. Il a l'air fier. Toujours le même sourire, ce Luc, qui grandissait des parties à l'époque avec Alexandre Degg. Et là, Chris, le gars qui marche sacrément, là, c'est pas jeune, ça. Il a les cheveux tellement léchés sur le côté, mais c'est parce qu'à la fin, c'est qu'il y a une couronne. Oh, on voit Marc qui est debout, qui parle à Luc. Puis les deux rient ensemble avec Rob Blake. Avec Jeff Molson. Hey, c'est vraiment c'est intéressant, ça. C'est quatre gars très importants. Ouais. Qui se jasent entre eux autres. Ça sourit. Et puis, est-ce que... C'est Marc, ça, qui est de dos, là? C'est Marc qui est de dos. Jeff Molson est à côté. Luc Robitaille est président des Kings de Los Angeles. Rob Blake qui est DG. C'est-tu en train de s'échanger des blagues? Est-ce que joueurs comme Pacioretty? Ouais. Je te dis, tu le regarderas pas aussi! Tu vas l'aimer, Max. Il est bon s'il fait pas de bruit. J'ai hâte de voir Jeff. Fait que là, les Sharks qui s'amènent et oh Jeff. Ah toi, Jeff, il dit comment il prend les Mais Jeff, tu vois, c'est pas un gars qui s'est enlevé l'étiquette, lui. Non, lui, c'est parce qu'il va leur tourner son veston après la game. Là. Après le repêchage, en fait. Mais là, c'est les Sharks qui vont choisir Jeff. Ouais. On va voir ce qui va se passer avec les Sharks. Ils vieillissent, fait que ça a besoin de jeunesse. Comme lui d'ailleurs. On va voir ici avec les joueurs bien sur le côté, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher. On voit-tu en ce moment? Ils ont repêché Ryan Merkley, un défenseur âgé de 17 ans, 63 matchs, 67 points. A joué pour le... Guelph de la OHL. Alors, on voit des high-fives ici dans la foule et puis des poignées de main assez viriles, va te dire. Je regarde pour moi si Merkley dans mon top 31. Il n'a pas l'air encore. Chris, non, un autre choix qui sort de ton top 31. Un Canadien ici, 5 pieds 11, 169 livres, excuse-moi. Il n'est pas là du tout. Je vais aller voir si c'est dans ma liste de joueurs. C'est un petit joueur pas très gros. Il n'est pas pantoute nulle part dans mes listes, donc ça demeure une surprise pour les Sharks. Il m'a l'air d'être un défenseur offensif parce qu'on voit juste des buts en ce moment là, de lui à l'attaque. Il a l'air d'aimer bouger la rondelle, ce petit jeune homme-là. Donc, on se rajeunit chez les Sharks, évidemment. ma Apple Watch qui me dit « Lève-toi, lève-toi, lève-toi. » Oh! Ça va être sa maman, ça. Ou sa soeur, ou sa cousine, ou sa blonde. Ou sa gardienne, on sait jamais. Sa grand-mère. Sa grand-mère aussi. Ça peut être ça. Et différentiel de moins 70 à ses deux. OK, fait que c'est un défenseur à risque. Moins 110. Fait qu'on attend toujours un trade sur Pacioretty, là. On se demande, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que ça va sûrement se faire la semaine prochaine, en plein milieu de semaine, par rapport sur une heure que tout le monde se crisse. Là, pis... Ouais, 11h le soir. Ouais, comme l'échange de Chucky qui s'est fait genre le à vendredi 9h30 soir. Le soir. Quand j'ai texté, là, j'étais en train de. Tu sais, j'étais avec mon gars, j'étais en train de le coucher, puis là, je vois ça, puis là. Deux secondes. Faut que je te texte. Faut que je texte du monde. Pourquoi? Tasse-toi et taille le pousser à terre. Mais là, le prochain choix au repêchage, c'est les Sénateurs encore. Choix numéro 22. Rond. Numéro 22 sur 31, c'est ça? Oui. Les Sens... On lâche pas tout le monde. c'est un choix qui appartenait aux Penguins de Pittsburgh qui ont donné un retour de Derek Brassard. Si je prends un peu le temps de parler aux Penguins de Pittsburgh, ils n'ont pas été capables de défendre leur titre pour une troisième année de suite, mais ça reste que c'est une puissance dans l'Ouest. Puis ça a l'air que Kessel serait malheureux. Le gars voulait jouer avec Malkin, puis ça n'a pas arrivé. Fait qu'il y a plusieurs rumeurs qui disent que ce gars-là pourrait être échangé. Hey, 8 millions ça marche qu'en 2022. C'est cher quand même payé. Mais ça reste que quand même, GF, quand on dit qu'on a des problèmes au centre, les Penguins de Pittsburgh ont Sidney Crosby, Evgeny Malkin et Derek Brassard au centre. C'est quand même une bonne, trois bonnes lignes. Là. C'est pas méchant. Non, je dirais pas non à ça. Mais fait que là, c'est ça, ils n'ont pas le choix de première ronde, les pauvres Penguins. Alors, les Sénateurs qui sont entourés de controverses, est-ce qu'ils vont prendre une chance sur le joueur de centre québécois Joe Veleno? C'est ce qu'on a de Yves Brouillette comme, comme guest pour le prochain. Ben, je suis d'accord avec toi, mon Yves. Ouais. Mon Yves, parce que ça aurait peut-être du sens. Là. Écoute, le premier joueur qu'ils ont repêché, c'était Brady Tkachuk. Puis là, mais peut-être qu'ils vont aller chercher un petit Joe Veleno parce qu'on s'entend qu'au centre, ça fait dur à Ottawa. Mais non, tout fait dur à Ottawa. Puis Pierre Dorion qui a regardé son pan pour être sûr qu'il appelle le bon gars. Semble être excité. Souvent, c'est... Il y a une transaction, j'ai entendu transaction. Souvent, c'est long cette année comparé aux autres années. Comme de faire 22 choix en 3 heures, c'est... Oh, attends une minute. Là, qu'est-ce qui se passe? On va mettre dans le bas ici parce qu'il se passe des choses. Bon, le gars se mange la lèvre du haut. Qu'est-ce qui se passe, JF? Je sais pas, j'ai comme sous-entendu le mot transaction. Je vois personne au téléphone. Je vois les Rangers de New York. Les Rangers, les bras croisés. Les Rangers vont parler encore d'ici la fin du repêchage. Ça, c'est sûr. Dans le fond, leur prochain choix, c'est le 26e au total qui appartenait aux Bruins de Boston. T'as un gars qui regarde encore son iPad. Là, Pierre Dorion s'en va se rasser. Écoute, pourquoi que c'est levé de bout au juste? C'est pas un petit pipi, là, je sais pas. Dans le coin. Il a l'air souriant, il a l'air d'être content d'avoir fait de quoi, là? Ouais, mais comme je te dis, peut-être qu'il a commandé sa pizza pour après la game, là. Ou peut-être qu'il a su que son partner était acquitté. Ah, peut-être. Ah, yes, sir, si, il va pouvoir, il a mis ça prendre ma douche. Ouais. Là, on sait pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, donc on peut pas commenter, il se passe rien du tout. Mais, peut-être que même... Pourquoi il se cache, là, genre, là, comme... Comme la bouche, là, comme les lanceurs au baseball, comme ça, lise ce qu'il disait, ses lèvres. Là. Peut-être parce qu'il rotait puis il voulait juste pas que ça apparaisse à la télé. Peut-être. Ou sinon, il baille, tu sais, il baille. Boom. Ah, c'est long aussi. Mais ça, tu le vois parce que le gars, il force des yeux. Là. Ouais. Bon, il se passe toujours rien en ce moment. On attend que le prochain choix avance. Là. Ben ouais, puis là, je n'ai aucune idée pourquoi que les Rangers revisent leurs notes. Il y a des papiers ici qui se transmettent, là. Non, c'est hey, c'est... le clock est où, là? Qu'est-ce qui se passe? Come on! C'est bien long, Calis. As-tu une pause, esti? Batman, t'as les chier. Batman, il faut qu'il fasse un trade, mais il trouve pas, il regarde trop. Oh, shit! Oh. Attends, on va remettre ça en gros ici. Il se passe quelque chose? We have a trade! Ça a l'air des centaures, c'est impliqué. Oh, contre les Rangers. Pas long. Ah, ok, c'est juste des échanges de choix. Fait qu'ils échangent. Les Rangers ont décidé de monter 22e contre leur 26e puis un choix deuxième ronde additionnel. Ouais. Donc, ils doivent savoir quelque chose que les autres savent pas. Fait que les Rangers ont décidé de grimper. Ça, c'est parce que dans le fond, il y a un joueur qu'ils veulent absolument avoir puis qu'ils ont. Ouais. Qu'ils veulent repêcher tout de suite. Mais qui est-ce? C'est ce qu'on va savoir, est-ce que New York voulait avoir Joe Veleno? Peut-être. Ou sinon, les Sénateurs se sont dit que Joe Veleno pourrait peut-être être disponible 4 ans plus tard. Et Chris, ça, c'est parce qu'ils ont peur. Là. T'as les Ducks, t'as Minnesota, puis t'as Toronto qui repêchent suite après. Toronto, c'est à voir c'est quoi le besoin aussi. Là. J'imagine que tu vas en parler tantôt. Fait que, ouais, j'ai tout ça on ici. On va attendre un peu avant de jaser de ça. Mais ouais, il est où le clock? OK, le trade est annoncé, là. On peut-tu avancer, Calis? C'est envoyé, là. On voit beaucoup de monde qui font des mouvements de bouche puis tapent du crayon. On tape bientôt le 10h, mon GF. Ouais. Hey, on va sur... Je pense que ça s'enligne pour être le plus long podcast de la soirée de podcast ever, là. Hey, moi, j'ai des yeux rouges, mon gars, avec mes verres de contact. Ça me prend quasiment des gouttes, là. Hey, ça commence à être dur, là. Come on. Ah ouais, Renault, mon Renault qui est. Ah ouais, Renault, esti, porno des rumeurs, tabarnak. Il force des yeux, lui avec. Lui avec, il a mal aux yeux. Mais c'est parce que ça finit plus, Jeff. Puis le danger d'arrêter au choix numéro 22, c'est qu'il se passe de quoi après, là? Pis... Non, on peut pas faire ça. Fait que all the way, c'est tout pour vous autres. On va avoir du contenu. Marc est toujours en train de checker ses notes. On voit ici l'enfant qui est le directeur général des Toronto de Maple Leafs. Inquiétez-vous pas, les gars, je vais vous parler de ça. OK, ben là, tu vois, je viens d'avoir une nouvelle comme quoi que les rumeurs sur Wayne Simmonds, on peut arrêter ça tout de suite. Ron Hextall ne veut pas échanger Wayne Simmonds. Bon, c'est réglé. La bonne nouvelle, c'est que c'est un ailier gauche qui n'est plus disponible sur le marché. Fait que ça fait juste peut-être ouvrir le chemin pour Max. Alors, les Rangers se lèvent pour finalement, aller repêcher leurs joueurs. Après que le clock est fini depuis 15 minutes, là. Je pense qu'il y a un problème de cadran. Trade alert, donc on voit les Sénateurs ont joué le numéro 22 contre le numéro 26 et 48 des Rangers. Bon, mais je suis curieux de savoir c'est qui que les Rangers voulaient tant avoir. Si on repêchait le défenseur Nicolas Baudin, je vais avoir le cœur brisé. Ouais. Si il repêche un autre gars de nowhere qui n'est pas dans le top 31, moi, juste dire comme... Eh ben. Ouais, ça, c'est un commentaire pertinent et incroyable. Ouais, le hashtag « eh ben ». Hashtag « eh ben », voilà. Alors, tout le monde est excité, son debout, les Rangers en reconstruction. Ouais, nous autres aussi, on est bien excités en ce moment. Tu vois que l'énergie est à son comble ici dans, en studio pour ce choix numéro 22. Ouais, écoute, c'est fucké un peu parce que dans le fond, ils ont changé le choix qui appartenait aux Bruins de Boston contre le choix qui appartenait aux... C'est clair que pour nous, cette année, c'est tough parce que le Canadien repêchait troisième. Ouais, parce qu'habituellement, genre, on sort là, fait qu'on est comme tout excité puis tout ça. Ça monte. Puis là, on espérait qu'il y ait un autre joueur qui repêche. Mais tant aussi longtemps que leur joueur qu'ils veulent convoiter est disponible, je vois pas pourquoi ils feraient un échange. Mais en tout cas, je remercie le monde qui nous écoute live encore. Il y a quand même pas mal de monde qui sont en direct, autant sur Twitch que sur Facebook Live. Vous êtes des Warriors. Des Warriors comme nous autres, alors qu'on voit ici. Ah, c'est K-André Miller. K-André Miller. K-apostrophe André. Ouais. C'est quoi ce ben, prénom-là? Dans le fond, lui, il a sorti un mixtape la semaine passée. Ouais, K-André. Ça s'appelle Little Pump. K-André Miller, alors un défenseur âgé de 18 ans, 47 matchs et 22 points qui vient des États-Unis. Écoute, 6 et 3 et 198 livres, quand même un grand bonhomme. Ouais, il écoute du Extension. Oui. Un rapper qui était décédé en Floride aujourd'hui. Ben pas aujourd'hui, mais cette semaine, ouais. Il s'est fait tirer dans sa Lamborghini parce que le gars, il a voulu voler sa sacoche. Hein? Ouais. Son espèce de sacoche Louis Vuitton. Là. Ah. Les rappers plus leur sacoche, là. Il a son dernier mixtape dedans. Hey, tu grand comparé à Bettman pareil? J'essaie de voir. K-André Miller. Hey! C'est-tu K-André ou c'est Kendrick, faut dire? Moi, j'aime mieux dire K-André parce que je trouve que ça fait plus drôle. Hey, K-André! Fait qu'ils voulaient vraiment l'avoir, eux autres, là. Puis, K-André... Ah, je le vois ici. K-André était classé 27e dans mon mock draft. Et puis, défenseur qui tire de la gauche, ils disent que ça va devenir un défenseur, un pan de mur, un oh, ben, il est grand, colosse. Même, fait que, et voilà, un défenseur qui va arracher des têtes, d'après ce qu'on peut voir comme description. Puis ça a l'air que c'est extrêmement difficile de lui enlever la rondelle. Fait que. Ben, avec ses. Tu sais, à 6 pieds 3, t'as quand même une grande portée de bâton, fait que tu peux quand même bien protéger la rondelle. Écoute, ça me fait penser un peu au même deal que les Canadiens ont fait quand ils ont été chercher Jared Tenorday, parce que c'est genre à peu près la même description qu'il y avait pour Jared Tenorday à l'époque. Puis le Canadien avait changé leur choix de première ronde et leur choix de deuxième ronde. Pour avancer okay. Et aller chercher Jared Tenorday, est-ce que ça va donner la même chose? Peut-être pas, là. C'est des spéculations de ce qu'on dit là. Mais ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé avant. Et puis d'après ce qu'on peut voir, c'est que cet homme qui est probablement le DG des Rangers de New York, j'imagine, là, semble être fier de son coup. C'est qui ça, Calis? Il ouais, n'y a pas le nom en bas qui apparaît, non? Ah bon, ben on s'excuse. Je sais qu'il fait partie des Rangers parce que je vois son petite épine, là... Qui appartient aux Rangers. Non, on se fait juste servir une pub de bière, finalement, GF. Sans nous dire qui est-ce. Mais alors, les prochains repêchés, mon GF, c'est les Ducks d'Anaheim. All right. Et puis, c'est le 23e au total. Getzlaf, Perry et Ryan Kessler vieillis. Ouais, un noyau vieillissant quand même. Si là. Je peux parler deux secondes de Ryan Kessler. Ouais, vas-y. Ryan Kessler, c'est un gars de 6 pieds 2. C'est un pan de mur pareil, là, Ryan Kessler. Ben ouais, quand même, c'est un bon joueur imposant. Là. Un moment donné, contre les Coyotes de Phoenix, il passait la cage à pas mal de monde. Puis Max Domi est allé le confronter pour lui dire « Hey, t'arrêtes-tu, Calis? » Puis Ryan Kessler a sûrement voulu se dire « Petit coune. » Il a jeté les gants. Diabétique. Puis Max Domi, il a crissé un uppercut sur le menton. Domi, les deux genoux ont plié. Ah ouais, mais pas Domi, l'autre. Pas Domi, mais je veux dire Ryan Kessler, bien important. Ouais. Fait que Ryan Kessler a tombé à terre. Max Domi sait se battre. Ouais, non, Domi, c'est quand même, tu sais, faut pas oublier que c'est le fils de Ty Domi aussi. Il y a eu des petits coups privés, c'est sûr. Mais tu sais, pour revenir sur l'affaire de Filosa qui disait que Domi, disait qu'il n'aimait pas Montréal. Ty Domi a dit que Montréal, c'était la mec plus ultra du hockey, puis que c'est la place où tu veux jouer dans la NHL, c'est à Montréal. Ben, c'est ça, puis Max Domi. On se calme, c'est Jérémy, là. Puis Max Domi aussi avait déclaré quand que, moi, j'ai eu la chance de le voir au championnat junior. Que Chevrolet avait des billets. Oh, et puis Max Domi, écoute, c'est une machine, là. Il patine en tabarnak. Puis même, il avait déclaré un moment en entrevue quand il avait gagné la médaille d'or que jouer au Centre Bell, il dit c'est incroyable. Il dit it's a dream to play here. Bon, ben voilà. Fait que si on peut retourner aux Ducks d'Anaheim, ouais, ça reste les une Ducks puissance... qui vont repêcher dans une minute maintenant. C'est ça. Ça reste une puissance dans l'Ouest, mais malheureusement, on a été éliminé au premier tour par les Sharks de San Jose au 7e rang. Fait que on lâche pas pour les Sharks, un petit mélange de vétérans et de joueurs recrues. Alors, on va voir ce qu'ils vont faire ici, ce qu'ils vont repêcher. C'est cette équipe de Disney qui était à l'époque. On va voir que Batman rit. C'est sûrement fait compter une petite blague ou sûrement quelqu'un. Ouais, qu'ils sont rendus les Ducks de l'air et non plus les Mighty Ducks comme à l'époque. Ouais, ils vont te dire hey Shorty, it's your birthday. Le lancer coup de poing puis tout ça, là. Ah, c'était magique. Puis le gars qui faisait lancer coup de poing aujourd'hui, Keenan Thompson, il est avec Saturday Night Live. Ouais, c'est genre le vétéran de SNL depuis 20 ans. Là. Lui, il est temps là. Il a jamais d'autre job. Puis t'as un autre gars. Non, le gars qui faisait le lancer coup de poing, c'est pas lui qui joue dans Daredevil? Non, lui, il avait le slash-up de la... Genre, le gros slap-shot. Ah, ouais, de lui, le lancer coup de poing, c'est le knuckleball. C'est ouais. Le papillon. Hein. L'autre, il faisait des gros slap-shots. Alors que les Ducks qui vont choisir ici de façon vraiment incertaine avec la face qu'il y avait, le gars. Voilà ici des jeunes. Alors, c'est Isaac Lundstrom. Lundestrom, excusez. Isaac Linden... C'est un U, ici. C'est un joueur flou. C'est Lundestrom. Isaac Lundestrom. Tes yeux commencent à être fatigués. Ah, mais là, c'est ça. Là, on voit plus bien. Là. Donc, c'est un Suédois, ça, ou un Finlandais. C'est un Suédois qui vient de Gällivare. Puis, une bonne polyvalence, d'après ce que je peux voir. Seulement 15 points en 42 matchs pour un centre allié gauche. Mais par contre, on dit de lui qu'il a un potentiel offensif limité. Mais un choix sûr. Fait que c'est peut-être un mais genre de quoi, centre ça? Défensif. Genre, ouais. C'est pas le gars qui va faire 60-70 points. Genre, il va être responsable, mais il te fera pas plein de points. Ouais, genre, peut-être un De La Rose, mettons. Mon laï de la rose. Ben le monde, faut que ce soit patient. De la rose, mais une utilité qui pourrait être intéressante. De la rose, là, tu sais, un peu plus de temps en pratique, un petit peu moins de temps chez le tatoueur, puis ça serait déjà ça. Il y a des tatous, De la rose? Il y a genre de manche de tatou, me semble. Là. J'ai pas remarqué. Tu checkeras cette année. Ah, c'est De la Rose. Parce qu'on va le revoir cette année, De la rose, inquiète-toi pas. Ah, c'est sûr que moi, je te dis, c'est le gars qui va piloter la position de quatrième centre du Canadien de Montréal. Alors, pendant qu'on voit les Ducks, donner un chandail à cet enfant-là. Les prochains à parler, c'est le Wild du Minnesota. Numéro 24. Ouais. On achève, dans le fond. Après ça, il reste 7 choix. T'es optimiste, c'est bon. Il reste la bière. Ouais, on est correct. Le Wild, qui pour moi, GF, si, mettons, il y aurait un double ganger du Canadien de Montréal dans l'Ouest, ça serait le Wild du Minnesota. OK. Parce que c'est un mélange de vétérans. Ils ont un bon gardien de but, mais ils sont pas capables d'aller loin. Bon, ben. Ça stalle au deuxième rang. Tu sais, Canadiens, nous autres, on a eu la chance de se rendre en troisième ronde, mais le Wild, ça n'a pas été plus loin que ça. Mais ils ont toujours eu des bonnes saisons régulières, toujours dans tops. Bruce Boudreau, qui est entraîneur pour le Wild, même il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait peut-être perdre sa job. Ah ouais? L'automne prochain. Si le Wild connaît une mauvaise saison, mais Boudreau, c'est décalisse. Alex a lu son livre. Peut-être que Alex pourrait nous expliquer comment va Bruce dans sa tête quand il est sur le bord de perdre sa job. À voir. Ils ont, écoute, une bonne défensive. L'autre affaire qui était surprenante, c'est que moi, je me souviens, là, je posais la question au monde, puis je me suis fait traiter de fou quand je disais, Chris Canadien, aurais-tu faire un offre à Rick Starr? Il paye, je pense, 3,5 millions par année avec le Wild. 42 buts, 34 passes la saison passée avec le Wild. C'est bol. 76 points. C'est des stats d'Eric Starr dans les bonnes années avec les Hurricanes de la Caroline. Il est revenu à la normale. Peut-être qu'il a juste besoin d'un changement d'air. Là. Mais bravo au Wild pour ça. Il y a des rumeurs qui envoyaient Max Pacioretty, le Wild du Minnesota. Est-ce possible? On ne sait pas. Ils vont, écoute, d'ailleurs, c'est les prochains à parler. Il y a un défenseur que ça a l'air que Bergevin le voit dans sa soupe. C'est Jonas Brodin qui est un défenseur gaucher. Puis ça a l'air que c'est un des secrets les mieux gardés de la Ligue nationale. C'est un jeune défenseur. Il n'a pas 25 ans ou il a 25 ans à pile. Là. Puis ça pourrait s'avérer peut-être un bon candidat gaucher pour jouer chez Weber. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais il me semble que jouer au Minnesota, c'est pas excitant. Non, c'est clair. C'est clair. Il fait fret au Minnesota. Il me semble que c'est pas là que tu fais des premières d'Hollywood. Ah, absolument pas. Non. Le Wild. Bon, ça c'est à voir ce qui va se passer là, parce que là, tout le monde se lève maintenant, donc on va les mettre à l'écran comme ça. Il y a une personne âgée qui semble être OK, non, je me sens qu'il dormait, il vient de se réveiller. Là. Il faisait juste un power nap un peu. Ça doit être un genre de hey! Honnêtement, Jeff, là, j'ai fait un. Tu sais, avant que tu arrives, j'ai fait une power nap de 15 minutes. Ouais. Puis ça m'a donné l'impression que j'ai dormi pendant 45. Ah, t'es chanceux. Moi, 15 minutes, j'ai pas le temps de m'endormir du tout. Là. Ben, dans le fond, ce que je fais, c'est que je m'étends sur le divan, je mets mon sel sous moi, je mets mon timer 15 minutes, je ferme mes yeux, puis tu sais, je dors pas 15 minutes dans le fond. Je peux peut-être dormir dans ce temps-là, peut-être 5-6 minutes. C'est comme l'équivalent de. Ben, c'est des power naps, c'est ça, là. T'es sur le bord de bras. Je me suis retenu pour bailler en ce moment, là. C'est la boisson et puis l'heure avancée qui continue. Chris, on s'en va. On s'en est pour finir à 11h, JF. Mais non, on va faire un podcast de genre 4 heures. C'est genre, je pense que ça va être un record de podcast sportif au Québec. Là. Hey, c'est quoi le Guinness, c'est-tu? Le monde est toujours là. Oui, non, le monde est là encore. Est-ce qu'on a une question? Est-ce qu'on pense que Bergevin va être intéressé par Van Zwemzijk 1er juillet, surtout si Pacho part? Bonne question. Je vois pas pourquoi qu'on échangerait Pacioretty pour chercher Van Rimsdijk quand les deux pourraient coûter à peu près le même prix. Parce que Pacho, il est 4 millions. Fait que tôt semaine de le garder pour la dernière année. Puis l'échanger peut-être à date limite. Ouais, tandis que Van Rimsdijk, écoute, avec le contrat qu'Evander Kane a signé, j'ai bien peur de savoir combien que Van Rimsdijk pourrait coûter. C'est, va-tu être 7 millions par année? C'est il y a plus de points qu'Evander Kane dans les dernières années. Tu vas quand même attention à ce que tu sais que ton argent, c'est la masse salariale. Là. Surtout si tu veux faire de la place pour John Tavares. Ah, ça, c'est des belles paroles. À voir, ça va vraiment arriver, là, on sait jamais. Écoute, je vais suivre ça de près, mon GF, puis crois-moi que... On a misé là-dessus, nous autres, là. Fait que c'est à c'est voir. Là, on a bien mis au jeu, que j'ai encore dans mon portefeuille, d'ailleurs. Ouais. Fait que là, le Wild va parler, le Wild va choisir en ce moment. Et voilà. Qui est-ce? Est-ce que c'est Joe Veleno? On va voir. Qui était en train de prendre une méchante drop, il était classé 14e, puis il y a même beaucoup de monde le voyait dans le top 10. Non, Philip Johansson. Repêché défenseur, 18 ans, 29 matchs, 9 points seulement. C'est-tu la paresse d'écrire Philippe avec un F au lieu d'un PH? Non, ou c'est juste populaire en Europe? C'est les Européens sont wild de même. Là. Wild, le wild. Tu vois comment c'est des beaux jeux de mots? C'est ce qui arrive quand il est 10h10 et puis qu'on est en podcast depuis 5h. On fait des jeux de mots, nous autres. Philippe Johansson, défenseur qui tire de la droite. Et puis... que c'est une bonne petite relève sans nécessairement donner beaucoup de détails, là, mais on dit que c'est un défenseur qui a du sens. Écoute, c'est-tu moi où il y a beaucoup de Suédois qui ont été repêchés cette année? Là? Quand même, oui. On dirait que c'est le pays qui en a donné le plus pour la Ligue nationale à date, sans compter le premier choix repêchage qui est un Suédois aussi. Mais le jeune Philippe semble être heureux. Il avait l'air. Il a l'air d'avoir un grand front. Ouais, ben ça, c'est les Suédois. Ouais, un Suédois. Pas sûr qu'il était dénigré dans sa classe. Parce mais je pense que t'as raison pour Batman. Il s'est vraiment mis au début de l'escalier pour éviter de pas se faire donner la main. Là. Ouais, parce que d'après moi, ça vu qu'il doit avoir des chefs de tout ça, là, puis il s'est dit comme plus jamais. C'est... Parce qu'un gars comme Gary Batman, ça doit avoir quand même un ego assez élevé. C'est sûr, quand tu mesures 4 pieds 2, t'as pas joué. Là. Ouais. Alors, la rumeur qui s'est propagée, je pense, depuis hier soir ou ce matin. Là, disait que le Canadien pourrait changer ses deux premiers choix de deuxième ronde pour mettre la main sur le choix de 25e ronde des Leafs de Toronto. Alors, je le répète, mais si le Canadien a le feeling que le joueur qu'il convoite ne sera pas repêché tout de suite... Ils feront pas l'échange pour rien. Pourquoi faire le move? Parce que le Canadien parle quatrième demain matin. Là. Je pense que demain matin, c'est genre à 10h que ça commence ou quelque chose comme ça. Là. Tout se fait avant midi. Là. Puis ça niaise pas, là. C'est pas. Ça passe pas à TV habituellement, là, à moins que RDS2 décide de me présenter le repêchage. Mais je pense que là, c'est quasiment aux deux minutes, c'est tant. Puis c'est pas, ils vont pas sur le podium. Je sais même pas s'ils vont sur le podium pour nommer des joueurs. J'imagine que oui, là. Mais ça n'y est pas comme là. Tu sais, là, c'est vraiment comme le premier choix. On fait un grand choix avec ça, mais demain, là, ils vont passer la deuxième ronde ou septième ronde, puis ça se fait en 2 heures. Là. Ouais, mais c'est clair, là, c'est comme on dit dans le chat, tu sais, il y a tellement de monde à donner à la main quand tu arrives sur le stage que c'est super long, puis on dirait qu'ils ont donné plus de temps. L'année passée, c'était moins que ça, je pense. C'était des 2 minutes pile, là, c'est comme 3 minutes, on dirait, là. Ah, c'est terrible, là. Puis, tu sais, il n'y a pas eu du tout là, d'échange, là, à part l'échange entre les deux positions de tantôt qui était crissement plate à suivre. Là. C'est-tu parce que le repêchage, il va d'une allure tellement imprévisible qui fait que les équipes ne sentent pas le besoin d'échanger pour avancer? Peut-être. On a juste vu un échange qui n'était pas un échange excitant pareil, là, pour que les sénateurs échangent un choix pour 2 choix. Puis, il y en a un, elle allait être fier. Peut-être que pour lui, Keandre, c'était pas un choix qui l'intéressait. Keandre. Mais écoute, rien n'empêche, il peut avoir les transactions après le repêchage ou peut-être demain dans la journée aussi. Ouais, ou genre mercredi prochain à 10h30 le soir dans une heure par rapport pour le Canadien. Moi, j'ai pas de trouble. Moi, là, je me réveille le matin puis je regarde mon téléphone puis je vois Patrick Retty est échangé à telle équipe. Ça part bien une journée, Jeff. Ouais. Ça part bien une journée. Il ne resterait que ça à se débarrasser pour vrai. Ah, puis là, on serait en business. Dépend ce qu'on va avoir en retour, mais quand même, juste de ne plus l'avoir, ça serait déjà un plus dans l'équipe, je pense. Là. Je pense que son attitude nuit à l'équipe, Jeff. Écoute, trop de pression. À la fin de la saison, la manière qu'elle parlait aux journalistes, c'était comme une lettre d'amour. Ben, une lettre, quoi qui tu sais, quand tu veux laisser quelqu'un, tu l'écris sur un papier, mais c'est ça qu'il a fait. Ouais. Max semble vouloir tourner la page. Il est de même, Max. Ouais. Alors, Joe Veleno est toujours disponible présentement. Les prochains à parler, c'est les Leafs de Toronto. Alors, on va voir ce qui va se passer. C'est le premier repêchage de Carl Dubas. Fait que si je peux parler un peu des Leafs, justement, j'ai le goût de bâcher un peu sur les autres, JF. Ouais, vas-y. Ma première ligne, j'ai écrit que Lou Kitt, un enfant, prend la relève. Carl Dubas, c'est quoi son pedigree à ce gars-là? Son père est propriétaire d'un club junior dans la Ligue de l'Ontario, si je ne me trompe pas. Et puis, il a besoin d'un DG. Il a nommé son fils de 25 ans. C'est-à-dire que son fils a quitté l'école pour devenir directeur général d'une équipe junior. C'est sa seule expérience qu'il avait en tant que gestionnaire de club de hockey. Et puis, Mark Hunter, qui est le gars responsable de, mettons, un peu la relance des Leafs, parce que c'est quand même lui, genre, qu'il avait son gros mot à dire sur le repêchage qu'il y a dans les années depuis que Arthur Matthews s'est embarqué, Mitch Marner, et puis William Nylander, pas William Nylander, mais l'autre Nylander, le fils de l'autre. Là. Mark Hunter voulait avoir le poste de DG, et puis Shannon n'y a pas donné, il a préféré le donner à un enfant parce que c'est plus facile à contrôler. Alors Mark Hunter a carrément dit « Fuck you, je décalisse ». Puis l'affaire qui était surprenante, c'est que le monde le voyait avec les Islanders, et puis Lou, en tant que président, s'est donné la job lui-même de directeur général. Puis c'est dommage parce que Mark Hunter a dirigé John Tavares. Ça aurait peut-être aidé un petit peu, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Les Leafs, que tout le monde voit comme une puissance à venir dans la Ligue nationale de hockey qui pourrait gagner la Coupe cette année dans les prochaines années, ont été éliminés 2 fois de suite en première ronde. Ah, mais c'est parce que sont jeunes. Je vous rappelle une chose. Les Jets de Winnipeg sont plus jeunes que les Leafs de Toronto. Et puis, eux autres se sont rendus en finale de conférence. Et ça manque énormément de profondeur en défense. Leur gardien, Firlak Anderson, est un gardien de but moyen. Tu ne verras jamais ce gars-là nominé pour le Vezina. Il va toujours être autour du top 15, mettons, en la position 18 et 12 des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale. C'est pas une vedette en venir. Non, et puis, clairement pas. Écoute, Matthews, Marner et Lander sont agents libres avec restriction dans un an. Matthews va carrément demander le même contrat que Jack Eichel a de 10,5 millions par année. Pour combien de temps? Peut-être 8 ans. Ça alors qu'on voit des gens qui marchent ici et puis des gens qui font rien non plus. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de clock en ce moment? Non, c'est ça. C'est pourtant... Oh, shit! Gary Bettman sur stage! Oh, shit! Est-ce que Toronto a changé son choix de première ronde? Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, ils ont changé leur choix aux Blues de Saint-Louis au lieu d'échanger aux Canadiens de Montréal. Ah ben, calice! Les Blues vont parler. Les Blues n'avaient pas de choix de première ronde. Alors, Carl Dubas, sa première transaction en carrière en tant que DG de Ligue nationale, échange un choix de première ronde contre des choix de deuxième ronde. C'est des échanges vraiment très plates, ça. C'est comme des choix qu'à un moment donné, on ne s'aperçoit même pas qu'ils étaient vraiment échangés. Ouais. Fait que là, on va voir qu'est-ce qu'ils vont repêcher. Bon, là, on devrait montrer des highlights parce que là, il faut que le rapport y part. Il faut que ça soit accepté par le bureau des gouverneurs. Fait que je vais terminer en bâchant un peu sur les livres parce qu'on était rendu sur eux. Ben autres, oui, vas-y. Fait que Mitch Marner et Nylander sont agents libres avec restriction également. Fait qu'eux autres vont devoir signer un contrat aussi. Fait que c'est trois gros contrats pour trois joueurs qui jouent dans le top 6. C'est là que tu vois que le contrat de Patrick Marleau, je sais qu'il y en a qui voulaient l'avoir à Montréal, mais sacrément, ce gars-là, il est sous le bord de la retraite, puis il reste encore 7 millions par année à payer pour les deux prochaines années. Pendant qu'on voit Marc avec un marqueur dans les mains. D'après moi, le marqueur, c'est pour souligner les joueurs qui sont repêchés sur sa liste. Peut-être, alors que les Blues vont sélectionner dans deux minutes. Hey, il faut le faire pareil, tu sais, comme on dit dans le chat, un replay, c'est un repêchage, faut le faire, là. Ouais. Faut que ce soit long, puis que... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont manqué cette année, mais il y a comme clairement une heure de trop, là. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui était de spécial? Tu sais, peut-être que le monde pensait qu'il y aurait plus de transactions, mais carrément, Chris, oublie ça, là. Moi, si je serais là-bas sur le tableau, puis tu regardes là, peut-être que ça passe un petit peu plus vite quand tu es sur place, mais sacrément, à un moment donné, quand tu arrives à l'hôtel, tu t'en vas te coucher. Est-ce que tu n'as pas le temps de négocier avec les autres équipes? Surtout que tu vois qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui dirigent les équipes d'Angleterre. Ouais, mais tu sais bien que Marc aime ça, trancher de nuit, puis t'avoir l'air fatigué devant les journalistes le lendemain, là. Probablement. Mais là, aussi, c'est ce qui arrive avec Marc, c'est que je ne sais pas s'il va rencontrer les journalistes ce soir ou s'il va le faire demain après avoir terminé son travail. Il m'a fait une Kevin qui dit que c'est pire que les pay-per-views de la WWE. Non, WrestleMania, ça dure comme 18 heures dans le jour. Ça n'a aucun crise de bon sens. Là. Ah, fait que les Blues parlent. Dans une minute, les Blues vont aller choisir. Quel numéro on est rendu? On est rendu, dans le fond, c'est le 25e au total qui est repêché. Après ça, il en reste 6, GF. Ça achève les fans, tout le monde. On va se rendre jusqu'au bout. Je pense qu'on va finir à 11h, man. Ouais, je suis pas mal certain, moi aussi. On va en faire un podcast de 4h sur le repêchage, la première ronde seulement. Ah, c'est vrai, j'ai oublié que Fatso était... Fatso Brodeur est là, voilà, avec le front luisant. Ah ouais. Mais allez-nous à Fatso, comment est-ce qu'il loue? Je sais pas, hein. Chris, Lou, il n'a pas signé pour finir sa carrière au New Jersey. Il n'a pas promis de poste au 7e étage. C'est-tu parce que Lou savait qu'il allait crisser son camp ou c'est-tu parce que Lou est Lou? Lou est Lou, je pense. Un fin renard. Ouais, Lou, c'est un loup. Yeah. Voilà, quel bon gag ici en fin de podcast. C'est quoi son... Lou, c'est-tu Lorenzo, genre? J'aime autant même pas le savoir, m'a dit. Comment tu peux baptiser ton fils Lou? Hey, Lou! Hey, on a eu 8 nouveaux followers sur Twitch. Ah, ben merci les gens de nous suivre. Merci de suivre le canal Twitch de Young Media. On va diffuser des trucs de jeux vidéo et de hockey et de podcasting comme La Jazette. Donc, Alors, voilà, c'est fait. Les Blues vont repêcher. On voit à l'écran qui vont repêcher. Alors, le choix est... Dominic Bock. Bock avec deux K, B-O-K. Ne pas confondre avec le Bounty Hunter Bosque. Non, alors un ailier droit, Dominic Bock de 18 ans, 35 matchs et 41 points, a joué pour Vax Gio. Ça, ça veut dire que les Blues voulaient vraiment l'avoir, cette crise-là. Et en Suède. Check-y le nœud papillon, GF. Chris, c'est le premier à soir que ça. Ben oui, puis c'est aussi le premier qui a crissement une gomme comme une vache. Si tu fais dur. Les enfants. Ça ne sait pas vivre, ces enfants-là. Dominic Bonk, qui était classé 26e dans le mock draft que j'ai ici. Dominic Bonk avec sa gomme pour puis ça a l'air qu'il est extrêmement pas développé physiquement. Ça va bien? Sauf que, quand tu le prends, tu peux te le permettre. Mais il n'a pas acheté sa gomme encore. Check la allée. Ah, tabarnak. Puis en plus, c'est avec des Converse. Puis il a donné une poignée de main. Genre, ça paraît que c'est sa mère. Mais il a donné une poignée de main chummy avec Batman, comme la poignée de main normale. À la Wakanda. Là, non, mais la poignée de main, tu sais, traditionnelle que tu remontes vers le haut après ça. Là, comme... À Gary? Ouais. Ou j'ai mal vu, là, mais. Ah, Claude Lemieux est en train de jaser avec Pat Brisson. Pat Brisson, je le rappelle, est le. C'est sûr qu'il y a beaucoup de clients présentement, là, mais c'est aussi l'agent de Max Pacioretty. Sûrement que Pat Brisson le veut pas, le jeune Buck avec sa gomme dans la gueule à la TV nationale. Là. C'est quoi ce calice, la gomme dans la gueule? Mon fils, t'as pas de même. Hey, pour vrai, ça fait dur à calice, avoir une gomme comme ça dans la gueule. Non, mais Jeff, c'est des milléniaux. Ouais, mais clairement, tu peux au moins déployer ta casquette au complet avant de la mettre en gare. Ah oui, mais tu sais, peut-être qu'il dormait aussi. Hey, moi, j'ai une gomme, casquette croche aussi. C'est sûr qu'il disait que Timmins voulait pas repêcher des joueurs qui aimaient les jeux vidéo. Non, il y a un article là-dessus. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça. Oui, parce qu'il n'y a pas que ce soit une distraction, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que il n'y a, rien contre le fait que des jeunes jouent à des jeux vidéo. Il y a juste peur que le jeune joue toute la nuit à des jeux vidéo puis que le lendemain, il arrive à pratique fatigué. Ah, oh, mais sacrément, tu le punis. Mais on sait tous que Gatchenok arrivait toujours fatigué dans les pratiques, mais lui, je pense pas que ce soit les jeux vidéo. Je pense que c'était plus son nez qui jouait à quelque chose. On demande si c'était dans ton dos aussi que de savoir que Dominic Bach débute sa puberté maintenant. Ben dans mon mock draft, c'est indiqué qu'il est extrêmement pas développé physiquement. Alors qu'on a fait ça ici, on va le mettre. Ah, il est très fier. Il dit « Hey, Steve, Martin Broder! » Il faut pas parler en français. « Yes, I'm very proud to be with... Martin Broder qui... On va l'enlever parce que ça reste Renault quand même, là. Ça te fatiguant pour Renault de fatiguer, d'avoir mal aux jambes. Il est directeur adjoint des Blues quand même, Martin. On vous rappelle que les Blues ont connu une des pires deuxième moitié de saison dans la Ligue nationale. Pire que le Canadien de Montréal même, je crois. C'est quand même dur à croire. Ils font sur place. Eh bien, ils ont quand même payé gros prix parce que d'après moi, ils voient quelque chose. Bon, là, c'est un peu le même pari que Canadien en fait avec Sherback. Okay. Parce que personne ne le voyait, mettons, en première ronde, puis Timmins l'a repêché. Puis Sherback, c'est rare que tu fasses un risque en première ronde, mais lui, il a dit, regarde, si on repêche Sherback, puis qu'il devient le joueur qu'on souhaite, c'est un home run. Ouais. Mais écoute, il faut être patient avec Sherback. Il a le talent, c'est juste qu'il faut qu'il travaille présence par présence sa patinoire. On a encore les Sens qui ont un pur plaisir, malgré le fait qu'ils ont... une personne de la direction qui est en prison présentement pour avoir frotté les épaules d'un chauffeur de 19 ans à Buffalo. Puis je vous rappelle qu'aux États-Unis, 19 ans est équivalent à mineur. Alors, on surveille les mains de tous les dirigeants des sénateurs d'Ottawa. Malgré le fait que ça brasse à Ottawa, ils ont l'air contents. Puis, je pense que les sénateurs aussi ont un autre choix. C'est-tu qu'il y a un autre choix? Non, ils n'ont plus de choix. Non, ben en fait, ils s'en viennent en fait dans une minute 20 JF. Pas te contredire, là, mais. Ah, c'est vrai, ils ont fait un trade, Chris, avec les Rangers de New York tantôt. T'as pas noté sur ta feuille qu'il y avait eu des changements? Ah, ben que voulez-vous? Le gars, il est fatigué, là, il me brûle. T'as dit direct, les verres de contact. Envie. Bon, mais va aux toilettes pendant que tu veux, pendant que. J'ai pas envie au point d'aller aux toilettes. Là, je suis capable de me retenir jusqu'à la fin. J'étais un warrior, je vous le rappelle. Si ma vessie explose en direct, dis-le que je l'ai fait pour vous autres. Ça ferait un bon show, en tout cas, de voir la piste qui vole partout. Là. J'aimerais bien ça. Rendu après 3h15 de podcast. Comme dans le film Me, Myself and I avec Jim Carrey, quand il vient de fourrer René Zellweger, puis il est bandé bien raide, puis là, quand il pisse, il s'en rend pas compte. Il pisse partout dans la douche. Ah, ça lui tombe dans la face quasiment. Là. On n'a pas vu Rick Dudley encore. Il était pas dans le podium, me semble, avec Don Waddell quand j'ai vu. Colin, parce que je vous rappelle que Rick Dudley achète ses cheveux à la compagnie Lego. Ça fait un casque de cheveux fait sur mesure. Ça clip. Ça clip direct, ça fait comme ça rentre dedans, là, puis faut que ça donne un coup en haut du front pour. Ben, j'ai vu Rick Dudley tantôt, il parlait à Marc Bergevin, mais ça, d'après moi, c'est juste pour prendre des nouvelles. Ah, savoir où est-ce qu'il avait acheté son suit, là. Alors, dans 10 secondes, ben, les... écoute, à ce rang-là, au 26e rang, ça soit des Bruins de Boston. Fait que si je peux donner un petit survol aux Bruins de Boston de où ils sont rendus, le type de reconstruction que les Bruins ont fait, c'est un petit peu le genre de reconstruction que je souhaite le Canadien fasse. Ils ont échangé des gros joueurs, Milan Lucic pour un choix de première ronde. Ils ont échangé Doug Hamilton pour des choix de première ronde, puis ils ont repêché 3 choix back-à-back. Mais ils ont fait des erreurs dans ces choix-là, mais quand même. Aujourd'hui, ça a porté si fait parce que Boston était un des meilleurs clubs dans l'Est. Ils ont été éliminés par le Lightning de Tampa Bay. Et puis, un contrat qui fait bien mal aux Bruins de Boston, c'est David Backes. 6 millions sa match jusqu'en 2021. Puis Backes, qui est centre, joue à l'aile sa troisième ligne. Alors, ça fait dur. Mais leur défensive, par contre, un bon quatuor avec Chara, McAvoy, Torrey Krug et Brandon Carlo. Alors que Pierre Dorion repêche Jacob Bernard Docker. Who the fuck is that? Âgé de 17 ans, 49 matchs, 41 points, a joué dans le Okotok. Okotok dans le American Junior Hockey League. Ouais, la AHL. AJHL en fait. Who the fuck, c'est quoi ça? Fait que on a repêché Jacob Bernard Docker, voilà, un Canadien de 6 pieds, 187 livres pour les sénateurs d'Ottawa, Jeff. Puis d'après ce que je regarde présentement, ce calice-là, il n'est pas dans mon mock draft. Une autre surprise ici, pendant qu'il se remonte les culottes, parce que ça n'a pas de classe, ces jeunes-là. Là. Je regarde juste pour être sûr. Là. Il y a un gars qui s'appelle Saron Noël qui n'a pas été repêché quand même. Ouais, ouais, c'est le mock draft de la presse, ça, en fait. Ouais. J'aime bien gros. C'est préparé par un gars que je respecte énormément. C'est Guillaume Lefrançois. Un amateur de lutte, JF. Ah ouais. Il aime bien ça, la lutte. Il a déjà fait des chroniques à la lutte aussi. Cool. Pour la presse. Excellent. Alors, cet homme. Ah, c'est Guy Boucher, ça, calice. Ben oui. Le balafré, là. Et je vais voir si c'est dans ma liste de. Ouais, on se pas là-dedans, tu sais. C'est ma liste de joueurs à surveiller. Et puis, non, il n'est pas dans ma liste à surveiller pour le deuxième rang demain. Mais Jeff, là, est-ce qu'on rentre dans le top 5? Ou on est-tu déjà dedans? C'est... Oui, là, c'est les Blackhawks de Chicago qui parlent au 27e rang. Il nous reste 5 équipes à repêcher, Jeff. 5, tout le monde. On va le faire. On va le faire jusqu'au bout, tout le monde, ensemble. On va se rendre à 31 équipes ce soir. On aura fait notre record de podcasting pour l'épisode 81 de la soirée du podcast. Ah, je vous dis, les yeux me brûlent solides. Parce que là, je rappelle qu'on a comme changé un peu le naming des épisodes. On veut au moins, tu sais. Parce que je trouvais que ça faisait cheap de faire saison 2018-2019, épisode 1. Ça fait quand même 81 épisodes qu'on fait, donc c'est bien de quand même nommer ça par les vrais chiffres, là. Ah ouais, on va se rendre à 100 bientôt, là. Ouais, ouais. Peut-être, cette saison-ci. Si le Canadien sera en playoff, on devrait se rendre à 100, sinon au début de la saison prochaine. Verra ce qu'on va faire pour l'occasion. Ah, j'aimerais ça me rendre à 100 cette année avec John Tavares. On se prendra des step and slide et puis on glissera là, partout. Là. C'est fesses. Mais si tu me permets, JF, vu que les Blackhawks parlent au 27e rang, j'aimerais profiter de bâcher sur les Thrashers d'Atlanta. Excuse-moi, c'est pas vrai. Sur les Prédateurs de Nashville, hey, c'est la fatigue qui parle. J'ai rarement parlé sans cesse en 4h30 de temps. Ouais, non, ben plus l'après-midi, le podcast. On lâche pas, Jeff, lâche pas. Fait que, écoute, Carl Turris, qu'on a eu dans un échange à trois avec Matt Duchesne, donné quand même un gros contrat. Là. Son contrat commence là. 6 millions par année jusqu'en 2023. Il joue sa deuxième ligne. Tu sais combien de points en série? Non. 3. C'est pas très vergeux. 6 millions par année, 3 points. En playoff. Scott Gomez faisait 3 points. Ouais, en 3 ans. Ben, là, Scott Gomez, man. Alors, Carl Turris, est-ce que ça va être une bonne transaction? J'espère que c'est juste une erreur de parcours, mais c'est inquiétant. Puis, parlant d'inquiétude. Ça reste à voir, Jeff. Leur premier centre est Ryan Johansson qui ont échangé pour Seth Jones. Ça, c'est Joe Veleno avec des gros sourcils. Son père a l'air d'un prof d'université, non? Ouais, avec une grande barbe, là, bien taillée au laser, probablement. Ah, fait que Joe. Elle souhaite être repêchée par les Blackhawks de Chicago, probablement. Alors, juste pour venir à Ryan Johansson, JF, 8 millions sa masse jusqu'en 2023. Un gars qui paye 8 millions, JF, tu t'attends que ça fasse combien de points à peu près en moyenne par saison? Au moins un genre de 50-60 minimum. Là, à 8 millions? Ah, au moins, minimum, là, minimum. Minimum. Bare minimum, là, 60 points. Là. Ben, comme de fait, ce gars-là, aussi, tu t'attends combien de buts à 8 millions toi, par année? Minimum. Ça dépend à quelle est la position du joueur. Là, centre. Centre, tu veux au moins un 25-30 facile. Là, puis encore, il faut que ce soit plus que ça, j'ai l'impression. Là. 15 buts, 39 passes, 54 points en 79 games pour Ryan Johansson. C'est quand même pas une super bonne saison. Là. Pour un centre numéro 1. Nick Bonino, qui est le centre numéro 3, qui a été signé comme joueur autonome l'an passé, que le monde espérait qu'il vienne à Montréal pour jouer dans le top 6. 4 millions jusqu'en 2021. Quand même une aubaine. 25 points. C'est 25 points. Asti. Pécoréné, qui, on s'entend sur une chose, n'a pas été à la hauteur contre les Jets de Winnipeg. Bah ouais, 36 ans d'avant. Et puis, je termine cette analyse en vous disant une chose. La fenêtre des Preds est en train de leur fermer ses doigts. Ah ouais. Solide. Puis Subban va-tu faire échanger, tu penses? Écoute, t'as un défenseur, je crois, Ryan Ellis, qui devient joueur autonome avec restriction l'année prochaine, qui va demander un gros salaire. Ça, c'est au-dessus de 6 millions. Puis après ça, t'as Roman Josi et Mathias Ekholm qui vont devenir sans contrat, que tu vas devoir signer. Ils sont en marde, les Preds. Ça s'en vient. Puis en plus, ils n'ont pas de choix de première ronde. Ils ont donné un choix de première ronde pour Ryan Hartman, qui n'a même pas eu un impact en série. C'est triste. Mais à suivre pour les Preds, mais ils n'ont pas le choix de gagner l'année prochaine, sinon ils sont dans la merde. Alors que les Blackhawks repêchent... Qui est cet homme aux cheveux semi-longs? Ça, c'est sa sœur, ça. J'espère. On va voir le nom à l'écran. C'était sa copine. TVA Sports, s'il vous plaît, on veut voir le nom. Oh, tabarnak! Asti de calice! Fait qu'on voit que Nicolas Beaudin, 18 ans, 68 matchs, 69 points, a été repêché par les Blackhawks de Chicago. Les tabarnaks de Blackhawks, estime. A l'air très soulagé, Nicolas Beaudin, d'être repêché. Ah, c'est... Fait que Jeff, un autre de tes plans qui tombe à l'eau. Ouais, là, je sais plus trop. Là. Tu sais plus quoi penser de ça? Non, échange Pacho pour un défenseur. Rendu là, oh, t'as pas le choix, là. Lui, j'aurais aimé ça de l'avoir à Montréal. Ouais, c'est mais bon, ça a l'air que ça se fera pas. C'est chiant parce que tout le monde prend des photos de Nicolas Beaudin pendant que Joe Veleno s'est fait shifter ben raide. Ouais, puis Altris Veleno, je sais pas s'il va sortir après ça ou quoi. Parti comme c'est là, je sais pas du tout. Là. Mais, tabarnak. Ça, je trouve ça dommage. Quoi qu'il y ait un défenseur, mais qui tire de la droite, qui pourrait être très intéressant, puis que le monde en parlait en lui, c'est un jeune de Montréal, c'est Body Wild. Qui pourrait être bon. Mais bon, je rappelle qu'il n'y a toujours pas d'échange vraiment intéressant à date. Il y a eu deux échanges de choix, mais c'est tout. Là. C'est ça. Mais Body Wild pourrait être intéressant. C'est juste que la seule affaire, c'est qu'il tire de la droite. Fait que bravo Nicolas, tu vas jouer pour les Blackhawks de Chicago. Le monde doit être fier. Je crois que c'est le premier Québécois qui sort de ce repêchage. Je pense que oui. Joe Veleno devait être ce premier Québécois. Et j'imagine qu'en ce moment, les gens sur Facebook doivent chialer que le Canadien n'a pas repêché lui en premier. Mais le tabarnak, on n'aurait pas repêché lui en troisième rang, certain. Là. Oh, ben ça chiale là, déjà sur notre choix. Fait que, c'est ce que c'est, Gia. Ouais. C'est sûr. Mais non, quel dommage. Donc, il nous reste maintenant quatre équipes qui vont faire leur choix pour la première ronde du repêchage. Oui, les prochains à venir seront les Rangers. Sont encore les Rangers de New York. Qui est le choix de Tampa Bay, en fait, qui appartenait à Ryan McDonough. Puis, si tu me permets, Jeff, je vais bâcher sur les Lightning de Tampa Bay. Vas-y, Jeff, pendant qu'il y a des gens qui se joignent à nous sur Twitch, qu'on salue, qui viennent de rentrer dans le chat. Je ne sais pas s'il y a un mini raid. Et voilà. Mais bonsoir. Alors, vous tombez au moment où je parle du Lightning de Tampa Bay, qu'eux autres, il faut qu'ils gagnent l'année prochaine, sinon, ça va se corser. Ouais. Nikita Kucherov, qui a signé un contrat à rabais, devient agent libre avec restriction dans un an. Lui, il va demander la totale. C'est 10,5 millions minimum par année qu'il va demander. Puis l'affaire, c'est que Tampa Bay va être un petit peu dans la merde en 2019. Ryan McDonough devient joueur autonome. Yannick Gourde devient joueur autonome. Brandon Point devient agent libre avec restriction. Puis il y a juste deux défenseurs de signer en 2019, Victor Hedman et Sergachev, qui devient joueur autonome avec restriction en 2020. Quand même. Hey, ça va coûter cher en tabarnak. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Il y a des sacrifices qui vont être faits. Vasilevski devient joueur autonome avec restriction en 2020. Ce gars-là était candidat pour le Vezina. Fait que c'est clair qu'il va demander une augmentation de salaire. Fait que Eiserman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu gagnes là, sinon tu es dans la merde. Les Rangers qui vont choisir dans la prochaine minute, GF. On l'a vu souvent, ce gros calice-là, faire des choix. Choix numéro 27. Alors. Dans le chat sur Twitch, on nous dit que Sergachev va demander quand même beaucoup d'argent à moyen terme. Il y a plusieurs personnes qui ont joint et qui nous disent bon podcast, les gars. Merci beaucoup à tout le monde qui se sont joints à nous. Fait plaisir, les gars. Mais Sergachev, dans le fond, je ne sais pas s'il va signer un bridge contract avec Tampa Bay. Ça peut être possible. Fait que ça leur permettrait de sauver peut-être 2-3 ans, mettons, en pas cher. Mais écoute, le gars, il fait 950 000 par année. Fait que d'après moi, il va demander peut-être... ça dépend comment il va connaître ses deux prochaines saisons, mais c'est sûr que c'est une augmentation minimum le double. Mais pour ce qui est du reste, là, écoute, Yannick Gourde, qui a connu quand même une bonne saison, il va demander plus que 2 millions, certains. Après ça, Ryan McDonough, d'après moi, lui, va juste crisser son camp tout simplement parce qu'il n'y aura pas de place à masse salariale. Brandon Point, qui a été quand même un bon marqueur pour le Lightning, lui, il va demander 4-5 millions faciles. Sont dans la merde, Tampa Bay. Alors, je crois que c'est un air qui est sur le point de terminer. Alors que les Rangers vont maintenant faire leur choix de 27e... 28e choix, Jeff. Après ça, il en reste 3. 28e choix, maintenant, avec la moustache qui décolle de monsieur ici. Et puis, eux autres, ils ont choisi. Qui est-il, ce jeune? Ça doit être un Suédois, je suppose. Niels Lundqvist. C'est-tu le fils à Lundqvist? C'est un défenseur âgé de 17 ans qui a fait 28 matchs et 5 points. OK, je pensais qu'après ça, sa main, sa bouche. A joué pour l'équipe de Luleå, SHL, probablement en Europe, ça j'imagine. Mais si ces Européens-là, ça se peut qu'ils embrassent leur main sur la bouche, JF, là, tu sais pas. Tu sais jamais. Il est pas dans ma liste, en tout cas. Non? Excusez, j'ai baillé. Lâche pas, mon Jeff. C'est pas parce qu'on est rendu après 3h35 de podcasting live que pas de pause qu'on va tomber endormi. Ah. Écoute, on toffe, j'ai les oreilles rouges, je crois. Mais les oreilles sont rendues rouges. Fait que le jeune enlève son... Qui c'est qui prend son veston pendant qu'il s'en va? T'sais, d'un coup, il laisse son portefeuille, sa pochette. Lui, il doit être chaud. Ah, c'est clair, il est arrivé c'est chaud. Son père. Il... millionnaire! Lui, il avait clairement de la vodka dans sa gourde, là. Ouais, puis encore là, c'est un gars qui était même pas classé dans mon top 31. Non, même pas. Des surprises, vraiment, là. Écoute, un repêchage, c'est quelque chose qui est imprévisible. Fait que bien des choses peuvent arriver. Stéphane Leroux, Twitter, qui dit qu'il dit, il dit Baudin avant Veleno, qui aurait cru ça en début de saison? Personne. C'est fou, parce que Veleno, écoute, était classé vraiment dans les tops, là. Il devait sortir dans le top 10, ce gars-là. On est rendu au 28e rang, 29e, ouais. Puis il n'est pas sorti encore. Est-ce que le Canadien va prendre une chance? Est-ce que le Canadien va repêcher deux joueurs de centre, JF, dans ce repêchage-là? Parce qu'écoute, ils ont quand même quatre choix de deuxième ronde. Ça pourrait être possible. Mais tu fais ça, puis tu t'envoies un message clair, comme OK, on a compris que vous voulez des centres, mais en même temps, faut-tu vraiment que tu fasses plaisir aux fans à ce point-là? C'est rendu là au deuxième rang, tu prends le meilleur joueur disponible. Puis Joe Veleno, tu sais, un gars comme Dominique Ducharme qui le connaît très bien, ça pourrait être un petit projet, ça, là. Puis qui sait, si le gars devient super bon, là, tu viens d'avoir une bonne relève au centre. Fait que c'est juste que défensivement, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce que ça prend un défenseur gauche pour jouer avec Weber. Ça prend un gars qui bouge la rondelle et qui peut relancer l'attaque, là. Puis d'un joueur autonome, écoute, t'as John Moore, mais tu sais, c'est comme John Moore. C'est pas... Puis Jack Johnson, pendant qu'on voit la poutine chez Tim Hortons, what the fuck? Ah, j'ai vu ça l'autre jour, puis honnêtement, JF, j'oserais pas. Écoute, je lance un défi aux fans qui écoutent la jasette. Si jamais vous voulez que je mange une poutine de chez Tim Horton live, si vous, mettons, si je reçois 10 demandes sur Twitter de gens qui me disent « Ah ouais, GF, mange-nous une poutine live sur on va le faire. Je le fais pour deux demandes. Puis, je vais la manger. Moi, j'irai me sacrifier, ça me dérange pas. Je suis dans une passe que je mange de la merde. Que... GF, prends soin de toi. Non, mais il faut falloir, là, mais bon. Fait que les prochains à repêcher, GF. Oui, Arc, effectivement, dans le chat, la poutine Tim Horton, Arc, effectivement. C'est les Blues de Saint-Louis qui vont... Les Blues! Qui vont parler, mais les Blues n'ont pas échangé leur choix tantôt. Je suis comme mêlé, là, c'ti. Ah, c'est vrai, ils ont donné leur choix aux Leafs de Toronto. C'est les Leafs, les Red Wings et les Capitals qui restent GF pour le premier tour. Au 29e choix, s'il n'y aurait pas eu de transaction, ça aurait été les Jets de Winnipeg qui auraient repêché. Puis si j'ai un modèle d'équipe à dire que j'aimerais ça qu'on construise une équipe de cette façon-là, ça serait les Jets. Ouais. Écoute, ils ont de la puissance à l'avant, ils ont une super de bonne défensive. Fait que chapeau aux Jets. Excellent gardien de but en L. Buick. L. Buick. Écoute, Patrick Laine, qui est un don du ciel. Alors que les Maple Leafs de Toronto s'avancent avec leur DG prépubère vers le stage principal. Il a l'air d'être pas sûr, c'est pour mettre ses mains, hein? Non, mais il est pas habitué d'avoir des caméras dans la face. Hein. Ouais, c'est ça. Il se gratte des jointures, tu sais. Ah, il y a Jonathan Haro dans le chat Facebook qui dit « Ah ouais, GF, t'es pas game. » Donc, c'est une première demande pour la poutine Tim Horton. OK, c'est parfait. Fait que ça fait un, il en reste 9. Il en restera 9, mais... Je vais compter. Mais on va le faire moins que ça, je suis pas mal sûr. Ouais, OK. Si j'en vois que j'en ai une couple de plusieurs, c'est un petit peu comme la pétition qu'on a eue l'année passée, là. Ouais, de ramener les call-outs, c'est quand même drôle, ça. Ah ouais, ça, c'est j'apprécie. On aime l'effort des fans comme ça qui veulent qu'on fasse des trucs qui vont nuire à notre santé mentale. Je vois que Sigourney a dit Arc avec la poutine. Ouais, c'est ça. Il y a un commentaire sur Yark, là. OK. Une bonne poutine avec frites, patates grecques et fromage cheap. Ouais. Ah. Fait que... C'est comme si c'était une poutine, genre, au vieux du lutte, là. Il y a beaucoup de bleu, hein? Hey, Brandon, qu'est-ce que tu fais, Chris? Il va pas sur le stage? Non, ça t'étonne pas, il a mal aux jambes. C'est Brandon Shannon. Mr. Head and Shoulders? Ouais, il est pas payé assez cher pour aller sur le stage, lui. Will Arnett aime ça imiter Brendan Shanahan. Il a déjà aimé Howard, puis il imitait tout le temps à lui. Puis tu sais, dans le temps que Brendan Shanahan faisait des vidéos genre pour expliquer des pénalités, là, des suspensions. Là. GF, on a Simrox19 sur Twitch qui dit pas game GF, donc t'es rendu à deux maintenant. Ah, c'est-tu. Okay. Ça va vite pareil. Hein? Ouais, j'ai, mais ça fait pas 2 minutes que j'ai dit ça. On est live, puis ça se passe comme ça. Alors voilà, on va savoir quel est le choix en 29e position pour... C'est quoi qu'il dit, Jonathan Roux? Une bonne poutine avec frites, patates grecques. Et fromage cheap. De chez Tim. Alors, les Leafs qui vont repêcher maintenant en 29e position. Joe Veleno. Ramsun Sandin. Lui, il était en ta liste tantôt, je pense que je l'ai vu. Puis c'est un autre Suédois. C'est un défenseur de 18 ans, 51 matchs, 49 points, a joué pour Sault-Sainte-Marie dans la OHL l'année passée. Donc, prennent un gars qui a joué dans les alentours de Toronto. Donc, as-tu des infos sur lui, Jeff? Oui, j'arrive parce qu'il était quand même classé haut Sandin, ouais. Dans mes affaires. Il était entre le 11e et le 20e show. Et comme dit Yves Brouillette, d'une très bonne façon, un troisième Rasmus de ce repêchage. Et voilà. C'est un défenseur mobile. Il craint pas le jeu rude, fait que c'est un petit mélange de défenseur mobile et rude. GF, il y a MM Division qui dit « Let's go, Mallette, mange une bonne poutine, Tim. » Puis t'as Muffin Kevin qui dit « Come on, la poutine dégueu. » Fait que t'es rendu à 4 ou 5. Là, tabarnak, on aura pas le choix de faire ça cet été, GF. Ouais, faut faire un live, quelque chose, là, puis on ira essayer différentes poutines. Mais là, c'est pour la jasette, faudrait que je fasse découvrir au moins la poutine de chez Monique sur un live, quelque chose. Là. Ah ben oui, mais oui. Quelle sauce incroyable. On est local, donc on revient à Rasmus. Tu vois, ses cheveux sont bizarres. Il y a là, tu sais, genre une poupée là, dans Team America. Là. C'est des cheveux faits en... drôle, dur à dire, en fait. Ils sont comme statiques, ses cheveux. Sont... C'est ça, on dirait que c'est un gars des Thunderbirds. Tellement de gel là-dedans que ces poignées-là, excusez, je vais y roter dans le micro. Là. Cinquième défenseur Suda repêché en 2018. C'est ça, c'est la journée de la Suède aujourd'hui. Là. Sa mère... Qui s'est fait refaire les palettes. Not my style, not my style. On va le dire comme ça. Fait que bravo aux Leafs qui ont repêché ce jeune homme. Fait que mon GF, là, on arrive dans le dernier droit. Il en reste deux seulement. Ouais, on a les Golden Knights de Vegas. Mais c'était pas eux autres qui étaient marqués tantôt, me semble. À moins que j'ai mal vu, là. À moins qu'ils ont changé leur choix, puis je suis pas au courant, là. Mais c'est supposé être eux autres qui repêchent 30e. Puis après ça, on termine avec les champions de la Coupe Stanley, les Capitals de Washington. Il y a Craig Nassant qui dit ça va Mallette dans le chat. Ah, what's up Craig? C'est un de mes anciens collègues de chez Sport Expert. On a du fun voilà. Ensemble. Voilà, donc il t'a fait dire ça va. Donc, yes. On est presque sur le bord de mourir, reste deux joueurs. Ça fait 3h40 qu'on podcast. Là. Un Chris de bon gars, Craig. C'est ouais. Détroit pour l'échange de Tatar. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, ben oui, c'est vrai. Les Golden Knights ont donné un choix de première ronde aux Red Wings pour Thomas Tatar. Ah, c'est ce qu'on nous confirme dans le chat par plusieurs personnes. Ouais, je réalise à quel point cet échange-là était dégueulasse pour les Golden Knights. Parce que Thomas Tatar, on ne jouait pratiquement pas pour Vegas en série. Fait que Détroit va reparler une deuxième fois. Là, on voit Carl Dubas qui fait une entrevue. Il s'habille bien, des lunettes stylées. Mais aucune connaissance au hockey. Aime bien le Corsi, on le rappelle. Entre autres. Écoute, il y a comme une tendance où on va aller chercher des gens à l'université pour diriger une équipe qui coûte quasiment un demi-million de dollars dans la Ligue nationale. Toronto, peut-être, ça vaut un petit peu plus. Mais Toronto va redevenir Toronto, pour ceux qui me comprennent. Et les Red Wings qui vont parler dans maintenant moins de 2 minutes pour l'avant-dernier choix, GF, de l'édition 2018 du repêchage. Mais si je peux parler un peu de Vegas, parce que de fond, c'est eux autres techniquement qui auraient repêché 30e. Ouais. Écoute, l'équipe Cendrillon, sans aucun doute. Effectivement, là, j'ai hâte de voir si la balloune va se dégonfler à Vegas. Écoute, il faut faire une petite compassion pour Joe Veleno, parce que le gars pensait sortir dans le top 10. Ça marche pas pour lui. Je pense qu'il va être soulagé demain, parce que je fais une prédiction présentement. La bière parle. Joe Veleno sera repêché par le Canadien de Montréal avec leur tout premier choix de deuxième ronde demain matin. Mathieu Lamarre qui dit qu'il est chaud et qu'il a le goût d'une poutine Tim Hortons. Mathieu, ne fais pas des erreurs comme ça dans la vie. Tu vaux mieux que ça. Je vais sacrifier ma santé pour toi avant que tu sacrifies la tienne pour tes enfants. Commande-toi-en une bonne d'une pataterie quelque part. Là. Je suppose que tu restes, mais il doit y avoir une place qui livre des poutines. Là. Dans les faces. Hey, écoute, j'ai mangé une poutine de chez PFK tantôt là, avec des petits popcorn dedans. Tu vois, JF, pendant que les Red Wings s'en vont vers le stage, j'ai une affaire qui est le fun de déménager, c'est de découvrir les restos qui livrent chez vous dans ta nouvelle maison. Tu fais des tests. J'ai bien hâte de voir ça, moi, à Saint-Hubert. Là, je vais être proche des promenades. Peut-être avoir des surprises. Tiens-toi proche du Facebook de la compagnie. Ouais. Si jamais c'est dans le fond, c'est quoi? C'est un restaurant chinois que tu avais commandé la bouffe? Oh là là! Je veux même plus savoir. Que j'avais parlé du chin-chin, si tu t'es donné le goût, genre. Ouais, puis là, c'était dégueulasse. ça goûtait l'eau, puis c'était rappelé du chou chinois pour rien. Parce qu'on n'en reviendra pas là-dessus, là. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Vous irez voir, il y a un épisode de la Jazette qu'on a fait des 70 épisodes, là, quelque part, là. Qui... Check bien ça, parle, genre, ma prédiction va être repêchée direct là, puis je vais avoir la nanesticale. Toutes les yeux sont... Pauvre gars, il est tout le temps genre rivé sur lui. Ton collègue est pas content parce que les Habs n'ont pas choisi Kachuk. Okay. Ah, mais don't worry, Craig. Oh, tabarnak! Voilà! Ma prédiction a échoué. Ah, finalement, Veleno a été choisi par les Red Wings. Et c'est Mathieu Gélinas qui va être content en ce moment. Ah ben oui, un autre. Alors, Québécois qui s'amène à Détroit. Un centre de 18 ans, 64 points, 64 matchs, 79 points. Un enfant soulagé de se retrouver enfin repêché au premier rang. C'est l'orgueil, sûrement qu'il y en a plus un petit coup, mais une fois que tu es repêché, tu penses plus à ça, tu es content. Les Red Wings, c'est une bonne organisation. Fait que... Encore une fois, les gens vont dire pourquoi le Canadien a pas repêché un centre comme Joe Veleno alors qu'on a repêché un centre qui venait d'ailleurs. C'était pas le meilleur joueur. On a repêché le meilleur. Sa mère a pleuré solide. Ou elle a le spot dans les yeux et elle voit rien. Là. C'est selon. Oui, ben c'est l'intensification de la lumière. Ouais, voilà. c'est un mot, ça? Non, je sais pas, rendu à ça. Jeff rendu à 10h47 après avoir commencé à 7h, on va te laisser passer celle-là. Mais alors on voit Joe Veleno avec des écouteurs. Ouais, un joueur qui était déclaré exceptionnel parce qu'il a commencé à jouer dans une ligue d'ados à 15 ans. Fait que... Ah ouais, il n'y a pas de il y a pas un... Non, c'est ça, il a comme redoublé une année, il a comme sauté une année. Puis il était bien content, tout ça, c'est juste que il a pas eu... Tu sais, c'était pas, mettons, un Sidney Crosby ou quelque chose de même, là, parce que les joueurs qui ont eu ce privilège-là, je pense que Connor McDavid... Pour lui, c'était pareil. Il a été. Il a sauté une année, fait que c'est allé plus haut. Mais là, les Wings, là, Zadina et Veleno, là. Ils sont en train de se garnir une petite équipe. Chris, moi, je serais en tabarnak, ça arriverait chez nous. On voit que Veleno, il a pété son sol solide. Et moi, j'aurais crissé une tape saillesse. Tu ne fuck pas avec mon sol. C'est peut-être que pour ça que sa mère a pleuré. Ouais, genre les dommages, les réparations, l'assurance couvrira pas ça. Enfin, il va pas payer, esti. Ah, GF, on arrive finalement. C'est Joseph Veleno, finalement, son vrai nom complet. Ouais. Fait qu'on arrive finalement. Puis ils disent aussi, on dit dans le chat avec Manta aussi. Ouais, c'est ça. Une bonne offensive. Les Red Wings sont reconnus pour avoir une bonne offensive, anyway. Là, fait que... On va voir ce que ça va donner dans les années à venir. Et là, il y a une pause avant le dernier et on s'en va vers le dernier choix de repêchage de la ronde numéro 1. Ouais, du draft 2018, et c'est les Red Wings, les Capitals de Washington, les champions en titre de la Coupe Stanley. Puis, ce qui est une affaire qui est extrêmement rare, c'est que le coach Barry Trotz quitte les Capitals de Washington. Puis, il s'est joint aux Islanders. Ben oui, parce que les Capitals de Washington n'ont pas voulu lui donner. Donc d'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle parce que la veille que ça a signé, tu me dis, c'est sûr qu'il n'ira pas avec les Islanders, il va attendre qu'il y ait un team qui renvoie son coach. Puis il signe avec les Islanders, mais dans le fond, quand j'ai vu le contrat qu'ils ont donné, je me dis, OK, c'est bon, ils ont donné 20 millions pour 4 ans. Ah, c'est un bon contrat pour un coach, pareil, là, ça. C'est 5 millions par année, c'est ce qu'ils voulaient avec les Capitals, probablement. Quand même. Mais les Caps n'ont pas voulu le payer. Comment le gars connaît la fucking Coupe Stanley, là? Donne-y donc l'argent, c'ti. Ouais, c'est clair. Gang de tabarnak. Mais écoute, JF, je vais en profiter parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup dans la soirée ou pas du tout. C'est l'effet Heller et l'effet Devante Smith-Pelly. Ah, mais... Ouais, mais ça c'est des joueurs de soutien qui explosent en série. Ça arrive tout le temps. Parce que, tu sais, DSP a joué au-dessus de sa tête, lui, là. Écoute, Le but à DSP en finale de la Coupe, sacrément, c'était beau, là. C'était ouais, ouais, il a travaillé fort, là, il a plongé à terre. La passe avec le patin, puis ça, il plonge, puis t'as Heller qui a scoré aussi. Non, ils ont bien buts fait. En série, Jeff, ce DSP. Et puis l'harcèlement que là, tout d'un coup, tout le monde capote dessus. Pourtant, Chris, que tout le monde l'a essayé, ça, dans Montréal. 7 buts, on se passe 18 points en 24 matchs. Puis en plus, il a été mandaté pour piloter le deuxième trio pendant que Backstrom était blessé. Je pense qu'il avait une main cassée, Backstrom, puis il est revenu blessé aussi, mais quand même. Non, mais là, les fans à Montréal, encore, ça capote. Là, vous avez changé DSP, vous avez changé Heller. Sacrement, c'est pas parce qu'ils ont performé. DSP, ça allait nulle part, puis Heller, on s'entend que ça allait nulle part aussi à Montréal. Là. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'ils performent meilleur en série. Ça, qui avait gagné à la Coupe? Mowen avait gagné la Coupe, s'il avait le but de gagner de la Coupe. Ça veut rien dire. Là. Puis le gars qui remplace Heller, c'est Philippe Dano. On s'entend que je pense que c'est un peu. Je l'aime bien, Dano, moi aussi. Ben, en tout cas, la mère à Joe est émotive. Puis, ouais, on voit qu'il y a une jeune fille qui lui flatte les cheveux. Ça doit être la sœur, peut-être, ou... Ça, ouais, ça doit être une sœur ou une fille. Ah, c'est. Alors qu'on arrive maintenant pour le dernier trade. On va arriver à la fin. Il n'y a pas eu de transaction majeure qui va se faire. Que, comme je m'y attendais, Kovalchuk doit staller carrément la Mais c'est jamais GF. Il y a Montreal Expo One dans Twitch qui dit que Dreger vient de confirmer ce qu'on disait au début tantôt, que tout doit être jamais en ce moment à cause de Kovalchuk et puis Tavares. Les tabarnaks. Donc c'est pour ça que ça fait que le repêchage est assez drabe cette année et il n'y a pas d'échange puis il n'y a pas rien qui se passe. Tout le monde est en train de voir ce qui va se passer avec ces deux gros joueurs-là. Fait qu'on va le savoir parce que tu vois, Kovalchuk est supposé rencontrer quatre équipes. Ça dit, il va-tu faire l'avion quatre fois? Non, j'imagine que non. Là. Non, mais il doit être là, Kovalchuk, quelque part. C'est son agent qui fait du PR pour aller voir les clubs. Ah, ben là. Avec Kovalchuk, c'est JP Barry, son agent, qui est quand même un gros agent dans le fond. Lui, c'était l'agent de Matt Sundin. Ah, ouais, ok. Ouais, fait que c'est. JF, maintenant, il est 10h51 et puis on arrive dans le dernier droit de notre podcast. Ce soir, ce marathon, je pensais pas vraiment que ça allait aller autant long que ça. Là. Moi non plus, mais dans le fond, je pensais qu'on aurait fait ça en 2 heures. Non, on s'enligne vers 4 heures. Donc, Batman, l'année prochaine, check tes affaires comme du monde, puis fais ton timer qui marche. Puis, yo le timer, yo le clock en ce moment. Là, il reste personne dans la foule à part nous autres. Tout le monde a crié son camp. Ah, ben les caps sont. Ils ont pas niaisé ici. Ils ont déjà sauté sur le stage. On va le mettre en duplex comme ça, voilà. Alors, pour le 31e et dernier choix. Il repêche Alexander Alexiev, c'est ça? Alexiev! C'est ça qui s'est passé? Ben oui. C'est chiant parce que dans le fond, on dirait que c'est encore lisse parce qu'ils sont encore stickés sur l'autre. Mais je vous rappelle qu'il y a un Montréalais, JF. OK, une autre prédiction. Bodie Wild va être le premier choix du Canadien de Montréal demain matin. Un jeune défenseur qui tire de la droite. Mais... Tu penses? Hein? Ça a l'air que le gars a un extrêmement bon potentiel, mais ils sont pour la plupart gauchers. Peuvent permettre d'acheter la profondeur à droite. Fait que c'est un défenseur droitier qui pourrait peut-être prendre la place de l'esti Jeff Petrie. Je suis plus capable. Plus capable de Jeff. Non? Non, je suis tanné. Pas constant pour Saint-Saëns. Le Chris. Il y a aussi Cérine Noël qui n'a pas été pêché, qui est un ailier droit. Akil Thomas, qui est un centre droitier. Et puis, par la suite, voyons, c'est Nicolas. Niklas Nordren, qui est un ailier droit. Ryan McLeod. Et puis, tantôt, qu'on nous a montré en entrevue. Voyons, tabarnak, on nous a montré en entrevue. Il n'avait pas le tannis. Le fils de Benoît Gros, qui s'appelle Benoît Olivier Gros. Ouais. Qui est un centre qui tire de la gauche, qui n'a pas été repêché encore. On dit un choix relativement sûr pour une fin de premier tour. Personne n'ose le projeter au-delà d'un troisième trio. Mais tous les entraîneurs l'aiment. Souligne un recruteur. Les dirigeants qui se sont déplacés pour épier Philippe Zenant ont seulement remarqué le fils de Benoît Gros. Fait que peut-être que Benoît Gros pourrait être une compensation pour Véleno. Et aussi à peut-être voir. Que lui va avoir une meilleure carrière que Joe Véleno. À voir, mon gars. À voir. Hey. JF, on a survécu. Cheers tout le monde. On a réussi à faire presque 4 heures de podcasting live. Tabarnak, oui. JF, pour vrai, bravo pour ta préparation et tes dossiers. C'était vraiment excellent. Il t'avait fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir rien dit pendant 2h30 sur le podcast. Là. Fait que t'as fait un excellent job. J'espère que les gens ont apprécié à la maison qui nous écoutaient. On demande un rappel ici. Il n'y a pas grand-chose à faire. Un rappel, on s'est tous vidés pour la jasette tantôt. Puis là, on n'a plus rien à dire du tout, je pense. Là. Ah, j'ai tout ce que je peux dire, c'est qu'on va suivre de près ce qui va se passer le 1er juillet. Et puis, dès qu'il y a une nouvelle, on va vous l'annoncer. On va partager avec vous. On veut connaître votre réaction. Fait que, continuez de suivre la soirée du podcast sur Twitter et sur Facebook. Ouais. Il y a un nouveau site web qui s'en vient dans les prochaines semaines. Ça va avec la construction du studio puis tout ça. Là, je suis en train de rechanger tout ça. Ouais. Donc, nous, à moins qu'il se passe vraiment un gros trade, là, genre Pacioretty s'en va, puis il y a quelque chose de spécial qui arrive, puis qu'on a un show spécial à faire cet été, on risque d'être en onde quoi, mi-septembre, peut-être, début octobre max, là, mettons, pour ben, le début de la saison. Souvent, on revient avant le début de la saison. On va faire un show de Jeff, puis moi, quelque chose de live pour préparation du pool. C'est ça, puis on pourra peut-être en même temps aussi commenter... les changements que Bergevin a fait au cours de l'été, parce que dans le fond, c'est son plus gros été depuis qu'il est en poste avec le Canadien de Montréal. Ouais, ben c'est son plus gros stretch qui s'en vient là, pour Bergevin. Donc, exact. À voir ce qui va se passer avec lui. Écoute, il y a toujours chose à dire aux fans. Écoute, c'est pas fini. Puis il y a SimRox19 qui est comme très content. Il dit très, très bon show. Merci à tout le monde. Il dit, on demande d'avoir un spécial de 6 heures pour le 1er juillet, les gars, peut-être l'année prochaine. Ça va dépendre. Pas cette année, parce que moi, je vais être en déménagement. C'est sûr ouais, que non. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, l'affaire qui arrive avec le 1er juillet, t'es mieux de faire un show après, parce que quand tu regardes les gars qui sont à TV, ah, qui commencent parle, à 10 heures. Ils disent n'importe quoi. Là. Si ils s'ennuient, c'est l'enfer. Ils sont tous habillés en saut. Je suis sûr que quelqu'un coupe la climatisée aussi dans le studio. Mais écoute, des fois, là, les premières signatures, là, le rush passe de 2h à 3h. Le marché des joueurs autonomes commence à midi. C'est juste terrible. Fait que c'est compliqué de faire un show là parce que sinon, on crée son palerège de midi à 5h juste pour être sûr de couvrir tout ce qu'on a. Ouais, fait qu'on est peut-être mieux de faire un show après juste pour résumer ce qui s'est passé. On fera ça si jamais il se passe de quoi de gros, ben sinon ça va aller. Et si Tavares signe, tu peux être sûr et certain que je vais faire un live. Je vais peut-être être semi-chaud. Oh, on va capoter cet Tavares signe. Moi, j'y crois encore moyen, même si j'ai acheté le billet avec toi, mais on verra. On peut juste espérer, JF. Là. Ah, c'est ça, tout ce qui nous reste en ce moment, c'est espérer. En tant que partisan, c'est puis, c'est puis de savoir qu'on a repêché finalement un centre qui va être prêt dans 2-3 ans. Pour, puis on a aussi repêché un autre centre en passé qui était Ryan Poehling. Ouais, fait que il y a des centres qui s'en viennent pour le Canadien. Fait que ne désespérez pas. Même cette année qui s'en vient, on aura probablement une autre saison de merde encore que le Canadien, j'ai l'impression. Tout dépend des changements, Jeff, parce qu'avec John Tavares, tu peux pas avoir une saison de merde. Ouais, c'est vrai, ça va. Tout dépend de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Fait que pour l'instant, on peut plus c'est rien dire jusqu'à temps que les échanges se fassent pour le Canadien et qu'on sache l'alignement de départ pour la prochaine saison. Ça va s'en venir, on va savoir au mois de septembre, au tournoi de golf. Fait qu'un gros merci à tout le monde qui ont été là en direct avec nous, qui ont jasé sur Twitch, sur Facebook Live. C'était très le fun de vous parler en direct pendant qu'on podcastait. Et on vous dit qu'on se revoit ben, début octobre, fin septembre pour la saison 2018-2019. Je suis fatigué, là, on se retrouve pour la saison 2018-2019 du Canadien de Montréal et de la soirée du podcast. Donc, à la prochaine, tout le monde. Ciao!